Le dernier là avant Mickaël, nos limites. Allô? Allô, allô? Bah ça vient de raccrocher, c'est pas grave. Ouais, salut, j'appelle pour passer un message. Oui, vas-y. Ah, lequel est-il? T'as voilà, quel âge? Je voulais, moi j'ai 14 ans. Ouais, t'appelles où? Bah j'appelle de Paris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je voulais dire passer bonjour à Karima, je voulais savoir si elle pouvait me faire un mojito. Je vais essayer. Ok, super, hey, big up, hein. Je peux faire de la pub pour ma page? Vas-y. Alors c'est Mickaël officiel. Et voilà, c'est cool quoi. Eh ben tu reviens quand tu veux, merci d'avoir super, appelé. Super, salut, je vous kiffe. Salut. Il était con celui-là. Totalement, en plus il se moque, j'aime pas ça. Ça va Mickaël? Oui, bonsoir. Voilà. Ça va bien? Ça va super. Bon. Jeudi soir, hein, soirée Mojito, Fun Radio. Hein, paraît-il. Vous êtes tous les bienvenus à Bayard, à Paris. Mais oui, faisons la fête ensemble. Exactement, ah, oui. Bah oui, pendant qu'on bosse. Le doc vient, j'espère. Hein. Ah bah, oui, bien sûr. Ah, parfait. Le doc, moi, je ne viens que s'il vient. Mais sans alcool, moi. Évidemment, on se fera Mojito vierge. Un Mojito vierge. Voilà. Bah, il n'y a pas de souci, on attend ça avec impatience. Bah, bonne émission, les gars. Eh bah, pareil. Bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, rencard demain pour le Vin Fun à partir de 20h. Et on oui, à demain. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Arrête de me faire chier. Mickaël. Mickaël, nos limites. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon ben j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Hein. Eh ouais, il y en a qui sont rentrés au bahut. Ben qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Eh, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver là comme chaque soir de la semaine, 23h, 2h sur Fun Radio du lundi au jeudi. Et puis le dimanche soir également, loupé par le rencard. Hein, si vous n'êtes pas au courant, on fait 20h minuit. Donc préviez bien vos amis. Si vous êtes rentrés en cours aujourd'hui, j'espère que vous avez fait la promo comme je vous l'avais demandé hier. Et si jamais c'est demain, n'oubliez pas que le premier truc à faire avant même de savoir dans quel cours vous devez aller, dans quelle classe vous devez aller, c'est d'effectuer. Prévenir là les potes, les futurs potes, les anciens potes en disant qu'il se passe enfin quelque chose le soir sur Fun Radio et qu'il se passe enfin quelque chose le soir à la radio tout court. À partir de 23h on est là sur Fun Radio. Moi c'est Mickaël, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou pour les nouveaux qui viennent d'arriver, eh ben je vous souhaite les bienvenus. Soyez les bienvenus chez vous. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Si vous avez envie de venir délirer avec nous, bah c'est facile. 01 42 48 5000. Il y a le 02 851 4x0 qui fonctionne pour la Belgique également. Et puis vous passez à l'antenne hein, tout simplement là comme Gauthier qui est avec nous là. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Ça va bien? Salut Gauthier. Ça va et vous? Bah ouais, ça va tranquille hein. Tu nous appelles pourquoi toi Gauthier? Disons moi j'ai fait une petite bêtise, tu vois, hier j'ai une copine qui était pas très bien, tu vois. Ouais. Et j'ai envoyé un message et je me suis trompé de numéro, j'ai envoyé à ma copine et depuis elle me fait la gueule énormément. Ah j'aime bien ces erreurs ouais. Parce que tu sais c'est les trucs de. C'est le truc, t'envoies le message et bon si vous avez l'iPhone ou même avant, hein, c'est-à-dire vous voyez la barre avancée et ouais. Ah, bah on peut rien faire. Encore avant avec les vieux téléphones tu pouvais encore vite enlever la batterie, mais bon sur le ouais, téléphone, sûr, bon, voilà genre l'iPhone tu peux plus rien faire quoi, le truc il est parti. Oh ça m'est déjà arrivé ça avec une meuf. Mais enfin c'est pas avec une meuf, enfin si c'est avec une meuf, mais j'en parlais avec un pote. Mm-hmm. Et en fait je lui dis ouais mais et hop et je l'envoie à elle. Et alors t'essayes de secouer le téléphone, genre il partira pas le message alors qu'en fait ça sert à rien. Bon, on va en parler Gauthier. Tiens, t'as fait ta rentrée toi aujourd'hui? Ah ben non, t'as 20 ans toi, t'es déjà rentré. Non, moi je bosse moi. Tu bosses dans quoi? En cuisine. Cuisine? Ah bah très bien, bah d'accord, ok. Mais tu vas nous faire un petit plat à l'occasion là, non? Si tu veux, y a pas de problème. Bon bah c'est parfait. Tiens ce soir il y a aussi ce soir Sandro n'est pas là. Ah vous savez qui on a fait la soirée Mojito? Ah oui. Bon bah elle a eu du mal à se remettre quoi. Elle a eu du mal à se remettre. T'as bien les Mojitos toi Gauthier aussi ou pas? Non Mathieu, je suis plus votre casque, tu vois. Ça c'est trop fort. Moi j'aime bien ce qu'on appelle les alcools de gonzesse. Tout ce qui est sucré, tout ça. Non mais c'est vrai, j'aime pas les alcools purs et tout, c'est dégueulasse. Enfin moi je trouve ça dégueulasse en tout cas. Non mais après chacun. Tu vois, mais avec du coca ou du jus d'orange, ça passe. Oui, tant qu'on boit avec modération. Hop, comme ça. Fait. Donc ce soir, pas de Sandro, je vous dirai pas dans quel état elle est, mais je vous en parlerai, hein, y a pas de problème un peu plus tard. Kelly donc qui remplace Sandro là ce soir, ça va bien? Attends. Bonsoir, ça va? Ça va, très bien, parfait. Hein. Bon voilà, on va vous mettre la photo de Kelly sur le Facebook. Bon, comme ça vous verrez. Oui, bon on va trouver, ouais. Comme ça vous la verrez, vous nous direz ce que vous en pensez ou pas. Je présente pas le stagiaire, il est là, voilà, très bien. Hop, le stagiaire est présenté. Non, très bien. Je suis là parfait. Tous les jours moi. Voilà, non mais parce que là comme Sandro est pas là, du coup on a besoin de deux personnes pour remplacer Sandro. Hein, voilà. Comme ça vous avez fait la connaissance de toute l'équipe là. Et heureusement évidemment, Yatov qui est toujours là en mode mobilette, bien entendu. Attends, un démarrage de la mobilette. Voilà. Le champion de la mobilette est là évidemment avec nous en pleine forme. Mais oui. Bon, bah, mais tant oui, mieux, je parfait. Suis prêt à faire le tour de France en mobilette. Eh bah tant mieux, bah ouais, bah justement, tiens, tu vas pouvoir aider quelqu'un, tu vois. Je vous en parlerai tout à l'heure, hein, mais dans quelques minutes, là, il y a deux mecs. Bon, je peux vous en parler maintenant. Il y a deux mecs, en fait, ils sont enfin, un couple qui est parti du nord de la France vers Saint-Etienne pour aller voir un match de foot. Ils ont roulé, mais comme ils n'avaient pas les moyens de prendre un train, parce que c'est trop cher, en fait, ils ont pris une mobilette 50 cm cubes. Non. Ils ont mis 25 heures pour descendre, ils sont arrivés une heure après le match. Oui. Et puis après, ils ont fait marche arrière, ils ont dû remonter, quoi. Ouais. Et en plus, ils ont raté le match. En plus, t'as un match pourri accessoirement, mais enfin bon, c'est un autre détail. Bon, et puis il y a Polo qui, lui, n'a pas perdu son pipeau, hein. Non. Voilà. Est-ce que tu es fan du pipeau, toi, Gauthier, dis-moi. Bon, ça passe, hein. Bon, ça passe, attends, c'est ouais. Du bon son quand même, le pipeau, là, le pipeau de Polo, il est au taquet. Mais il est au taquet, on est d'accord. Ou alors, moins que tu préfères Stromae. Ah, je préfère, largement. Ah, tu préfères Stromae photo, hein. Bah, je comprends pas pourquoi. Hein. Je comprends vraiment pas pourquoi. Stromae qu'on écoutera tout à l'heure sur Fun Radio. Il y aura aussi LOL DJs. Voilà, et puis je vous cadrerai aussi, attention, il y a du lourd qui va arriver avant minuit, avant 2h du mat, le son de Florida et Pitbull. Le nouveau Florida Pitbull, Can't Believe It. Et avant minuit, je vous cale Gilo, hein. Voilà, Gilo avec Live It Up, c'est ce qui arrivera tout à l'heure sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Et puis si vous avez envie de choisir un de vos titres ce soir, un titre que ce soit ceux qu'on vous passe de temps en temps le soir sur Fun Radio ou d'autres, hein, n'hésitez pas à proposer, vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter. Est-ce que t'es sur Twitter, toi Gauthier, ou pas? Non, du tout. Non, parce que à partir de ce soir, alors on va le faire maintenant, à partir de ce soir, 23h05, là voilà, c'est l'heure qu'il est. 23h05, on va faire le top tweetos du soir à 2h du mat. On fera plusieurs petits points pendant l'émission et on va voir quels sont les 5 auditeurs les plus influents sur la page de l'émission. Donc le hashtag est Mickaël. Donc si vous êtes au top, si vous êtes numéro 1, alors soit on vous offrira un petit cadeau, soit vous allez pouvoir passer à l'antenne, soit bon bref, on trouvera un truc, vous inquiétez pas. Donc à vous de jouer. Si vous voulez être dans le top, alors on a un vrai truc, une vraie machine qui compte les tweets et tout le bordel. Hein. On les fait pas à la main, rassurez-vous. Hein. Donc on pourrait imaginer. Ouais. Donc voilà, si vous voulez venir tenter de devenir le top tweetos de soir en France à tous les soirs, à vous de venir jouer maintenant. Vous balancez vos messages, vous retweetez, vous écrivez vos messages, vous réagissez à l'émission, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez simplement le hashtag Mickaël dans toutes vos conversations sur le Twitter. Voilà. Pareil, si vous avez une conversation entre deux potes qui n'a rien à voir avec l'émission, mettez quand même le hashtag Mickaël. Hop là. Comme ça, ça vous fera monter dans le sondage. Voilà, comme ça, je vous dis ça. C'est pour vous filer un coup de main. Voilà. Et puis, on aura des PS3 à vous offrir aussi tout à l'heure. Là, ce sera dans la colle. Qui va arriver d'ailleurs d'ici quelques instants avec Miko qui est avec nous. T'es là, Miko, hein, pour la colle. Salut, Mickaël, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bah tranquille. Hein. Bon, ça a été la rentrée, toi? Ouais, comme d'hab. Hein. Bah oui, j'imagine. Ouais, t'as quel âge? En recherche d'emploi. Ah, t'es en recherche d'emploi. Ah oui, donc d'accord, ok, toi, t'es pas en mode rentrée d'école, toi. Non. Bah, tu cherches quoi comme boulot, là? Vas-y, cherche, tant que t'es là, pose la question, on sait jamais. Moi, je cherche en tant que vendeur et surtout en tant que DJ. En tant que DJ, d'accord. Ah ouais. Bah, tu sais que c'est pas avoir la même chose. Hein, tout le monde n'est pas David Guetta, hein, c'est compliqué d'arriver à en vivre. Parce que lui, il en vit pour plusieurs personnes en même temps, hein, plusieurs DJ, voire même un pays complet. Donc, il faut avoir un peu de chance, quoi. Donc, en gros, t'es DJ, tu cherches quoi, des boîtes où tu pourrais éventuellement avoir une résidence. Mix en club, voilà, d'accord. Compris, bon bah très bien. Carcassonne, voilà, c'est là-bas que se trouve Miko. Donc si vous avez un plan éventuellement, n'hésitez pas à lui proposer, hein, voilà, pas de soucis. L'annonce est passée, Miko. Je te remercie beaucoup. Bah avec plaisir. Moi, c'est pas de la pub. Bah écoute, si on peut rendre service, non, pas de problème. Après, je retouche ça, te demande également. Bah écoute, tu feras ça dans un instant, Miko, la bouge pas de là. Bon, Gauthier, par rapport à ton message envoyé par erreur, là, explique-nous un petit peu plus en détail là ce qui se passe. Bah disons que j'ai une copine qui a eu un petit souci hier soir, tu vois. Ouais. Et elle avait rendez-vous avec un mec, sauf que ça s'est très mal passé. D'accord. Donc moi, pour essayer de la réconcilier, enfin voilà quoi, bref. J'ai essayé de lui envoyer un message, de l'appeler plusieurs fois, sauf qu'elle voulait pas décrocher. Et je sais qu'elle est super sensible sur des choses qui sont pas bien, on va dire, entre parenthèses. Ouais. Et je lui dis, bah vas-y, au pire, si tu me parles pas, tu sais quoi, demain je t'appelle, sinon je le fais. Et elle était en train de péter un câble et tout, je l'ai fait, et sauf que comme un con, j'ai envoyé le message là que je devais envoyer à ma copine, et je l'ai envoyé à... Enfin, ma copine, quoi. Enfin, ouais, t'es gouré de destinataire, quoi. Ouais, voilà, merci, cherchez le mot. Non mais voilà, ouais, tu t'es gouré de destinataire. En fait, le concept, c'est ça, c'est un truc qui arrive souvent, tu vois. Ça m'est déjà arrivé aussi parfois avec des mails. Tu sais, c'est quand t'es en train d'incendier un mec ou une meuf, ou en tout cas de parler d'une personne ou l'autre. Numéro, Voilà, c'est-à-dire que t'es tellement en train de penser à cette personne que quand tu choisis le destinataire, tu mets cette personne-là en fait, parce que t'es persuadé que tu dois l'envoyer à cette personne et tu te gourres. Voilà, c'est déjà arrivé à plein de monde, à moi en premier, comme je disais, hein, donc une meuf, j'étais en train d'essayer de voir comment est-ce que je pouvais arriver à mes fins, si tu vois ce que je veux dire. Et puis j'en parlais à un pote, j'envoyais SMS, machin, tout bordel. Et puis à un moment, eh ben, je sais pas ce que je fous, en fait. Je lui envoie à elle, et puis là, la merde. Donc elle arrive, oui. Alors, tu sais, j'avais quoi? J'avais à avoir 16 ans, non, ouais, 17 ans, un truc comme ça. Et du coup, tu sais, par quel miracle, j'ai réussi à retomber sur mes pattes, franchement. Je dis, non, mais c'est rien, en fait, c'est un pote. Enfin, je sais plus ce que j'avais sorti. Je sais pas si elle m'a cru, mais en tout cas, elle a fait semblant, et pour ça, je la remercie. Eh ben, dis donc. Non, mais c'est vrai. Elle était cool. Elle était quand même plutôt cool, effectivement. Dites-nous d'ailleurs si vous vous êtes déjà trompé éventuellement de destinataire, et surtout quel a été le résultat, parce que bon, se tromper de destinataire, c'est arrivé à tout le monde, mais quel a été le résultat derrière, genre votre meuf s'est barrée, votre mec s'est barré, qu'est-ce qui s'est passé? 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ça t'est déjà arrivé toi, Miko, ou pas? Sérieusement, oui, plus d'une fois. Ah bah vas-y, explique, un truc en particulier. Moi j'étais embrouillé avec quelqu'un, et ouais, sans le faire exprès, j'envoyais une de mes amies. Et en fin de compte, et ben, du coup, je suis embrouillé avec le mec et la personne. Oh sympa, toi t'es bien foutu de merde. Hein. J'ai tombé, quoi. Ah ouais, t'as bien foutu la merde. Du coup, je suis rattrapé, mais c'était juste test. Tu m'étonnes. Bon bah écoute, dites-nous les autres, hein. Allez-y, n'hésitez pas, vous balancez votre message maintenant. Vous pouvez aussi réagir aussi bien sûr sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook, Mickaël officiel sur le Twitter. Et puis bah Eric aussi qui avait envoyé un message qui dit une petite pensée pour Sandro en mode Aspro 500. Damien qui dit moi je veux être le top tweetos. Ah bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Suffit simplement de parler au maximum sur Twitter en mettant le hashtag Mickaël et vous serez peut-être élu le top tweetos de ce soir aux alentours de 2h du mat. On terminera justement le petit top. Il y a Véro aussi qui dit pas trop en forme aujourd'hui, je compte sur vous pour me redonner le sourire, bisous à vous et bonne soirée. Ah bah attends, Tof il va venir te chercher là. Mais oui, j'arrive. Voilà. Le temps de monter sur sa magnifique petite mobilette. Et puis Mickaël aussi sur le Twitter qui dit ce soir c'est moi le top tweetos. Fuck Banana et DJ Kylian. Bam bim yeah. Oui bah c'est pas gagné encore Mickaël. On verra, te la ramène pas trop parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on ait des surprises à la fin de l'émission là. Et Duke aussi qui dit ah la bonne vieille mobilette de Toff. Et puis énorme le pipeau de Polo, c'est Anthony sur le Facebook. Donc venez nous rejoindre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc vous tapez Mickaël officiel Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous rappelle que sur Instagram et sur Twitter je vous follow si vous me faites un follow, ça tombe sous le sens. Vous me faites un follow et moi je vous suivrai également. Bon, ben vous restez là, Gauthier, tu restes là, Miko? Ouais, t'inquiète pas. Parfait, on se fait la colle juste après le son de Stromae, d'accord? Ça marche. Parfait, bon, allez, bougez pas de là et puis on va également parler de la rentrée, hein, si c'est votre cas aujourd'hui. Comment ça s'est passé, votre rentrée? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? J'en ai parlé également sur le Facebook tout à l'heure, là, en mettant la tête de Jennifer Lopez en mode pas maquillée. C'est-à-dire qu'en fait, elle était avec sa petite fille de 5 ans, elle a décidé d'aller faire les courses, ce qui est bien, tu vois, en magasin, tout ça, normal. Elle était en mode jogging, vieux t-shirt, pas de maquillage. Et vous allez voir que la photo est... Enfin, quand on a l'habitude de voir Gillo super bien maquillée, ça peut être un peu perturbant. Donc, allez voir. Dites-nous comment ça s'est passé votre rentrée. Vous êtes tombé sur des profs cool, des profs bien cons, des potes cool, des potes bien cons. Si vous avez déjà trouvé la bonasse dans le bahut, c'est jamais. C'est toujours le radar qu'il faut faire en premier. Hein. On en parle dans un instant. 01 42 48 5000 et puis au cœur d'une heure sans pub. C'est coup de Stromae maintenant. Papa outé sur Fun. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. C'est Fun Radio avec le son de Stromae à l'instant. Stromae avec Papa Outé. D'ailleurs, il sera demain en interview hein, dans Bruno dans la radio, ouais, dès 6h du mat. Donc soyez au rencard évidemment. Bruno dans la radio tous les matins entre 6h et 9h sur Fun Radio. Et demain à 8h30, ce sera avec Stromae. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, et restez avec nous puisque je vous cale Duxos aussi dans un instant là. Ah, Duxos avec It's You. Chanson préférée de Toff. Exactement, ouais. Parce que ça fait un peu... Alors il aime bien. Alors du coup quand il est sur sa moto il kiffe. Attends, et du coup quand il est sur sa moto, elle est où sa moto? Regarde, il est là avec la musique à fond là. Ah il adore. Et puis un son que j'ai hâte de vous passer aussi tout à l'heure, c'est Florida et Pitbull. Ah, Florida et Pitbull tout à l'heure avec Can't Believe It sur Fun Radio. Et je vous rappelle que si vous voulez évidemment être dans le top tweeto ce soir, il suffit de balancer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Alors pas la peine de flouder, hein, mettre juste hashtag Mickaël et puis une connerie derrière, il y a des vraies conversations. Hein. Parce que je sais si vous avez été bon. En fumeur ou pas, voilà, ouais. C'est ça, si vous avez enfumé ou pas. Donc attention, on a Colombo qui guette là sur le côté, là, donc faites gaffe, il est là, il enquête. Hein. Est-ce que vous avez remarqué ce petit air de pervers? Ouais, mais il a son imperméable, c'est pour ça, il a son petit imperméable, ouais. Tout ça. Ça se voit là, l'imperméable, tu le vois là, Miko, l'imperméable, le côté pervers de Toff là, non? Ah non, merde, c'est ma faute, j'ai pas poussé sur le bouton. Miko, tu disais, ça se voit le côté pervers de Toff avec son imperméable, non? Ouais. Ouais, quand même, ça m'étonne pas. Bah, il faut savoir que dans le week-end, je vais avec mon imper et puis de temps en temps, je l'ouvre comme ça. Ça m'étonne pas, ouais. Mais c'est avec le côté Colombo. Il y a Usaki aussi sur Twitter, et attention, c'est quand même pas mal, qui dit je peux mettre un bangarang de Skrillex si vous pouvez, vous êtes géniaux. Ah, bon, on va essayer tout à l'heure avant la fin de l'émission, bien sûr, Usaki. Hugo qui dit moi, je propose 10€ maximum la meublette de Toff là. C'est pas mal, hein, c'est à bon prix déjà, non, hein, franchement. Non, attends, dans l'état où elle est. Je suis sûr que sur le bon coin, je peux en tirer plus. Ah bah ouais. Et Let's Be Freaks, il dit pour tous ceux dont la rentrée fait déprimer, lance flamme sur la rentrée, avec plaisir, tiens. Dans la gueule à la rentrée. Ouais. Voilà, et puis Marc aussi sur le Twitter qui dit rentrée de merde, classe de bolos, emploi du temps à la con et prof trop chiant. Ouais, ça c'est le problème, mais après il faut voir, hein, peut-être que c'est des emplois du temps. Moi j'avais ça aussi parfois, si on avait le comment on appelle ça, l'horaire, voilà, c'est ça, c'était l'horaire provisoire pendant les 2-3 premières semaines, le temps de voir si tout se calait bien. Uh-huh. Et puis après tu pouvais toujours espérer que ça aille en mieux, ou parfois c'était pire évidemment. C'est surtout le temps de voir si les profs partent pas en dépression, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, Miko, alors toi t'es là pour l'école, toi, pour tenter de repartir peut-être avec la PS2 ou PS3. Bah d'accord, ah oui, PS2, tu sais quoi, bah, je vais te filer une PS2 si tu veux. Ah bah je te file la PS2, moi y a pas de problème, hein, si tu aimes bien les ancêtres, y a aucun problème. Bon. Non, je préfère la PS3 parce que moi avec la PS3 on peut sur internet avec. De quoi? Avec la PS3 on peut sur internet. Avec la PS3 on peut aller sur internet, ouais c'est vrai, c'est accessoirement c'est mieux, ouais. Bon, alors attention, vas-y, fais péter la petite colle de soir là pour repartir peut-être avec la PS3. C'est parti, alors de combien est la distance pour faire l'amour? Comment ça? De combien est la distance pour faire l'amour? Mm-hmm. Eh oui. Ok, d'accord. Alors, t'as pas un indice? Moi j'aurais dit 18 cm. N'importe c'est quoi. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. D'accord. 18 cm? Non, encore moins. Ah, c'est en centimètres? Non. Ah. Bon, alors, bah écoute, oui, c'est ce qu'on va faire de toute façon, hein. Donc alors répète encore un petit coup là pour ceux qui viennent de débarquer là pour gagner votre PS3. Attention, il faut avoir la bonne réponse évidemment. Alors vas-y, répète. D'accord. Et de combien est la distance pour faire l'amour? Voilà, de combien est la distance pour faire l'amour? Bon bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer dès maintenant. Vous balancez votre réponse sur le Facebook. Je suis en train de publier la question là, voilà, c'est fait. Donc si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, facebook.com/mikaelofficiel. Combien est la distance pour faire l'amour? Ok, très bien. Bon bah à vous de jouer maintenant. Et je rappelle que si personne trouve la bonne réponse, eh bien ce sera gagné. Ah super, Facebook, veuillez vous connecter pour continuer. Truc que j'ai fait il y a 5 minutes déjà, hein, pour poster le truc là. Ah bon bah le poste est pas mis, alors attendez, je vais vous le mettre dans 30 secondes là. Oh là là, super. Alors on a une connexion. Si vous êtes réparateur d'internet, n'hésitez pas à venir à la radio. Comment vous dire que la connexion ce soir est d'une rapidité au top. On est plus qu'au top. J'ai l'impression d'être avec un 56K, les vieux modems. Ne cherche pas. Si c'est Orange, ne cherche pas. Non, je sais pas ce que c'est ici, mais tu sais, j'ai l'impression que t'as avec Wanadoo à l'époque, c'est tout. Ouais, ça n'avance pas. Je vais plus vite avec le téléphone, c'est pour te dire quand même. Bon bah du coup je reposte la question. Alors je vais le faire en live, alors attendez. Répète la question, dis-moi. La question est de combien est la distance pour faire l'amour? De combien est la distance pour faire l'amour? C'est bien ça. Voilà. On propose un doigt. Un doigt. Non. D'accord, non. Mais t'as pas d'indice quand même à donner ou rien là? Bah, après, je sais que si tu donnes l'indice, ça te tire une base dans le pied, mais. Non, je donne pas d'indice, qu'après, ça sera beaucoup trop facile. Oh, genre, l'autre, il se la ramène. Mec, si c'est une question, on voit. Bon. Bon, ok, d'accord. Alors, de combien est la distance pour faire l'amour, si vous avez la bonne réponse? Il suffit tout simplement de venir maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous répondez correctement à la question en laissant un commentaire, par exemple, tout simplement. Et puis, si vous êtes tiré au sort, eh bien, à vous, la PlayStation 3. et ce serait pas mal. Et contrairement à ce qu'a dit Miko, c'est pas la PS2 hein, qu'on vous offre. Soyez soyez rassurés, parce que la PS2, comment vous expliquer que je pense qu'on ne peut même plus acheter ça neuf. Hein, ça ne se trouve plus. C'est un trop débaudé, hein. Bah, je te confirme. Bon, mais Miko, merci à toi. On se retrouve tout à l'heure. Et puis, vous avez jusqu'à... Pas de problème. Allons, 10 minutes et demi pour donner la réponse. Ah, c'est bon, Miko, ou tu t'en fous? Non, non, mais t'inquiète pas, je suis là, je t'écoute. Non, hein. Mais comme t'as pas répondu, c'est pour ça. Minuit et demi, donc vous avez 1h09 pour donner votre réponse sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikl officiel. Voilà, non, mais comme ça, moi, je donne le timing parce qu'après, il y en a qui sont perdus. Donc, au moins, on sait qu'à minuit et demi, pile, tac. Enfin, je vais essayer de me mettre à minuit et demi. Hein. Et si jamais je donne pas la réponse à minuit et demi, je me donnerai une claque dans la gueule. Donc là, je vais donner sur la tête de Toff pour montrer un exemple. Oui, refais-le. Bah, attends, je vais réessayer là. Tu disais, Miko? Mika n'est jamais à l'heure. C'est faux. Alors là, Miko, t'en la joues? Eh, je te taquine. Voilà. Oui, bah tiens, bah, c'est normal, attends. Bon, Miko, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Allez, de combien est la distance pour faire l'amour? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous allez tout simplement balancer votre réponse maintenant sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikl officiel. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Retour avec Gauthier dans un instant qui s'est trompé de destinataire. Avant ça, on va parler de la rentrée maintenant avec Mikael qui est avec nous là. Salut Mikael de Paris. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, écoute, hein, sois le bienvenu, Mickaël. Alors, t'appelles de Paris, toi, et comment ça s'est passé la rentrée aujourd'hui? C'était ton premier jour ou c'était hier? C'était quoi exactement? Aujourd'hui. Oh là là, quelle galère. Enfin, vu ta voix, en tout cas, c'est une galère. Ah, on sent que ça t'a fait plaisir de galérer. Ah bah du tout. Ah bah vas-y, explique, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'aimais pas du tout les profs que j'ai, parce que je les ai déjà eus l'année dernière. Et tu sais que c'est de la merde? Et juste... Comment tu sais, tes profs viennent d'appeler, ils ont dit que toi non plus, tu ne pensais pas. C'est ça se trouve, effectivement, les profs sont pas contents non plus. Hein. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les profs là? Pourquoi tu les kiffes pas? Parce qu'ils sont saoulants. Non mais d'accord, ok, mais c'est... Les profs en même temps... Ouais. Déjà, mon professeur principal de cette année, là, nous a déjà dit que demain, on a un contrôle. Ah, c'est bon ça. Ah, sympa, dis donc, le mec, c'est... bienvenue de vacances, hein, bon allez, retour. Contrôle. Allez hop, mais contrôle sur quoi? Vous avez étudié que dalle? Je sais pas. Il nous a juste dit ça. Il va vérifier les compétences. Ouais, oui, c'est le sale contrôle qu'ils font, c'est pour voir si dans la classe tout le monde est à niveau. Une demi-feuille, et c'est bien fait pour vos gueules. Un truc qui te met un peu la pression, quoi. Ouais. Non, mais bah ouais, mais écoute, ça va aller si t'as passé la classe au-dessus, là. Normalement, tu devrais le réussir, a priori, hein. Puis tu t'en fous, au pire, tu sais, tu mets que des conneries, comme ça tu revois les trucs de l'année dernière. Ah, super, bah tiens, il va être content, tiens, le prof. Directement, il va directement avoir localisé le casse-couille là, de la classe. Si tout le monde fait ça dans la classe, il va se dire, ouais, ils ont pas le niveau et tout, faut qu'on voit la matière. Ouais, ça c'est sûr, effectivement. Attends, parce qu'il y a aussi Maxime qui ne plaît pas pour ça à la base. Maxime, t'es là? Maxime? Allô, oui. Allô, ça va, Maxime? Oui. Bon, très bien. Alors, Maxime, dis-moi, est-ce que t'as déjà eu une rentrée un peu merdique, toi, en termes de prof? Ouais, franchement, bon, il y a certaines rentrées où ça peut se passer bien, mais généralement, quand on tombe sur des nouveaux profs, on trouve toujours un prof casse-couille, quoi. Ah oui, mais ça, c'est une certitude. Moi, j'en avais une, elle était relou, mais qu'est-ce qu'elle était relou. Bon, j'étais pas mal non plus dans l'histoire, hein, mais putain, tu sais... Il fallait toujours qu'elle ait raison. Ben oui. Alors évidemment le problème c'est que moi aussi déjà à l'époque. Hein, et puis en fait elle, elle avait toujours son espèce d'air arrogante comme ça. Tu sais où elle arrivait, où elle te cassait les couilles, elle te parlait mal et tout. Et ça c'est un truc qui me fait chier ça. Je déteste ça quand il y a un mec. Bon là en l'occurrence c'était une meuf, mais tu sais qu'elle débarque. Tu sais genre elle arrive, elle t'agresse quoi. Au lieu de t'expliquer, bah écoute non mais t'as mal fait ça, etc. Non c'est directement c'était un idiot. Mon père il a été à trouver, il a mis une patate. Bon il a pas mis une patate, mais j'aurais bien voulu. Non mais sérieux. Bah ouais, mais il aura eu raison. Mais non, il a pas eu raison de la taper, mais je veux dire, il y a un moment ça va, c'est pas parce que t'es prof que tu peux te permettre de parler comme ça. T'es d'accord avec moi, Mickaël? Bien sûr. Allez, révolution, ici, on a rien à foutre, moi, on va tous aller dans vos bahuts, tu vas voir comment ça va se passer. Bonjour les profs d'anglais. Et surtout les profs d'anglais. Pourquoi do you speak English, Michael? Ben ils sont chiantes les profs d'anglais. I don't understand. Un pied de travers et tout. Le prof d'anglais, c'est le prof de maths. Do you speak English, Michael? No. Bon, déjà, t'as compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu comprends l'anglais? Ben voilà, tu vois que tu parles anglais, mec. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, j'aime pas l'anglais. Et si déjà, je te dis... tous les profs. Le prochain titre qui passe, là, ça sera Doug Sauce avec It's You. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Bon, It's You, mec, t'es sérieux? Le thème? Je t'aime. Ah ouais, non, je comprends anglais. Oui, effectivement, je t'aime, c'est pas mal. Ouais, Mickaël. On est bien au niveau de la trad. Ouais, là, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Bon, bah Mickaël, bon courage pour le contrôle demain. Tiens-nous au courant hein, pour voir un peu comment ça s'est passé, surtout pour la note. Pas de problème. Bon, je compte sur toi. Salut Mickaël, ciao à toi, à bientôt. Salut. Bon, bye bye. Et puis il y a Gauthier aussi de retour là. Gauthier, t'es là ? Ouais, je suis là, ouais, t'inquiète. Bon, parfait, on va parler là des mauvais destinataires là quand on envoie un message. Alors il y a un message aussi qui est arrivé. Je peux avoir un coup de lance-flamme, c'est Zifrit. Ouais, si tu veux, ouais, tiens, hop là, dans la tronche. Voilà, voilà. Et puis Monté aussi qui dit Monté Dadou sur le Twitter qui dit chacun son tour, hein, on y est tous passés à l'école. Et Poupoulinette qui dit je me rappelle lors de la rentrée, je mettais mon prénom sur le papier plié en deux sur mon bureau. Ah ouais, parce que tu sais, les profs ils connaissent pas encore les noms et tout ça, donc ils doivent voir un petit peu qui est qui dans, le, dans l'histoire. Et Alexandra qui dit bonsoir, c'est quand De quoi? Non mais t'as un papier avec son nom sur le bureau, ça fait lèche-cul, je sais pas pour moi. Bah non mais tu sais, t'as les profs parfois qui disent bah présentez-vous, mettez un petit papier le temps qu'ils ils se souviennent des noms de tout le monde quoi. Et Alexandra aussi sur le Facebook il dit c'est quand qu'on a le résultat pour la PS3. Ce sera tout à l'heure à minuit et demi hein, si vous voulez choper votre PS3, allez répondre à la colle du soir là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, alors Maxime, toi tu voulais réagir aussi par rapport à Gauthier au niveau des erreurs de destinataire? Ouais, c'est ça en fait. Bon, bah parfait. Ouais, ça m'est arrivé à peu près la même histoire, pas exactement avec les mêmes personnes, mais en fait, bon, en revenant d'une soirée, je bossais pour une petite boîte qui fait de l'événementiel en soirée. Ouais. Et du coup, ça m'est arrivé en fait en rentrant de boîte, en voulant dire bonne nuit à ma copine, j'ai envoyé le message en fait à ma manager. Oh là là, sympa ça. Alors du coup, voilà, c'était bon, c'était assez comique sur le coup, c'était en plus pas du tout vu sur le coup, je l'ai pas du tout vu, et c'est elle qui m'a renvoyé un message en me disant oui, en plus bon voilà, c'est un message à ma copine, c'était genre je vais dormir, je t'aime, un truc comme ça, voilà. Non mais elle a cru que tu faisais les avances. En fait, sur le coup, elle a pas vraiment capté comme ça, et bon, après on s'est expliqué, ça s'est très bien passé, et puis... Ouais, ça s'est bien passé, on a terminé dans le lit et tout, on a fait un truc, l'autre ça l'a chauffé quand je lui ai dit ça, elle était contente, non? Non, pas tant que ça, mais bon, non, ça s'est bien passé, on a bien fini en rigolade là-dessus, bon, par contre, ma copine a bien tiré la gueule pendant quelques jours, mais... Sans déconner, ouais. Bah, t'étais pas obligé de lui dire en même temps. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un problème, tu vois. C'est que les gens, ils sont toujours obligés de dire quand ils font une connerie. Faites une connerie, assumez-la. Et puis arrêtez de casser les couilles. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si ma meuf me trompe, je veux pas le savoir. Non, mais qu'elle garde ça pour elle, qu'elle vive avec, tant pis. Mais moi, je veux pas. Non, mais c'est vrai, je veux pas le savoir. Après du coup, tu sais, t'as plus la confiance, t'es méfiant de tout, tu te dis putain, t'imagines des trucs et tout. Et... Alors que si elle se tait, si elle ferme sa gueule, hop, t'es tranquille. Non mais c'est vrai, je suis d'accord. Attends, fais d'accord avec moi. Bah clairement, oui. Ah bah tiens, évidemment, bah, le plus grand trompeur de la Terre, évidemment. Moi je ne leur parle jamais, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, dites-nous d'ailleurs vous aussi, est-ce que vous préférez... Alors voilà, on va demander, tiens, alors toi, Maxime et Gauthier, là, si votre copine ou votre copain vous trompe, là, vous êtes tous les deux hétéros ou gays? Hétéros. Vous êtes tous les deux hétéros? Ouais. Bon, alors, oui, logique. Enfin, moi, perso, oui. Bah, logique, non, pas forcément, mais bon. Donc, en l'occurrence, puisque je vous parle à vous deux, là, Gauthier et Maxime, si votre copine vous trompe, est-ce que vous préférez qu'elle vienne vous le dire, genre, j'ai fait une connerie, faut que je soulage ma conscience, en fait, voilà, je t'ai trompé, etc., etc. Ou alors, vous préférez qu'elle ferme sa gueule et qu'elle garde ça pour elle? Perso, moi, je préfère qu'elle vienne le dire, tu vois, ça fait plus franc. Non mais plus franc, et après t'es bien avancé quoi. Après après t'as plus confiance, tu fais des films, dès qu'elle te dit bah écoute je vais au ciné, ouais c'est ça, tu vas voir, enfin tu vois, moi je préfère pas savoir. Ouais, peut-être, mais il vaut mieux quand même qu'elle soit franc envers elle-même, tu vois, que rester dans l'agonie sans rien dire. L'agonie. Oh, bah, t'inquiète pas, elle aurait kiffé avec son amant, avec elle-même, hein, t'inquiète pas. Hein. Donc je crois que c'est bon. Bah, et toi Maxime? Bah perso je serais même à peu près du même avis que Nicolas, mais... Que Gauthier, en fait, Gauthier. Pardon, que Gauthier, mais bon, en fait, au final, le truc, c'est que je préférais qu'elle me le dise sur le coup, oui, pour la franchise et tout ça, mais je ne pas avec derrière, quoi. Ok, très bien. Et Polo, l'avis là-dessus? Moi, je préfère aussi ne rien dire. Qu'elle ferme sa gueule. Caisse, ouais, mais elle le fera pas, parce que je suis un beau gosse. Bon, je... arrête ton cinéma, là. Le truc s'en rapporte. Ouais, c'est ça. En plus, il joue du pipeau, alors c'est pour vous dire. Grand talent de... Non, il va pas pleuvoir. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, il y a du soleil qui arrive là. Bon, ben, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que vous préférez que votre copain ou votre copine se taise ou qu'elle vienne vous le dire? Si jamais il ou elle vous a trompé, si jamais ça vous est déjà arrivé, venez nous en parler. 01 42 48 5000, 02 851, 4x0 pour la Belgique. C'est Mickaël No Limit. Hein, prenez le contrôle de Fun. On est là jusqu'à 2h du mat. Merci Maxime d'être passé. Merci, ciao. Et à bientôt. Merci Gauthier également. Merci, au revoir. Salut à vous, et puis vous revenez quand vous voulez, hein. Et puis on peut encore parler, hein, des erreurs, évidemment, de messages envoyés par mail ou par SMS, évidemment, sans problème. Toujours au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, là, je vous cale le son de Xaus, maintenant, je vous l'ai promis. Eh ben, on va vous le mettre. It's you, et puis on fera un petit tour du côté de tous les messages aussi qui sont arrivés sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram et les SMS également ce soir. Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat, bonne soirée. It's you. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est là sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat comme chaque soir. Je vous rappelle également d'ailleurs qu'on est là aussi le dimanche, hein, dimanche 20h minuit, prévenez vos potes évidemment. Ouais. Si vous voulez qu'ils viennent également délirer tous ensemble, on parlera aussi du top tweetos, là, on va se faire aussi dans un instant là, le jeu de la rupture. Si vous voulez vous inscrire maintenant, on va jouer dans 5 minutes, là, 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0. Et puis dans moins d'un quart d'heure, je vous le tape le chéri, je peux te faire cocu qu'on avait fait hier soir, là, vers 1h du matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le remets dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Et puis on va se faire aussi la colle maintenant. Retour sur la colle avec Miko. Miko ? Oui, je suis là. Ah, il est là. Très bien. Miko pour la colle. On va donc jouer pour vous offrir peut-être votre PlayStation 3. Alors attention, je rappelle qu'il faut répondre à la colle du jour. Et la colle du jour, elle est sur le Facebook de l'émission. Il suffit d'aller donner votre réponse dessus. facebook.com/mikaelofficiel. Alors vas-y, fais péter. On t'écoute, Miko. De combien est la distance pour faire l'amour ? De combien est la distance pour faire l'amour ? Il y a Karim qui proposait la réponse, c'est peut-être 0. Bah, vu que tu rigoles, c'est soit la bonne réponse, c'était l'air bien con, soit c'est pas la bonne réponse, tu te fous de sa gueule. Ouais, franchement, on va dire la deuxième solution, parce que franchement, pour moi, être con ou conne, pour donner une réponse comme celle-ci. Tu te la ramènes, Miko, là, tu te la ramènes. Moi, je suis à la place, de Karim, tu sais ce qui t'arrive ? Moi, je suis à la place de Karim ? Vas-y. Ah bah, je te mets un gros coup dans la tronche et un coup de pelle. Voilà, parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu te la ramènes, mais si tu perds, on va bien rigoler. Ben justement, il faut faire réfléchir les gens. C'est vrai. Bon, bah, si vous voulez tenter votre chance et gagner votre PS3, alors répète encore un coup la question, s'il te plaît. De combien est la distance pour faire l'amour ? De combien est la distance pour faire l'amour ? Voilà, bon, bah, facebook.com. Tapez Mickaël officiel et puis il y a une petite question sur le journal, hein, tout simplement. Là, vous répondez à la question correctement en laissant un commentaire. Et si vous avez la bonne réponse, la PS3 sera peut-être pour vous. Miko, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Encore une réponse ? Ah, il y a Adrien. Oh, Miko ! Oui. Il y a encore Adrien qui dit moi, je pense que c'est un poil pour la distance. Non. Non, et il y a Vic qui dit aucune. Aucune. Non, bon, bah voilà, écoute, comme ça, moi, pas c'est la fait. Peine. Eh ben voilà, les autres, allez-y, donc facebook.com/mickaelofficiel. À tout à l'heure, Miko. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, ciao. Et puis un message aussi qui est arrivé de Lucie sur le Twitter qui dit bonsoir l'équipe, ça fait 4 soirs que je vous écoute et je vous kiffe déjà. Oh bah c'est gentil, bienvenue, Lucie. Eh ben bienvenue à toi, effectivement. Et puis, je te fais des bisous. Ben voilà, bisous également. C'est et puis Manu qui dit ma mère écoute pour la première fois avec moi, elle est à fond dans l'émission. Bah écoute, bonjour à la maman de Manu. À quel âge elle a la maman de Manu là pour voir si. Est-ce qu'elle est célibataire la maman de Manu, Sportof? C'est une cougar. Ah bah écoute, tu sais, ah bah, même si elle est pas cougar, moi ça m'intéresse. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, moi j'ai pas de... Mais évidemment. Mais il a raison. Bon, il y a Amandine aussi qui est avec nous, là. Amandine qu'on avait hier soir, là. T'es là, Amandine ? Oui, je suis là. Comment vas-tu ? Ça va. Bon, Amandine, 23 ans, donc du nord de la France. Et puis il y a une copine aussi, Virginie, qui est là. Salut, Virginie. Salut. Comment ça va ? Ah... Mal. Bon, alors pour vous expliquer, on a eu Amandine et Virginie hier soir en fin d'émission. Et donc en gros, ben vous êtes en kiff sur le même mec. Et oui. En gros, vous vouliez que ça termine en plan 1-3, quoi. Voilà. Et en fait, on avait essayé de l'appeler hier soir, mais c'était le répondeur, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est ça. C'est la mer, sa mère. Ah non, on est tombé sur la mer, oui c'est pire, on est tombé sur la mer. Exactement. Et j'avais promis à la mer qu'on l'appellerait ce soir un peu plus tôt pour pas la déranger trop tard. Donc bon, on va l'appeler d'ici. Non. Quoi, non, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Virginie ? Non, faut pas. J'ai contacté tout à l'heure, j'ai demandé simplement, gentiment, de faux. C'était un délire qu'on s'était mis dans la tête, mais il y a rire, monsieur. Je comprends rien, Virginie. Virginie, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. Bon, Virginie, reste. Attends, là, on va en reparler dans un instant. Restez là dans moins d'un quart d'heure, on va essayer d'appeler le mec, il n'y a pas de problème. Et puis on accueille Samuel et Jordan là, pour la rupture. Là. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, allez hop, on va se faire la rupture. Le principe est simple. On va donc appeler quelqu'un là maintenant au hasard, évidemment. Et puis le principe, c'est d'avoir une conversation de rupture la plus longue possible avec cette personne. La plus longue entre vous deux, évidemment. D'accord ? À savoir que le record est de 7 minutes. Qui veut commencer, Jordan ou Samuel ? L'actionneur à Jordan. Il s'envoie le truc. Tirer, on a qu'à le tirer au pile ou face. Pile ou face. Bon, alors tu prends quoi, Samuel? Pile ou face? Pile. Pile. Très bien. Alors attention, je jette la pièce. Eh ben c'est face. Voilà. Bon ben Jordan, c'est à toi. Ok. On y va? D'accord. Allez, c'est parti. Jordan, on appelle maintenant un numéro au hasard. À toi d'avoir une conversation la plus longue possible, une conversation de rupture, une conversation logique. Hein. D'accord? Ouais. Bon allez, c'est parti, on y va, on appelle. Attention, nickel, parfait. Allez, bonne chance, hein. Okay. On va voir combien de temps, comment ça va se passer. Et si vous avez des numéros de téléphone, n'oubliez pas, hein, vous pouvez nous les balancer aussi. Il y a le numéro de téléphone, vous êtes sûr de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, là, qu'on n'appelle pas dans le vent tout le temps. Ça va être mort celui-là, attends, c'est pas grave, je prends un autre. Celui-là, ça a l'air de mort, hop là. Je le dégage. On appelle chez quelqu'un d'autre, là. Allez. Allez. Allô. Allô. Ça va? Allô. Oui. Ouais. Tu sais, c'est qui? C'est qui au téléphone? Bah, c'est ta meuf. Et tu sais, c'est quoi? Je suis plus ta meuf. Vraiment, je suis ton ex. D'accord. Oh bah bravo, non, non, hey, 17 secondes. Oh là là, c'était mauvais. Oh là là, mais oh Jordan, t'as pas été mauvais, t'as été très mauvais là. Oh là là. Oh mec. Oh là là, dis donc, 17 secondes. Eh, c'est un boulevard pour toi, Samuel. Hein. Ah bah mec, comment t'expliquer que là, c'est le boulevard, t'inquiète pas. Bon, bah du coup, on va refaire la deuxième manche dans un instant, Jordan et Samuel, vous restez là? Okay. Bon allez, bougez pas de là, on va faire le deuxième appel dans quelques instants sur Fun Radio. Restez bien là également toutes et tous là, puisque dans quelques instants on va également se faire le chéri je peux te faire cocu. C'était le caviar d'hier soir. Le caviar d'hier soir, le chéri, oh je peux oui, te faire cocu. Bon. Ah, il était très très bon. On va faire ça dans quelques instants sur Fun Radio. Restez bien là. Et puis on va récupérer aussi Virginie, Amandine, là, pour essayer d'appeler le mec. Hein. Je rappelle donc qu'on les a eu hier soir en fin d'émission. Amandine et Virginie qui sont en kiff sur un seul et même mec. Et donc elle voudrait que ça termine en plan 3. Donc on fait ça dans un instant. Et puis on va s'écouter aussi le son de Jennifer Lopez. Jennifer Lopez avec Live It Up. C'est ce qui va arriver dans un instant. Avec ou sans maquillage? Avec ou sans maquillage, je sais pas. Mais si vous voulez la voir sans maquillage, elle est sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez y aller. Facebook.com/MickaelOfficiel. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez en passage. Hein. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, No limit. No limit. C'est tous les soirs, 23h-2h. Sur Fun Radio. Ouais, on est parti pour la nuit sans pub, maintenant sur Fun Radio, là, tranquille. Voilà, plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno. Ce sera tout à l'heure avec Stromae, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Stromae qui sera l'invité de Bruno. Ce sera tout à l'heure, enfin demain matin, allez, dans 6h15. On va dire ça comme ça, à partir 6h sur Fun Radio. Bruno dans la radio tout à l'heure, ne manquez pas le rendez-vous. Il y a Mathieu aussi qui dit, je peux avoir une pelle dans la gueule pour avoir une grosse bosse sur la gueule demain pour rater la rentrée. Oh bah si tu le demandes si gentiment, allez vas-y tiens prends ça. Voilà, un coup de pelle dans la tronche là, au moins comme ça on saura d'où vient la bosse. Allez restez là. Il y a le chéri, je peux te faire cocu, qu'est-ce qui est marrant? Non, c'est qu'il demande de lui mettre une bosse, c'est extraordinaire. Ah, évidemment, c'est normal, comme ça il rate un jour de cours. Ah, mais Toff, il est vexé. Bah oui, il est vexé. Je n'ai rien eu aujourd'hui, pas de bazooka, T'inquiète pas, tu vas prendre. Rien. T'inquiète pas, tu vas prendre à partir de minuit, là, reste bien là. Il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va arriver dans quelques instants également sur Fun Radio. Là, celui d'hier soir, on va vous le remettre tellement il était juste énormissime. Et puis on va se faire celle. J'aimerais bien me la faire, mais bon. Jennifer Lopez, maintenant, qui est sur le Facebook, facebook.com/MickaelOfficiel, pour la voir en version non maquillée. Et vous allez voir que c'est pas pareil. Allez, on écoute Gio et Pitbull, c'est Live It Up sur Fun. C'est Fun Radio avec Gilo à l'instant sur Fun, là. Jennifer Lopez et Pitbull, c'était Live It Up sur Fun Radio. Prenez le contrôle, allez-y, faites-vous plaisir, là, venez nous rejoindre sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h du mat. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est tranquille, il n'y a plus de pub jusqu'à la fin de l'émission, là, maintenant, on est tranquille entre nous, pépère, à la cool. Message de BG également qui dit, tu passes Wild Stylies avec Year of Summer, je serai l'auditeur le plus heureux. Bah écoute, on va déjà voir ce qu'il y en a ça en stock. Et si on l'a en stock, écoute avec plaisir. Julie aussi qui dit 4 jours que je vous écoute et je vous kiffe. Vous me faites coucher tard, vous déchirez. Merci Julie sur le Facebook. Et Brandon qui dit rentrez demain pour moi. Mais mais j'ai l'impression d'être obligé de vous écouter. Oh, t'es pas obligé, mais bon. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux, voilà. Marion aussi qui dit, c'est la première fois que je vous écoute et vous déchirez, merci à vous, merci beaucoup. Et puis Nadia aussi qui dit, sur Twitter, moi, si j'avais un copain, il a l'autorisation de me tromper. Ce n'est que du sexe, pas de sentiment dans la tromperie, c'est mon avis. Mais vas-y, je suis disponible, attends, appelle-moi. Attends, parce que je crois que j'ai mal lu la... Moi, si j'avais un copain, il aurait l'autorisation de me tromper. Ouais. Hein, ce n'est que du sexe, pas de sentiment dans la tromperie, c'est mon avis. Bizarre. Ah putain, mais... t'es la meuf pour toi, toi, alors, à dire donc, en fait. Donc c'est T-O-P-H arrobase F-U-N-R-A-D-I-O tout le monde sait écrire Fun Radio. Point F-R. Ouais. Pour être sûr. Il l'écrit avec son doigt. Ouais, il l'écrit avec le doigt, c'est au cas où. Et Zifrit aussi, sans te dire qu'il y a oui, effectivement, Gilou naturel, c'est pas la même chose. Ah bah non, mais ça c'est clair. Hein. En fait, il y a que Toff, hein, maquillé ou pas maquillé, c'est pareil. Ouais. Voilà, tu vois identique en fait, c'est exactement la même. J'ai essayé la chirurgie, ça n'a rien changé. T'as vu, c'est bizarre. Hein. Ouais. Bon, dans quelques minutes, je vous mets la photo de Kelly au standard qui remplace Sandro. Je vous la mets sur le Facebook, là, vous allez me donner vos avis. facebook.com/MIKL officiel. Si, voilà. Si on la garde ou pas. Ouais, voilà, c'est ça, pour voir si on la garde mais ou juste pas. Pourquoi? Bah, comme ça, les auditeurs voulaient voir à quoi tu ressembles, donc ah on va oui. la mettre. Il y a eu des demandes. Ah oui, il y a eu je des demandes. Vois, mais oui, on va la mettre, on va la mettre, t'inquiète pas. J'ai été pris sur ton meilleur profil, t'inquiète pas. Bon, dans un instant, donc, Amandine, oui. Amandine et Virginie pour l'appel, justement, donc chez le mec. Hein, donc, Amandine qui voulait donc qu'on appelle le mec parce qu'elle est en kiff sur ce mec, pareil que Virginie. Du coup, elles se sont dit, bah, comme on est en kiff sur le même mec, tant qu'à faire, autant faire un plan à plusieurs. On fera ça dans un instant. On va également continuer avec la rupture. Maintenant la rupture, t'es là Samuel, t'es là Jordan. Oui, c'est là, toujours. Parfait. Bon, j'avais dit qu'on allait continuer, bah c'est chose faite, hein. Donc tu as fait 17 secondes Jordan, hein, ce qui est un score totalement dramatique. Merdique, complètement mauvais. N'est-ce pas Samuel? Après voilà, c'est le jeu. Après moi je peux faire encore moins, ça dépend des personnes qui sont au bout du jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Samuel. Il est fair play, ça c'est beau. D'autres auditeurs auraient dit ah il est mauvais, c'est un connard. Mais non. Il l'aurait démonté, mais non. Samuel sait qu'il faut faire profil bas dans ce jeu parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Exact, exact. Bon bah écoute, on va continuer, Jordan. Tu sais que t'as droit à deux appels, hein. Ouais. On y va, on appelle pour le second. Si tu fais mieux que 17 secondes, on gardera évidemment ce score-là, bien entendu. Allez, c'est parti. Bonne chance. Et je rappelle que si vous avez les numéros à balancer, n'hésitez pas évidemment, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Si vous êtes sûr qu'il y a des gens encore là qui sont debout encore à ce tour-ci, n'hésitez pas. Bonjour. Ah merde. Bienvenue sur... Bon ben là c'est le répondeur, là, comme ça au moins on a gagné. Hop là, ça y est, c'est fait, on en appelle un autre, Jordan. Voilà, nickel. Et puis on aura le chéri, je peux te faire cocu aussi dans quelques minutes. Allez, allez. Allô? Allô? Oui? Tu sais ce que c'est l'appareil? Pardon? Tu sais ce que c'est? Je n'ai pas compris. Allô? Oui, je vous écoute. Tu sais ce que c'est? Mais vous vous trompez de numéro, ouais. Il est minuit, il ne faut pas exagérer, hein? Mais, tu sais ce que c'est? Moi, tu sais ce que t'as fait? Ça ne fait à personne, ça, ok? Pourquoi t'as fait ça? Je suis malade. Non, tu viens à la maison, tu viens prendre tes affaires et tu te casses, ok? Hop là, 27 secondes Jordan, hein. C'est mieux, sur 10 de plus, hein. C'est pas la folie encore, espèce mais de c'est malade. Mieux, espèce de malade, la raison, la raison. Bon, Jordan, 27 secondes on note, Samuel, à toi de battre les 27 secondes, hein. On y va, t'es prêt? Allez, c'est parti, on y va. Et puis battle aussi hein, sur le Twitter, n'oubliez pas qu'on vote, qu'on va élire tout à l'heure le top tweetos, hein, les 5 qui ont été le plus influents ce soir sur l'émission et sur le Twitter. Là, vous mettez le hashtag MIKL évidemment dans tous vos messages, hein, même si vous parlez entre potes, n'importe quoi, mettez le hashtag MIKL pour que ça fasse monter vos stats. Et puis vous serez donc le plus influent, c'est vous qui serez élu tout à l'heure. Le top tweetos, ce sera aux alentours de 2h du mat à la fin de l'émission évidemment. Et puis dites-nous à votre avis en mettant le hashtag MIKL, lequel de Samuel ou de Jordan va être élu le meilleur, comment on peut appeler ça, Rupturien. Bon, on y va Samuel, c'est parti, on appelle, à toi de faire mieux que 27 secondes. Et si tu es réussi au premier appel, évidemment on ne fera pas le deuxième, ça ne sert à rien. Allez. Il dit donc qu'il est minuit, malade. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Ouais, tu me reconnais? Comment? Tu me reconnais? Non. C'est pas grave. Si tu me reconnais, ça, je répète un numéro, c'était pour te dire un truc important là. Il gagne du temps, il gagne du temps. Pour dire que voilà, j'étais bien avec toi, mais avec ce que j'ai appris, je crois que c'est vrai qu'on en reste là, quoi, puis ah, monsieur, on se sépare, vous quoi. Vous trompez, hein, monsieur. Bah pourtant j'ai bien vu ton numéro, je la vends pas ton numéro. Non, c'est pas vous tromper, hein. Vous êtes chez quelqu'un, d'autres personnes. Mais sérieusement, écoutez. Oui. Non mais franchement, je sais très bien que c'est moi. Faut pas à vous. Non, mais vous trompez, monsieur, hein. Vous trompez. Donc, pour moi, c'est fini. On est au lit, hein. Vous arrêtez, hein. Ouais, le grand-père derrière. Mais franchement, écoute. Ah ben, il va réécouter. Allô. Hop là. C'est là. Ah bah c'est fini, hey, 49 secondes, hein, c'est bon là, hop là. Ah bah voilà, c'est gagné, bravo à toi Samuel. Bien, merci. 37 secondes, c'est pas mal. Bon, et un stage de pilotage, ça te branche? Bah j'ai pas le permis. Ah merde, t'as pas le permis? Ah bah c'est pas grave, attends, on a d'autres cadeaux. Moi je connais plein de gens qui roulent, ils ont pas le permis. Bah c'est vrai que cela dit, tu peux le faire même sans permis puisque c'est sur un circuit, donc y a pas de problème. Bah écoute, de toute façon tu vas gérer avec Kelly au standard et puis bah l'autre, Jordan, il est tellement dégoûté qu'il a raccroché. Donc bah c'est pas grave, écoute, ça arrive. Bon bah salut Samuel. Salut, merci. Et bravo à toi en tout cas, bravo, c'est pas le record, hein. Le record était 7 minutes par Priscilla. Priscilla, ouais, voilà. Elle avait tout déchiré. Ah bah attends, 7 minutes avec un truc de rupture, je peux vous dire qu'effectivement elle était pas au top, elle était au-delà du top en effet. Bon allez, suite de l'émission maintenant, toujours au cœur évidemment de bah, jusqu'à la fin de l'émission, sans plus, bah, on est largement à la cool avec le chéri, je peux te faire cocu dans quelques instants. On va récupérer Miko en speed là pour la colle, là t'es là Miko? Toujours là, ouais. Parfait. Bon, alors attention, Miko, c'est parti. Répète la colle, s'il te plaît. De combien est la distance pour faire l'amour? De combien est la distance pour faire l'amour? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous de la balancer maintenant. Voilà, tout simplement, vous la balancez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. De combien est la distance pour faire l'amour? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, c'est à vous de jouer. Vous balancez maintenant vos messages. Alors, les réponses qui sont arrivées. Tiens, justement, il y a Poupoulinette sur le Twitter qui dit: Mikael, la réponse à la colle, c'est 68, car 69, c'est une tête à queue. Je m'attendais à celle-là. Non, c'est pas la bonne réponse? Non. Bon, il y a Comica aussi sur le Facebook qui dit 384 400 pour faire l'amour. Il faut de l'amour, non, justement. Et quoi de plus beau que de décrocher la lune à sa belle? Donc, ma réponse, distance Terre-Lune. Non. Oh là là, quel romantique, tu vois, mes Comica. Ouais, c'est beau le romantisme, mais ça ne rapporte pas visiblement. Jessica qui proposait 69 km après sa part en tête à queue. Bah non, on l'avait déjà dit, non. Bah non, c'est pas ça, Jessica, malheureusement, dommage. 42 km, 140 mètres, c'est un marathon, c'est Stéphane. Oui, la vache, non. Non, alors Florent aussi qui dit: je connais la réponse, mais ce n'est pas la PS3 que je veux, c'est la 4. Elle n'est pas sortie, Florent, là, on peut pas. À mon avis, sortira à la fin de l'année. Ouais, non, mais on vous l'offrira quand elle sera sortie, mais là, elle n'y est pas encore. Et Antoine qui dit une bite. Non, c'était bien essayé Antoine, mais malheureusement c'est raté. Bon, répète encore une fois la colle, vas-y. La colle, c'est: de combien est la distance pour faire l'amour? De combien est la distance pour faire l'amour? À vous de jouer si vous pensez avoir la bonne réponse. C'est maintenant que ça se passe. Je vous donne rendez-vous sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Il y a un post dessus avec la colle, justement, là, avec la question. Et si vous avez la bonne réponse, vous laissez un commentaire. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec votre PS3 si vous avez la bonne réponse. Miko, on te reprend. De toute façon, on donne la réponse à minuit et demi. Donc, on te reprend dans moins d'une demi-heure, quoi qu'il arrive. D'accord? Ok. Bon, allez, reste là, Miko, et puis restez bien là aussi, puisque tout à l'heure, je vous cale le son de Martin Garrix. Ça, c'est ce qui arrive avant 1h du mat sur Fun Radio. Et si vous voulez écouter un son en particulier, n'hésitez pas, on avait pensé à un Skrillex tout à l'heure, là, je vais voir si on a ça dans la machine. Et ben, vous demandez tout simplement, vous tapez le hashtag Mikael hein, sur le Twitter, n'hésitez pas. Il y aura aussi Robin Thicke. Robin Thicke qui était en mode beau gosse hein, dimanche soir. Il y a la photo sur le Facebook de l'émission là, puisqu'il met une main au cul à une de ses fans. En fait il se fait griller par un miroir qui est derrière. Si vous étiez pas là dimanche soir, il y a la photo qui est toujours à regarder sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et puis Carolina Marquez également tout à l'heure avec Sing La La La, Carolina Marquez et Florida qui arrivent. Voilà, comme ça vous avez la prog avant 1h du mat. Et puis il reste de la place hein, si vous avez les choix à proposer. Comme je le disais, vous mettez le hashtag Mikael, évidemment, hashtag Mikael sur le Twitter. N'hésitez pas également à l'utiliser, puisqu'on va élire aussi ce soir le top tweetos. Si vous êtes le plus influent sur le Twitter de l'émission, vous serez donc élu top tweetos de la soirée. Ce sera à 2h du mat, hein, à la fin d'émission normale. On verra les 5 plus influents sur le Twitter, les 5 qui discutent le plus en mettant le hashtag Mikael. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc venez nous rejoindre rejoindre également Mickaël officiel. Si vous me faites un follow, je vous fais un follow également sur le Twitter de l'émission. Donc vous tapez Mickaël officiel. Et puis comme on est, enfin on était dans les ruptures là tout à l'heure, enfin il y a 5 minutes en l'occurrence, je vais vous mettre une vidéo de rupture. Ça se passe sur Vine. Alors si vous connaissez pas, en fait c'est la nouvelle appli là pour faire des vidéos super courtes. Ça dure 7 secondes ou 6 je crois maximum. Et donc il paraît que qu'après le SMS, le Facebook et le Twitter, eh bien c'est la dernière manière tendance pour rompre. Alors du coup venez nous raconter vos histoires, justement vos ruptures, pour voir un peu comment est-ce que vous faites vous pour quitter vos ex et comment ça se passe en l'occurrence. Voilà, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous mets la vidéo dans quelques instants, mais avant cela, eh bien parlons des teubés de la télé. Bah on en avait parlé hier soir. Bah ouais, je sais, vous êtes nombreux à attendre ça, hein, les teubés de la télé. Tu regardes souvent la télé, Amandine, toi ou pas? Non. Jamais, enfin de temps en temps ou vraiment ou jamais? De temps en temps. De temps en temps. Bon bah très bien. Écoute, on trouve le bouton pour l'allumer. Bah voilà, c'est ça. On va parler justement maintenant d'un candidat des 12 coups, des 12 goûts. Des 12 coups de midi là, tu vois sur TF1 là à midi. Oui. Voilà, bah qui en fait répond n'importe quoi à la question quel animal trompe? Alors écoutez. Quel animal trompe énormément? Le renard. Un éléphant, ça trompe. Eh ouais, oui, le renard trompe, bien évidemment. C'était notre troisième plus teubé, évidemment. Passons maintenant au deuxième, avec un Jordan, un candidat des ch'tis, qui pense que Tarantino a réalisé Scarface. Quant à Tarantino, je connais quand même, parce que c'est lui qui a fait le film Scarface, donc ouais, je kiffe. Et voilà, il kiffe. Raconte. Ouais, en plus, il kiffe. Ouais, tu vois, je après, le connais. Il dit, ouais, je le connais, c'est mon pote. C'était de la balle, c'était de la balle. Et enfin, notre plus beau teubé du jour, là, c'est un documentaire sur MTV. Et donc, c'est un mec qui donne sa vision d'un matou. Voilà, donc, c'est dans une interview, donc un beau gosse, écoutez. Un gros matou, mais c'est un mec qui passe sa vie à chercher de la chatte. Et qui se débrouille pour entrer dans toutes les chattes. Voilà, en toute simplicité, en toute simplicité. Bon, Amandine, voilà, comme ça au moins, ça c'était le numéro 1 des, du top teubé de ce soir là. Amandine, comme ça, si t'as pas eu le temps de regarder la télé, bah t'auras au moins eu les 3 teubés, les 3 teubés du jour. Amandine, on appelle ou on appelle pas le mec dans un instant? Alors, on j'ai appelle, compris. On appelle, on appelle, on appelle. Ah, parfait. Bon. Si, on appelle. Alors, Amandine, on fait ça dans un instant. Ne bouge pas de là, justement. On fait ça juste après. Le son de Carolina Marquez? Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Il n'y a plus de pub là maintenant sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat, donc on est à la cool. Et puis on va se faire également la rediff, là, d'hier soir, là, du chéri, je peux te faire cocu. Ça arrive juste après Carolina Marquez. Sing la la la maintenant sur Fun Radio. Prenez le contrôle. 01 42 48 5000 et 02 851 depuis la Belgique. C'est Mickaël No Limit. C'est Fun Radio avec Carolina Marquez à l'instant, ouais, avec Sing La La La. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit, là prenez le contrôle. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir et puis on va récupérer Amandine dans un instant. Et la pote d'Amandine, c'est Virginie pour appeler un mec. Elle veut faire un plan à 3 avec ce mec, on va l'appeler dans un instant. On va faire la colle également, la réponse à donner également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Et puis je viens de vous mettre la photo de Kelly également, ainsi que la vidéo de rupture sur le Facebook. Allez nous donner vos avis évidemment, n'hésitez pas, facebook.com/mickaël officiel. Et puis la rediff du chéri, je peux te faire cocu, c'était hier soir sur Fun Radio. Alors écoutez ce que ça donne, c'était juste une tuerie. On vous l'avait passé hier soir à 1h30 du mat. Enfin vous l'avez passé, on a joué hier soir à 1h30 du mat. On se le fait maintenant, le chéri, je peux te faire cocu, pour les retardataires, c'est parti. Chérie, c'est un drame. Allô, mon car? Oui. Hein? Oui, ça va, ça. Oui, il y a beaucoup moins dans un instant. Vous avez fait quoi? De rien, je suis en train de me vendre. Je t'appelle pour te demander un truc. Oui. Oui, c'est bon. Tu sais, j'ai eu des soucis là avec SFR, là, comme ça, ils me remboursaient pas, tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis passée à la boutique, mais bon, comme tu sais, t'as dit, demain, il travaille plus, il a déménagé, donc voilà. Et en fait, bon, c'est un autre qui l'a remplacé, tu vois, il est super sympa. Donc, bon. J'ai réglé mon problème. Tu m'entends là? Ouais. Bon, voilà. Donc en fait, il a réglé mon problème. Et en fait, donc on a sympathisé, tout ça. Et en fait, je t'appelle pour demander un truc. Ouais, c'est sûr. Tu sais qu'on va se marier l'année prochaine. Non, mais attends. Tu sais, on va se marier l'année prochaine. Oui. Et tu sais que je veux pas faire d'enterrement du jeune fille parce que je trouve ça ringard, tout ça. Ouais. Donc à la place, parce qu'en fait tu m'as demandé quelque chose, donc je vais te poser la question. C'est. On va droit au but, on va pas y passer la nuit, hein. Tu peux te faire cocu en fait, parce qu'en fait tu m'as proposé de coucher avec, tu comprends, et ça remplacerait l'enterrement du jeune fille en fait. De quoi? le mec du téléphone. Il m'a demandé si on, il m'a proposé de coucher avec lui et moi ça m'intéresse, tu vois, donc je voulais savoir si t'étais d'accord. À toi ça t'intéresse. Bah, c'est une proposition, enfin bon. De quoi, mais attends, le mec en plus qui était avec toi là. Bah oui, j'allais boire un verre. Bon, qu'est-ce qu'il dit? On est pas seul, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut derrière lui là? Qu'est-ce qu'il veut, ce connard? Qu'est-ce qu'il dit, ma chérie? C'est qui ce connard là? Vas-y, passe-moi-le là. Passe-moi ce connard là. Qu'est-ce qu'il dit? Passe-moi-le là. Qu'est-ce qu'il fait avec lui déjà là? Ah, il veut me parler? Bah oui. Ouais, il veut te parler. Ouais. Bah passe-le-moi. Hein. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a là, ma femme là? Comme je comprends pas, moi je rends des services, moi je lui ai remplacé sa carte. Tu comprends pas, normalement tu dois pas vendre du téléphone là, hein, qu'est-ce que tu vas faire à ma femme, ton gros plaisir là hein? Non, bah alors là je peux pas te laisser dire ça, moi c'est-à-dire qu'au contraire, hein, moi c'est plutôt l'inverse si tu vois ce que je veux dire, hein. Sinon j'aurais été attiré par toi, mais le problème n'est pas là, moi je rends des services. À part moi, ça va, je vais te mettre ma main. Comment tu t'appelles? Qu'on fasse connaissance, parce que je voudrais pas prendre la femme. Tu te donnes pas mon prénom, qu'est-ce qui t'arrive toi? Moi je m'appelle Michel. Ouais, Michel, ouais, toi, Michel. Maman, je vais te casser les dents, toi, t'as voir. Comment? Mais pourquoi? Mais pourquoi tant de vulgarité? Mais pourquoi tant de vulgarité? Mais en même temps, tu me demandes de me parler, mais non, tu veux que je ferme ma gueule, je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma femme, là? Qu'est-ce que tu as proposé, toi? T'as pas... C'est-à-dire qu'en fait, on a discuté, donc elle est arrivée avec son problème de forfait, donc je lui ai arrangé tout ça, évidemment, comme un prince, quoi. Donc je suis arrivé directement, je lui ai rien fait payer, voilà, etc. Bon, entre nous, entre... Va me chercher à boire! Oui, va me chercher un petit verre! Non mais c'est sérieux, hein. Voilà, merci. La cuisine, c'est à gauche, voilà, c'est ça. Fais comme chez toi. La cuisine, fais comme chez toi. Vous êtes où là? Bah on est chez moi, pourquoi? C'est toi, vas-y, t'es où là? Bah je suis à Toulouse. À Toulouse, un peu. Enfin, donc je t'explique. Donc du coup, il est arrivé, moi, grand prince, évidemment, parce que lui dit pas. Non mais lui dit pas, mais dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé bonasse, hein. Donc tu dis, oh putain, c'est là. Enfin bon. Mais toi, tu vas signer ton arrêt de mort. Mais justement, autant qu'à faire. Mais alors moi je te présente une copine si tu veux. Si tu veux, je te présente une copine comme ça vous faites chacun votre truc. Bon alors du coup, donc je l'ai vu, donc je lui ai réparé sa carte. Et puis après je lui ai dit, elle m'a dit ouais je vais me marier, je lui ai dit oh là là, quelle erreur. Enfin bon bref, c'est chacun son. Qu'est-ce que tu dis, quelle erreur? Non mais bon, enfin bref, moi je lui ai dit quelle erreur. Et après je lui dis, écoute. Mais t'énerve pas, j'essaye de t'expliquer en ami. Mais je m'énerve pas, le mec il veut baiser ma femme et encore je vais m'énerver. Oui, mais effectivement, le mot est bien dit, hein. C'est vrai que je voulais pas lui faire l'amour. Ça, de ce côté-là, on est d'accord. C'est bien le seul truc apparemment. Mais quoi? Enfin. Bah dis donc alors. Mais enfin, un peu de calme. Ouais, bon. C'est ça, un peu calme. Est-ce que je m'énerve, moi? Je m'énerve pas. Elle est où là? Elle est partie me chercher à boire. D'ailleurs elle est bien lente, hein. Putain, j'espère que c'est pas comme ça chez toi à la maison, hein, parce que putain. Bon, tu te dépêches ou pas, là? Oh, mais arrête de crier, que tu gueules dessus, en plus. Ça va, là, levez le frigo, là. Elle voit rien. Le frigo, il est là, là, et elle voit rien. C'est dingue. Le frigo, il est là, mais il est malade. Mais oui, le frigo, il est là, enfin bon, c'est quoi? Je vais te crever, c'est quoi, ça m'adresse à Toulouse, là? Je m'en fous, je m'en Enfin, mais reste calme, écoute, déjà, je t'ai pas invité chez moi. T'es quoi, t'as bien... Moi, j'ai pas envie de faire un truc à plusieurs, moi, je me fais que ta meuf ce soir, après, elle rentre chez toi. Mais attention, dis-moi. Ah ouais, moi je suis dingue, mais ta femme va s'en apercevoir ce soir, hein, t'inquiète pas. Maman, je vais prendre la voiture, j'ai la Toulouse, maman, écoute, j'ai été trouvé. Oui, bon, enfin bon, la ville est grande quand même, hein. Certes, c'est pas la capitale, mais tout. La nuit est longue, j'ai été trouvé, t'inquiète. Ouais, bah il faudra plusieurs nuits quand même, hein. Enfin bon, bref. Ouais, ouais. Bon, mais quand même. Eh ben, elle est là, la championne. Eh ben, dis donc, que tu te fous de la gueule, Maïva, là. C'est quoi ça? Je t'avais demandé un coca avec des glaçons, tu me ramènes, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Non, c'est bon, je me suis un peu emporté là. Bon, je te la passe. Qu'est-ce que tu fais à Toulouse là? Hey! Attends, j'arrive! Hey, il y a du gaz dans la bouteille là, c'est sérieux ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est quoi à Toulouse, elle va péder là? Que moi la pute que j'ai ramenée hier, au moins elle savait servir, hein! Oh, mais dis-lui qui ferme ta gueule, l'autre Michel de merde là, qui lui cassait la gueule, il m'a pas bizarre ça. Oh, Maïva! Il a appelé les flics là, grosse merde là, toi! Hey, Maïva! Oh! Arrête de gueuler dessus, grosse merde là, putain, mais arrête de gueuler dessus, j'étais crevé mon pote! Oh! Mais attends, hein! Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Maïva, t'es où là? Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, putain? Ferme ta gueule, putain. Bah, il va! Arrête de gueuler dessus, putain, il est fou, ce mec, hein. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Mais ferme ta gueule, la chance de quoi? La chance de quoi? La chance que tu casses les dents, ouais. Ça va. Ah, parce que finalement, putain, tu l'as quand même prévenu, t'es quand même une fille sympa, quoi. T'aurais pu faire ça dans son dos. Bon, mon cœur, je pleure, ça. Allô? J'ai rien fait encore, je t'appelle pour te demander. Mais t'as rien fait encore, mais encore heureux, mais t'es où là? Dis-moi où t'es, je vais monter là, je vais l'enculer là, ça. Il était où là? Oh, dis donc, quel béné en histoire. Mais ta gueule toi, putain, je te parle pas à toi là, je te ferme ta gueule, je vais parler à ma femme, d'accord? J'ai mis le haut-parleur, hein, comme ça j'entends tout. Ouais, mais comme ça, ouais, mais c'est bien, j'entends tout, parce que... Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Mais ferme ta gueule, la chance de quoi? Mais elle te prévient. Oh, il est bête, oh, il est bête. Il me prévient, je m'en bats les couilles qu'elle me prévienne, putain. Bah t'aurais préféré, t'aurais préféré qu'elle te le cache. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, je vais pas parler à toi. Non, mon cœur, calme-toi, franchement. Bah ça t'aide, non, non, je me calme pas, là, t'es où? T'es où à Toulouse? Dépêche toi de me dire, je monte à Toulouse, là, t'es où à Toulouse? Attendez, on va se marrer. Je suis chez Michel. Connard, là. Non, quoi, connard? Mais il est sérieux, lui, en plus, il m'insulte, ce gros PD, là. Il veut, putain, je couche avec toi, puis tu m'insultes. Connard, je vais crever. Mais quoi, connard? Quoi, connard? Qu'est-ce que tu veux, là, grosse merde, va. Putain, dis-moi où c'est qu'il est là, dépêche-toi. Oui, c'est un fils de pute. Quoi? Ça y est, fils de pute en plus. Oh, fils de pute. Enculé. Enculé, je vais te crever, c'est génial. De toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Mais c'est toi le. Mais c'est quoi ces voix de merde là, putain, mais. Tu fais combien cet appartement là? Vite, c'est un câble. Bien niquer ta mère si tu veux. Ma mère, mais cette espèce de fils de pute, toi, ta mère. Je pourrais bien niquer ta mère, merde, si tu veux. Ta gueule, je vais te crever. Mais c'est toi le connard, là. Non, je me calme pas. Oh, il insulte ma mère. D'où c'est qu'il va insulter ma mère? Oh, c'est pas moi, c'est un pote, là. Oh là là. Ferme ta gueule, je vais tous vous enculer. Je m'en bats les couilles. Je vais monter, je vais tous vous enculer. Il est bête, ouais. Mais toi, c'est pas bête, peut-être, c'est sûr. Tu vas cabosser ma femme, mais t'inquiète, je vais te cabosser avant. Eh, bah, il va. Tu n'auras pas le temps de me toucher. Eh, passe-moi le téléphone. Bon, attends, je te le passe. Attends, ouais. Et va me chercher à bouffer, là, j'ai la dalle. Mais en plus, ouais, mais c'est tout à ce que tu vas faire. Oh, va me chercher à bouffer, ouais, dans l'armoire. Ouais, ouvre les yeux cette fois-ci, hein. Que je dois pas commencer à m'énerver à nouveau, hein. D'accord? T'ouvres les yeux, là, d'accord? Ouais, oh, qu'on a, Michel, de mes couilles, là. Bah, il va! Ouais, mais t'es sérieux, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, c'est devant toi, là! Oh là là! Putain, heureusement qu'on se marie pas, nous, hein. Parce que putain! Moi aussi, il y a trop de choses! Passe-moi Maëva là, dépêche-toi, toi, espèce de grosse merde là! Passe-moi Maëva! Bon, je suis là! Toi, t'es là! Attends, j'ai un ami qui veut te dire un truc! Vous êtes combien là? Bah, on est 6! Vous êtes 6, barjoum, vous êtes 6! Ouais, on est 6! Eh bien, je vais tous vous enculer un par un! Bah, dis donc, je croyais que c'était moi le PD! Mais ta gueule, putain, j'ai enculé, tu comprends pas que je vais te casser les dents, tu comprends pas ça? Ah ouais, mais à ce moment-là, c'est pas le même, c'est avant et arrière, enfin, bon, c'est bon, bref, une histoire. Ouais, ouais, ferme ta gueule. Ah non, parce que, enfin, bon, bref. Attends, j'ai un ami qui veut te dire encore un truc. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Ah, mais vous êtes très waouh, fils de pute, mais moi, tu connais pas ma vie, tu connais pas ma mère, du coup, c'est ma mère, gros pédé, hein. Toi, le fils de pute, hein. Non, je vais te crever, mais franchement, je m'en bats les couilles, moi, t'as tout, je vais au sac à foutre. Ouais, ouais, ouais, mais t'inquiète pas, je vais te crever. Connard, là! Ouais, ta gueule, toi, espèce de pédé, là. Mais j'ai monté à la voiture, j'ai monté à Toulouse. Bon, et comment tu t'appelles? Ta gueule, t'as pas à savoir comment je m'appelle, parce que je te le dirai pas, quand j'appelle. Bah, Eva! Comment il s'appelle ton mec? Nicolas! Ah, Nicolas! Tu vois, c'est pas compliqué, je sais, hein. Ta gueule, ferme ta gueule, tu vois. Eh, Lini! Ouais, oh, c'est rien, Coco, là, t'inquiète pas, là, tu vas vite oublier. Mais tu me le diras en face, toi, espèce de PD, c'est un homme qui me dira en face, tu vas prendre un coup de boule. Oh, Nini, reste calme, c'est rien, ouais, là, ouais, oh là là. Tu sais quoi? Pour me faire pardonner, je vais te filer la PlayStation que j'ai chez moi, la PS3, comme ça, tu l'as. Mais j'en ai pas besoin, ta PS3, là, de merde, c'est rien, tu vas faire d'accord, alors ça, je note. Ça, je note pour plus tard. Ouais, ouais. S'en fout de la PS3. Voilà, ouais, je mettais FIFA aussi, pas bon. Ouais, il est stipulé par jour. Tu joues à FIFA ou pas, toi? Ta gueule, je peux pas te parler, toi, passe-moi en forme. Ah, parce que sinon, on aurait pu faire un petit battle, j'aurais pu jouer ensemble, on aurait joué en ligne. Ouais, ouais. Hein, si je me connecte maintenant, on peut jouer ou pas? T'inquiète, de toute manière, tu pourras plus parler, tellement t'auras plus besoin. Ouais, bah donc tu me laisses mes doigts après, c'est principal. Comme ça, je peux les utiliser avec Maëva. Ouais, t'inquiète, tu vas les utiliser avec elle. Bon, Maëva! Tiens, je te le repasse. Je te le repasse. Bon, bah dis-lui, hein, dis-lui que c'est trop tard, quoi. Allô, Christian. Espèce de grosse merde, tu sais, tu veux même pas te battre avec les poings, hein. Ah non, moi je prends les fouets, je préfère. Ah ouais, prends les fouets, mais t'inquiète, mon pote, mais je vais te crever, mais un truc de malade. Bon, moi je vais regarder la télé, tu hein. Tu connais pas, moi, tu me connais pas, tu me connais pas. Ah ouais, tu vois, ah ouais, fais le malin, fais le malin. T'inquiète, là, je vais monter à tout le monde, je m'entends, je vais te trouver, je te le dis, direct. Non, non, je me calme pas, qu'est-ce que tu me dis de me calmer? Mais si, tu vas dire, alors, Nico! Oh, Nico! Putain. Arrête de gueuler, espèce de gros connard là, passe-moi en forme. Eh Nico, bon, eh, hey, je vais te dire un truc. Mais oui, ferme ta gueule. Mais non, allez, je vais te dire un truc. Eh, hey, d'abord, allez, Nico, Nico, excuse-toi. Non, mais m'excuser, mais c'est à moi de m'excuser, mais sérieux, lui, il est fou. Vas-y, bon, excuse-toi et je te dis un truc qui va te faire plaisir. Ouais, c'est ça, je suis dans le cul, sérieux. Mais non, mais excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Excusez de quoi? Mais va te faire foutre, toi. Excuse-toi. Passe-moi ma femme. Excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Passe-moi ma femme, dépêche-toi. Ça va être dur. Excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Passe-moi ma femme, dépêche-toi, là. Putain. Il est malade, il est con, il est excusé. On ne connaît pas. Arrête de gueuler, qu'il t'arrive de gueuler, là. Bah non, mais je veux que tu t'excuses. M'excuser de quoi? J'ai à quoi m'excuser? Dis juste, je m'excuse. Dis juste, je m'excuse. Non, toi, tu t'excuses. Déjà, bah non. C'est ma mère, espèce de gros pédé. C'est pas moi. Et de deux, après, je vais monter à tout, je vais t'enculer, toi. Ça fait bizarre, je t'avais dit. Donc, t'as des problèmes avec ça, hein. Bon, ouais, ouais, ça. Bon, Maëva, bah, dis-le lui, puisque à moi, il veut pas m'écouter. Bon, bah, ouais, c'est bébé, c'est pas vrai, tout ça. Quoi, c'est pas vrai? Je suis fan radio. Ouais, ça va. Hey Nico, ouais. C'est nickel, t'es sur fan radio. Ouais, maintenant, foiré quoi. Bon, par contre, c'est Dove qui a insulté ta mère. Hein. Si tu veux venir lui péter la gueule, vas-y. Hein. Voilà, donc si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu. On remet le couvert évidemment dès lundi prochain, tous les lundis sur fan radio. Vous connaissez le principe, c'est le chéri, je peux te faire cocu avec les cadeaux à gagner. Alors, il y a les PS3, parfois il y a les écrans, parfois les appareils photo numériques. Ça dépend ce qu'on a et puis ça dépend ce que vous voulez également. Donc, si vous voulez jouer, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler dès maintenant 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Je vous l'avais promis, dans un instant, Amandine et Virginie, on va appeler le mec là d'Amandine et de Virginie. Virginie, puisqu'elles sont en kiff sur le même, et puis on va essayer comment vous expliquer de faire un plan à trois, quoi, voilà, c'est ça. Et puis on va parler également dans quelques instants aussi de la rupture, parce que j'ai mis la vidéo sur le Facebook de l'émission, là, une nouveau système de rupture via les vidéos Vine. Je sais pas si vous voyez, les Vine, c'est des vidéos de 6-7 secondes, grand maximum. Et donc en fait, il y a un mec, il se fait filmer, et en fait, sans le savoir, parce que quand il commence à filmer, il sait pas. Hein. Et puis à un moment, enfin, allez voir la fin de la vidéo, je vous en dis pas plus, mais c'est drôle. Facebook.com/MickaelOfficiel, et dites-nous, vous, comment ça s'est passé, vos pires ou vos meilleures ruptures. Hein, là aussi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On en parle dans un instant, le temps d'écouter le son de Martin Garrix qu'on écoute maintenant sur Fun Radio là, au cœur de très longtemps sans pub là, on a plus de pub jusqu'à la fin d'émission sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Je vous rappelle que vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le Twitter évidemment. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur le Twitter. Vous me faites un follow et moi aussi je vous ferai un follow, donc on se suivra mutuellement. Je vous attends maintenant. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Oh, quelle vulgarité alors. Bon, il y a Marion qui vient d'envoyer un message aussi là. Putain, je suis trop mort de rire tout seul comme une conne. Alain aussi qui dit merci pour cette émission. Là, je suis plié de rire toutes les nuits. Enfin, une émission pour nous qui travaillons. C'est Alain, le chauffeur de Sainte-Terre. Bah, merci Alain et c'est gentil, il file à la fun. Antoine aussi qui dit Mickaël, moi je kiffe trop ton. Oh mais il est bête. Bah oui, pour le coup c'est. Oh mais il est bête. Il est bête. Et Clara qui dit aussi sur Twitter, le pauvre mec qui comprend rien, il défend sa meuf comme il peut. Mais c'est vrai que pour le coup il était quand même gentleman. Hein, quand je lui parlais mal et tout, il était quand même, il défendait quoi. C'est bien. Et alors, Rivaldio sur Twitter qui dit un énorme le qui, je kiffe, je suis dead en écoutant CJPTFC d'hier, c'est BG sur le Twitter, c'est Baptiste. Et Marion qui dit putain, j'adore trop, je suis mort de rire. Et Nicolas pour terminer sur le Twitter qui dit vous me faites trop rire, continuez comme ça les mecs avec la rentrée en plus, c'est bon. Ouais, bah bon courage aussi d'ailleurs à tous ceux qui sont en train de rentrer là. Dites-nous comment ça s'est passé vous, hein, votre rentrée aujourd'hui là, n'hésitez pas, enfin hier, hein, puisqu'il est déjà minuit 26, comment ça s'est passé votre rentrée, vous avez kiffé, vous avez trouvé des profs sympas, des profs cons, des bons potes, vous avez déjà trouvé le beau mec du bahut ou la belle meuf du bahut, là venez nous en parler, donc 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4 x 0. Ce qui peut être intéressant c'est de voir s'il y a des gens qu'on fait, enfin des petits là, qu'on fait des petites enfumes pour pas y aller. Ah ouais, bah déjà tu sais, le premier jour malade. C'est mal. Oh, pas le premier jour. Enfin, ouais, quoi que. Non, si, parce que le premier jour tu peux y aller en fait. Premier jour tu fais rien, tu sais, à part la présentation, etc. C'est con de rater un jour comme ça. Tu fais quand même rien. Ouais, mais. Non, mais t'es tranquille. Non, mais c'est vrai, t'es tranquille. C'est ça qui est cool. Bon, allez, dans un instant, on parlera des ex également, là. Comment. Enfin, plutôt des ruptures. Comment est-ce que vous avez déjà eu une rupture, hein? Comment ça s'est passé? Bien mal? Quel était le meilleur ou le pire souvenir de rupture? Venez nous en parler. J'en ai aussi une petite à vous raconter aussi. Dans 5-10 minutes, là, on en parle sur Fun Radio 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On en parle parce que j'ai mis une vidéo Vines d'un mec qui se fait dégager. En fait, il s'y attendait pas. Ça dure 7 secondes, hein. C'est super rapide. Mais ils sont prend une belle, hein. Donc allez voir, c'est surtout la fin qui est intéressante. facebook.com/michaelofficiel, la photo de Kelly également au standard, hein, qui remplace Sandro qui est malade ce soir là, que vous pouvez également aller voir. Ah bah Toff, il essaie de la pécho. Ouais, j'essaie grave, mais c'est ça, il tourne autour et tout là, mais ouais, je la sens là, je la sens. De quoi? Bah je lui renifle les fesses. Ah d'accord, ok. J'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'est toi qui prenais un truc dans les fesses. C'est pour ça que tu dis ça. J'aimerais bien, mais j'imagine. D'accord. Bah ouais. Bon, allez voir facebook.com/michaelofficiel et puis on va prendre. Bon alors Amandine et Virginie là. Allô? Oui. Bon bah depuis tout à l'heure on parle avec vous là. Bon, vous nous aviez appelé hier en fin d'émission, là, oui, il fallait quoi? Alors attends une seconde Virginie, reste calme. Amandine donc qui nous avait appelé parce que bah en fait elle kiffe le même mec que Virginie ou inversement, peu importe le résultat elle-même. Et donc bah le but c'est que vous vous êtes dit bah tant qu'à faire, autant éventuellement lui proposer un plan à trois. C'était ça. Oui. Voilà. Donc très bien. Donc on va appeler le mec pour lui proposer un plan à trois. Non, justement, parce que... Attends, Virginie, est-ce que tu peux te mettre dans une autre pièce qu'Amandine, parce que ça fait un écho, c'est une horreur. Amandine, bouge, je peux pas te faire. Quelle meuf sympa. Et en plus, tu me parles, t'as pas honte. C'est ça. Allez, écartez-vous, mettez-vous dans une autre pièce, dans deux pièces différentes, les filles. Dans quelle place écartez-vous, parce que... Ah, mettez-vous dans deux pièces séparées. Vous avez compris, hein. Voilà. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qui va pas, Virginie? Pourquoi on peut pas appeler? Bah parce que comme j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, j'ai une discussion avec Ludo. Ouais. Et je lui ai expliqué ce qu'il a le souci, ce que Amandine avait prévu de faire. Ouais. C'était un délire. Mais moi c'était deux messes avec Amandine, c'était un trip quoi. Il a joué, il a s'amuser. Ouais. Étant donné que Ludo. Ça fait Perpète les Bains, je le connais. Perpète les Bains. Oui. Mais bon, c'est où, Perpète les Bains? C'est dans le Nord. C'est à côté de Perpète les Oies dans le Nord. Ah, d'accord, ok. Je ne connaissais pas Perpète les Bains. Très bien. Bon, vas-y. Non. Donc, de fait, j'ai pas du tout envie parce que vous contactiez Ludo Ritz parce que ses parents ne sont pas du tout contents. Et j'ai. Ouais, mais j'ai dit qu'on l'appellerait plus tôt, là, donc du coup sa mère va s'inquiéter si on l'appelle pas. Bah ouais, puis en plus on lui dit. Oui, voilà, t'es sûr. Bah voilà. Non. Donc Amandine, on l'appelle? Non. Oui, on l'appelle, Amandine, allez, parce qu'il y a le battle, là, il y a le battle. Eh, dites-nous, je vous laisse 2 minutes. Oh là, elle est bruyante. Je vous laisse 2 minutes sur le Twitter, là, vous mettez le hashtag et Mickaël, est-ce que vous voulez qu'on l'appelle ou pas? Voilà. Vous mettez hashtag et Mickaël, vous mettez oui ou non. Et on verra. En attendant qu'on bombarde la tête de Toff. Oui, en attendant. C'est vrai qu'il avait pas pris ce soir là. Ah oui, il s'inquiétait là. Voilà, c'est ça. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a, Virginie? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que Ludo est jaloux dans la peau et j'ai pas envie qu'on lui fasse du mal. Je connais les tout tranquilles, voilà. Bon. Ça te dit quoi là sur Twitter là? Mais ça dit qu'il veut l'appeler, Pour annuler tout ça, vous fallait tout ça. Qui on appelle? Et s'amuser, parce que moi j'ai une plainte pour prendre la gueule, voilà. Si on n'arrête pas tout ça. Mais arrête ton cinéma, Virginie, une plainte de quoi? Parce que c'est même pas toi qui a téléphoné hier soir là. Allez, viens, on y va, on appelle. On y va, allez le scooter, on y va. on démarre le scooter. Non, non, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non, allez, on part dans le nord direct. Non. Allez, vas-y. Le paquebot, on va dans le nord. Allez. Ouais, ouais, attends une seconde, il faut que je retrouve mon paquebot là. Bah, il est mal garé. Allez, Virginie, tout le monde y va. Amandine, c'est prête? Oui, je suis prête. Bon, on y va. Attends. Putain, j'ai... pourtant, on appelle plus tôt là. C'est vrai que j'avais dit hier 11h. Bon, je suis un peu en retard. Ouais, par là. Ouais, mais ça va, on va exploiter pour une heure et demie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on a la réponse aussi à la colle de ce soir, là. Continuez, hein. facebook.com/michaelofficiel pour la réponse, là. Hein. Sur la colle de combien la distance pour faire l'amour. Il vous reste quelques secondes, là, pour vous inscrire. Et on fera le tirage au sort juste après. Merde, ça décroche pas, donc. Virginie, c'est toi qui a foutu la merde, là? Oui, alors mais la merde, elle a pas envoyé des messages. J'ai prévenu. Voilà. Voilà, j'ai appelé, j'ai envoyé, décroche pas. Bah, donc, du coup, on va laisser sonner jusqu'à demain, quoi. On va continuer, on va encore un peu attendre, on sait jamais. Ouais, on sait jamais qui décroche. Ça doit quand même être relou d'avoir le téléphone qui sonne comme ça chez toi. Ah ouais. C'est bon. Oh là là. Ah toi, moi je m'en fous, moi je laisse un message, après je dis que c'est Virginie. Hein. Ouais, voilà, bah, vous pouvez continuer. Hein. Je dis ouais, vas-y. Oh ouais, voilà, toi là. Alors. Allez, ils ont pas de répondeur, c'est quoi ça? On appelle où là? Non. On appelle dans le nord. Ben, et alors? Oh là là. J'ai plus envie de regarder. Ah, ça a coupé. Ah merde, ça a coupé, ouais. Bon, ben, c'est pas grave. Écoute, comme ça avait bien décroché hier à 1h30, on la rappellera à 1h30. Ouais, c'est mieux. Ça paraît mieux comme ça. Ouais. On fait comme ça. Oh là, non, c'est pas dedans. Ah, mais ouais, mais c'est vrai. Eh, Amandine? Oui. T'avais dit que t'avais le numéro de portable? Non, moi je ne l'ai pas, c'est Virginie qui l'aime, elle veut pas me le donner. Mais si, Virginie, tu vas le donner là? Même pas en rêve. Si, tu vas donner le portable. Même pas en rêve. Virginie, tu vas donner le portable. C'est ça, ouais. Donne le portable. Un coup de fouet. Bien sûr. Virginie, donne le portable. Elle est jalouse, en gros, elle le kiffe, c'est pour ça qu'elle veut pas le donner. Eh, hey, Virginie, donne le portable. Voilà, c'est assez Amandine. Virginie, donne le portable. Y'a pas moyen. Je te mets un bazooka là, j'en ai rien à foutre. Ouais, si vous voulez aller. Bon, tu me donnes le numéro de portable? On va te rouler dessus avec et le... Allez, je t'offre un autocollant, Mickaël Non Limite. Le cadeau. Wouh! Eh, le gros cadeau, ça se refuse pas, hein, Virginie. Deux. Oh putain, là, t'es grand prince. Hein. Bon, allez, 10! J'en ai rien à foutre, moi, je veux le numéro. N'importe quoi. Oh, bah, non, c'est pas la fête, c'est mort. Bon, allez, 20! C'est mort? Eh, mec, excuse-moi. Virginie, 20 quand même. C'est mort. Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben, on essaiera d'appeler. C'est pas la gamine, donne-le. Vas-y, on rappelle toute la nuit si elle donne pas le numéro. Non. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas grave. On va rappeler encore. On va rappeler ce soir. On va rappeler ce soir, et puis si jamais ça décroche pas, on appellera demain, après-demain, jusqu'à ce qu'il décroche. Il finira bien par décrocher à un moment ou à l'autre. Voilà. Bah, vous débrouillerez, hein. D'accord. Parce que Amandine, hein. C'est pas envers vous, hein. C'est pas envers vous, hein. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah, Amandine, on appellera tout à l'heure, alors, hein. Ok, y a pas de soucis. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, bisous, les filles, hein. Bisous. Salut. Et on appellera tout à l'heure, donc, le Ludo, là, on va lui proposer, justement, un plan à plusieurs. On va voir comment ça va se passer. On essaiera d'ici quelques instants. Bon, on va parler des ex aussi, dans quelques minutes, là, avec qui est avec nous, là, pour les ruptures, pardon. Il y a Anthony qui est avec nous, là. Salut, Anthony. Salut. Comment Salut. Ça va? Bien et vous? Bah, tranquille. T'appelles de Brest, toi, 22 ans, Anthony. Tu nous appelles pourquoi? Pour les ruptures, les meilleures ruptures? Pas trop les meilleurs justement parce qu'en fait l'histoire c'est la pire. Bon. Pas mal de la pire. Alors reste avec nous Anthony, on va en parler dans un instant. On aura aussi Jérém avec nous là. Bonsoir Jérém. Ouais, salut l'équipe. Ouais, salut Jérém, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Attends, parce que je vais juste réveiller ce con de Toff là. Voilà, parce que je sais pas si vous... Mitraillette dans sa gueule. Ouais, attends, bah mitraillette. Attends, parce qu'il faut quand même savoir que le mec il fait comme ça, il veut réagir à l'émission et que c'est ouais, fait. Ouais, j'ai entendu, tu devais pas le dire. Alors il coupe donc le micro est coupé donc il fait. Ouais. Personne n'entend rien en fait, oui, c'est comme vachement pratique. Ça, j'ai rien dit derrière. Non mais c'est parce que ça t'arrive tout le temps et le pire c'est que tu t'en rends même pas compte que tu t'entends pas dans le casque. Sur ça et gueule en scooter. Ah, le paquebot c'est pas mal aussi. Le paquebot il est pas mal effectivement, hein. Un petit coup de scooter quand même. Ouais, sur sa sale gueule. Attends parce que faut que je retrouve. Il est là. Tu l'as garé où le scooter là, Toff? Ah il est là, c'est bon, attends, je le redémarre d'abord, une seconde. Il démarre plus. Ah bah non. Attends, on réessaye. Donne un coup de kick, Polo là. Attends, vas-y. On va le noyer, attends une seconde. Non mais il faut pas trop insister si on va noyer le moteur. Ah ouais, c'est vrai. Tu t'y connais un peu toi ou pas en scooter, Jérém? Pas trop non. Merde, putain. Bon attends, on redémarre, on va réessayer encore une fois. Ah, il a putain, ce vieux scooter là, il a du mal, hein. Oh là là, c'est une mobylette. C'est la mobylette qui a du mal. Dégueulasse la mobylette. C'est un scooter. Pourrie, non mais oui. Bon, Jérémy, on va parler des ruptures aussi dans un instant. Ouais, ouais. Bon, bah parfait, bah bouge pas. Et puis on va se faire enfin la colle là, à minuit 36. Bon, bon, il est quasiment. Alors on y va. Attention, Miko, on va appeler maintenant un gagnant ou une gagnante. Si il ou elle a la bonne réponse, c'est gagné. Sinon, évidemment, c'est toi qui gagne, Miko. Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va. T'avais posé une colle. Il y a eu les inscriptions là sur le Facebook de l'émission. Vous étiez plus de 1000 à répondre. Hein. C'est cool, hein. Facebook.com/Mickaël officiel. On y va, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, c'est gagné. Allô? Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Héloïse, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun, ça va? Ah, trop Héloïse. Cool! Trop cool! Héloïse, tu t'es inscrit sur le Facebook en mettant une réponse là? Héloïse? Ah putain, trop cool, ça a coupé donc! Tu lui Héloïse. As fait peur, c'est fini! Héloïse! Non, ça a coupé! Hein. Merde! Bah attends, on va quand même la rappeler pour le coup, hein. Si elle décroche plus, tant pis pour elle! Hein. J'espère pour elle qu'elle a encore de la batterie, parce que si c'est le répondeur là, ça veut dire que tu gagnes, Miko! Hein. Voilà. Ok! Alors attention. Allô. Allô Héloïse. Oui, désolé. Bah alors, et pour le même prix, c'était Miko qui gagnait, attention. Bon, tu t'es inscrite sur le Facebook, c'est ça, en répondant à la question à la colle? Oui, ouais. Bon alors, Miko, vas-y, fais péter la colle, là, répète. De combien est la distance pour faire l'amour? De combien est la distance pour faire l'amour? Héloïse. Il faut s'y mettre à deux. Il faut s'y mettre. Deux. S'y mettre à deux, ouais. Ouais. C'est ça, Miko? C'est pas vraiment ça, le bon. Non, ouais. Mais c'est quoi la réponse? Bah, il faut s'y mettre. Bah oui, s'y mettre à deux. Non oui. Mais Miko, t'es sérieux là? Hey, c'est gagné. Bravo Héloïse. Non Miko, t'es de mauvaise foi là. Bon ben voilà Héloïse, tu n'as plus qu'à reprendre, à retourner au standard, on va prendre toutes tes coordonnées et puis... Ah ça a nouveau coupé, putain, il est relou avec son téléphone. C'est pas une PS3, c'est un téléphone qu'on aurait dû lui offrir au final. Hein, sérieux là, Héloïse. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous, t'as pas de réseau quoi? Héloïse. Oui. T'as pas de raison, qu'est-ce que tu fous? Non mais mon portable est tactile et du coup je décroche. Ah ouais mais t'as un vieux tactile alors parce que si s'il marche non, pas non, comme ça là. Bon écoute, c'est gagné la PS3, elle est pour toi Héloïse, je te fais des gros bisous. Oh, super, c'est trop cool. Eh bah avec plaisir. Et tu feras une photo quand tu la reçois, tu la mettras sur le Facebook, comme ça on la partagera avec les autres. Vous déchirez, merci. Avec plaisir. Gros bisous. Salut Héloïse. Allez, ciao. Et puis bah Miko malheureusement c'est perdu hein. Et bah là, par contre j'ai un petit service justement à te demander. Vas-y dis-moi. Étant, sachant que je suis célibataire, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des femmes célibataires dans la région? Bah t'as vu la photo de Kelly au standard là, qui remplace Sandro parce qu'elle est malade ce soir là? Moi ça me dérangerait pas, si elle est ok. Ah bah vas-y, va voir sur le Facebook j'ai là. J'ai déjà vu. Ah bah bah écoute, je te la repasse Miko là, et bonne chance hein. On sait jamais sur un malentendu. Mais qui sait hein. En plus ouais. T'es DJ, tu vois les meufs elles aiment bien donc ouais, essaye. Parce que moi j'essaye et ça marche pas. Ouais Toff il a du. Mais il est pas. Parce que Toff il est presque DJ. C'est tu pas vois. Typant, c'est pour ça. Bah voilà, ah, c'est ça. C'est exactement ça. Bon bah Miko, je te la repasse en antenne, tu gères avec elle. Salut à toi Miko, ciao à toi. Salut, à bientôt, allez bye. Et puis donc on va parler des ruptures. Donc dans un instant ce sera avec notre ami Anthony, ce sera avec Jérémy, on vient de les prendre il y a quelques instants. Et hier je vous avais fait écouter des teubés, je sais pas si vous vous souvenez. C'était un son d'un mec qui se prenait pour Dieu quoi. Qui c'est le plus beau? Putain, merde, ça me casse les couilles. Ça me laisse dubitatif, ouais. Recherchons plutôt la réponse sur internet. Hein? Ça laisse dubitatif? Ça veut dire quoi dubitatif? Ah, grande question, difficile. Hein. Et hier, il y a Jennifer, c'est une auditrice qui m'a envoyé son numéro de ce mec, en fait. Alors, il s'appelle Dorian. Et donc, je sais pas si vous l'avez vu. Et on va essayer de l'appeler dans un instant, là, dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Donc, restez bien là. Et puis, sans pub sur Fun Radio, on va s'écouter le son. Eh, putain, on dirait mon paquebot. Ah ouais, t'as vu? Écoute. C'est le même, hein? Ouais, t'as été fléchi, là. Presque. Ah, c'est pareil, putain. Ça me perturbe, ça, dis donc. Ah ouais. Robin Thicke, maintenant sur Fun Radio avec To Give It To You. On revient juste après sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, bienvenue tout le monde, on est en direct jusqu'à 2h du mat, soyez les bienvenus. Hey. Allez, bonne soirée avec Fun Radio, là c'est Mickaël No Limit, Robin Thicke à l'instant, c'était To Give It To You, bonne soirée. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, bah composez le numéro là, c'est le standard là. Il y a Kelly qui remplace Sandro qui est malade ce soir, donc elle est là, n'hésitez pas. Il y a Olivier aussi qui a envoyé son message sur le Facebook. Là, Mickaël, posé, tu nous mets trop bien, merci à toi. Sans oublier toute l'équipe, évidemment, bah merci à toi, merci pour le message là, Olivier. Someone Thinkers aussi qui dit demain j'ai cours, mais j'arrive pas à vous quitter. Ah, oh, bah il reste une heure et quart là. On n'est plus à ça près maintenant. Ah, bah, hein, tu vas pas partir mais non. Bah ouais, c'est ça. En plus, il reste plein de trucs là. Ah, en tout cas, merci d'être là. C'est cool. Demain, j'ai cours. Également, ça va être pénible. Bah oui, c'est clair que le matin, ça va être dur. Mathias avec 2T qui dit aussi ouf, j'aurais pas pu m'endormir en sachant que le scout de Toff ne démarrait plus. Non, mais ça va bien là. Il a redémarré. On a mis un petit coup de kick là. Il va beaucoup mieux. Et Mathias qui dit, je comprends pas pourquoi ils disent tout ce que vous déchirez. Vous êtes pas des feuilles que je sache. Ouh. Qu'il soit éclaté en place publique. Voilà, ça c'est fait, au moins comme ça on est tranquille. Bon, je vous cale aussi dans un instant sur Fun Radio, le son de Florida là. Allez, restez bien sur Fun Radio, Florida et Pitbull, ça va débarquer aussi, Can't Believe It. Et puis à l'auditeur qui voulait qu'on passe encore le son de Showtech avec Booyah. Ah, c'est vrai que ça me chauffe là, le son de Booyah là. Je le mettrais bien là. Bah vas-y. Ouais, je pense que je vais pas tarder à le mettre, effectivement, ouais, ça va être deux bits. Ça va être pas mal ça. En tout cas, on est là jusqu'à 2h du mat, on a encore le temps. Si vous avez des propositions à faire au niveau des sons, n'hésitez pas, le hashtag est Mickaël, vous mettez le son que vous voulez juste derrière. Et en parlant d'hashtag est Mickaël, je vous rappelle que ce soir, on va élire tout simplement les, puisqu'il y en a 5, hein, ce sera le top 5 des le top tweetos. Voilà, c'est ceux qui partagent le plus et qui réagissent le plus évidemment à l'émission. Ce sera les deux meilleurs, ceux qui envoient le plus de messages, le plus de retweets, etc. Donc si vous voulez faire partie des 5 premiers, des 5 plus influents, eh bien il suffit simplement de mettre le hashtag et Mickaël dans vos conversations. Voilà, donc si vous parlez avec nous, bah facile. Ouais. Et puis vous le mettez aussi si vous parlez avec d'autres potes, comme ça au moins eux vont venir, etc. etc. Donc hashtag et Mickaël dans toutes vos conversations ce soir, je compte sur vous. Demain je me lève à 5h50, je rentre au lycée, j'ai envie de me coucher, mais je kiffe trop vous entendre. C'est encore Jeff qui a envoyé le message. Oh, ça va aller, t'inquiète, Jeff. Quoi, ça sert de dormir? Mais oui. C'est vrai, ça sert à rien. On dort, nous. Mais ouais, voilà, on dort pas, nous. Bon, allez, dans un instant, sur Fun Radio, on va prendre Anthony, on aura Jérém également avec les pieds ruptures, là. Et est-ce que tu connais Jérém qui est un Dorian Rossini? Ah non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Alors, je vais te le présenter, tu vas voir, c'est un mec qui mérite d'être connu. Non, vraiment. Ah si, c'est l'autre d'hier là. Voilà, c'est ça, c'est Dorian Rossini en fait. Et donc moi, cela dit, avant de regarder une rediff de Tellement Vrai, justement, je connaissais pas non plus, hein. Cannes, 10h du matin. Ah écoutez, hein. Voici Dorian, un DJ de 22 ans célibataire qui habite chez ses parents. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et se contemple. Il se contemple. Donc voilà, le mec n'est personne, mais il arrive évidemment à Paris en limousine. Hein. Je vais envahir Paris, je suis arrivé enfin sur Paris, sur la capitale, je vais conquérir. Ouh. Eh oui, waouh, c'est la folie totale là. Alors évidemment, bah, il est complètement dingue. Alors mais pour bien comprendre qui est ce Dorian justement là, alors je propose qu'on le laisse se présenter. Hein. Je pourrais jamais je pourrais jamais mieux faire que lui. La preuve. Je suis une fusion de Dieu, Superman, Hercule. Et Dragon Ball Z, tu regardes les Dragon Ball Z quand t'étais petit? Et ben moi c'est pareil. Ouais, bah écoute, bah tant mieux. Hein. Bon, je crois que lui il les a trop regardés surtout. Je pense, ouais, les boules de cristal, tout ça. Bon, sinon il a une autre explication pour un peu mieux le cerner. Et il me dit, regarde rien ce qui se passe, t'as une auréole sur la tête. Et je me suis dit, ah bon, c'est pas possible. Et là j'ai compris que en plus d'avoir le physique, en plus d'être parfait, en plus d'être super sportif, j'étais la réincarnation de Dieu. Il a été la réincarnation de Dieu. Le mec il se la ramène pas du tout, tu vois, Jérém. Hein. Le mec... Ah, c'est un fou, mais il doit se droguer, c'est pas possible. Non mais ouais, c'est ça, le mec il est humble et tout, il est cool. Et alors surtout, attends, parce que le mec il se la raconte quand même tellement qu'il y a un producteur qui lui demande s'il peut le tweeter. Alors évidemment, il répond naturellement. Excuse-moi, mais je peux te tweeter, je mets un tweet sur toi, ça te dérange pas? Non, je pense pas que t'es assez populaire sur Twitter. Voilà, donc le mec il dit quand même non mais écoute, me tweet pas parce que t'es pas assez populaire, je vais passer pour un con. Il est quand même gonflé le mec, Dorian là. Donc ce que je propose c'est qu'on va l'appeler puisque bah il y a Jennifer, une auditrice qui m'a filé son numéro. Alors, j'espère que c'est le bon, hein, cela dit. Donc on va l'appeler, mais heureusement j'ai un homme d'église qui est avec nous ce soir. Bonsoir mon père. Bonsoir. Ah, vous êtes dans une belle église, hein, il faut mettre des meubles maintenant. Hein. On m'a volé les chaises. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, on va appeler quelqu'un, vous allez voir, il se prend pour Dieu, c'est la réincarnation de Dieu, mon père. Ce n'est pas possible. Ah, pourtant, si je vous le dis... Je demande à l'entendre. Bah écoutez, bah, justement, vous allez pouvoir l'entendre, hein, justement. Il l'a dit, hein. Et il me dit, regarde rien ce qui se passe, t'as une auréole sur la tête. Et je me suis dit, ah bon, c'est pas possible. Et là, j'ai compris que en plus d'avoir le physique, en plus d'être parfait, en plus d'être super sportif, j'étais la réincarnation de Dieu. Ah là là, là, là, là. Je crois que l'alcool fait des ravages. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Bon, alors Jérém, attends, bouge pas de là, on va essayer de l'appeler le Dorian là, hein, on va voir. Ouais, ouais, vas-y. Parce que bon, là, comme ça, au moins il sera content, hein, il sera sur une radio où il y a du monde, une radio populaire, il va pouvoir donner son Twitter. Faut le clasher. Oh, t'inquiète pas, on l'appelle pas pour lui faire, pour qu'il fasse de la pub. Hein. t'inquiète pas. Bon, on l'appelle. Déjà, on va espérer qu'il décroche, sinon on lui laissera un message. Alors, on va se mettre d'accord. Hein, donc, si jamais il décroche pas, je lui dis qu'il est en direct sur Fun Radio, qu'on l'a vu à la télé, on va absolument lui faire faire une interview, on l'appelle demain. On fait comme ça, mon père ? Je suis d'accord. Et s'il décroche, vous voulez lui parler ou ? Évidemment. Bon, très bien. Alors, on y va, on l'appelle. Je viens rencontrer Dieu en personne. Bon, Jérém, reste avec nous, on va l'appeler. Hein. C'est parti. Ouais, y a pas de soucis. Ouais. Allez, on appelle le Dorian, là. Oh, il a l'air une belle tête de champion, lui. Hein. Allez, c'est parti. Ah, il était dans la camionnette, Jérém, là. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, j'ai fait un télé-warning. Je me suis arrêté avec le camion. D'accord, ok. Je pense qu'on va lui laisser un message. Hein. Salut, c'est Dorian. C'est sur mon téléphone, c'est génial. Si tu n'es sur pas... le portable de Dieu. Moi, Dorian Rossini, je ne suis pas là pour le moment. Je suis sûrement en tournage ou au soleil, en train de bronzer, parce que voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est merveilleux. J'espère que vous passez de super vacances. Je pense énormément à vous. Je vous aime. Et n'oubliez pas, si je réponds pas, c'est que je suis occupé. Tournage, piscine ou rendez-vous professionnel. Ah, mais ne vous en faites pas, je pense à vous et je vous aime. Gros bisous. Moi, la réincarnation de Dieu, grâce à vous, je suis au top. Et je explose tout en audience. Gros bisous. Oh, le mec. Oui, bonjour, monsieur Rossini, c'est Mickaël, je suis de Fun Radio et je vous appelais en fait pour vous faire passer en direct dans l'émission, dans mon émission le soir sur Fun Radio, donc c'est Mickaël No Limit. Et donc voilà, donc on va essayer de vous rappeler demain pour éventuellement faire une interview de vous après votre passage à la télé. Je vous remercie, au revoir. Voilà, je pense que là on l'a bien enfumé. Oh là, demain, mec, demain il va croire. Mais t'as entendu son répondeur ? Vous êtes chez Dieu ! Le mec, ça, tu sais tout ce qu'il mérite, hein, c'est un coup de lance-flamme dans la gueule. Ouais, la mitraillette aussi. Ah ouais, je pense que je peux effectivement lui mettre un petit coup de mitraillette. Ouais, voilà, c'est bon. Non mais le mec, il est dingue. Il est complètement ouf. J'y crois, quoi. Est-ce que c'est sérieux, ça ? Ouais, répondeur pareil ? Il a vraiment un souci, quoi. Mais il est au-delà d'un souci là, il est complètement pas fini le monsieur là, c'est un le truc de dingue. De Dieu. Bon ben on l'appellera demain du coup, hein. Demain un peu plus tôt, là vous inquiétez pas, on sera sur le coup. Il y a Alexandre qui ici aussi, deux possibilités, soit c'est un bon comédien, soit il est très con. Non, soit c'est un mauvais comédien, soit il est très con. Ou ça peut être les deux. C'est vrai. Non, il est très con. Et oui, peut-être. On verra demain. Et Jonathan aussi qui dit putain, elle fait chier Virginie, elle est relou là. T'inquiète pas là, tout à l'heure Virginie, on va rappeler son mec, il y a pas de problème. Bon alors Jérém, parlons de choses sérieuses maintenant là, t'appelles d'Angoulême. Ouais. Et donc toi tu voulais nous parler des ruptures puisque j'avais mis une vidéo de rupture là sur Vines où un mec en fait fait une vidéo de 7 secondes, il est tranquille dans sa voiture, il fait son petit cinéma parce qu'il avait pas prévu de se faire têche par sa meuf. Il fait son petit cinéma et puis bah il se fait têche par sa meuf à la fin de la vidéo et alors il prend cher, hein. J'ai mis la vidéo sur le Facebook de l'émission, donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Et donc toi, comment ça s'est passé ta pire rupture? Moi en fait j'étais militaire à l'époque et j'étais en mission en Côte d'Ivoire. Ouais. Et on a passé le Noël, le jour de l'an là-bas, et le jour de Noël je reçois un texto, voilà, tout est fini entre nous, quoi. Oh merde. Oh la classe. Putain, jour de Noël et par texto, ouais. Pendant que t'es en plus en mission, ouais, quoi. Voilà, et j'étais de garde dans mon Mirador et je reçois ça, quoi. Oh putain, et donc, du coup... Donc là, j'ai failli péter un câble, et bon, j'ai essayé de l'appeler un joignable. Du coup, il s'est lâché, hein. Ah ouais. Tous les mecs qui voulaient rentrer. Voilà, c'est ça. Il y en a plus un, quoi. Non, mais ouais, c'est chaud, quoi. Et donc, au final, la celle qui avait l'appartement, la bagnole et tout, donc... En rentrant, elle m'a tout rendu, mais les trois derniers mois, ça a été chaud, quoi. Putain, mais du coup, quand elle t'a dit que c'était fini, t'es resté combien de temps encore en Côte d'Ivoire ? Et 3 mois et demi. Oh putain, oh donc pendant 3 mois et demi, t'as même pas pu discuter avec elle, ni rien, quoi. Non, je suis rentré au mois de mars. Mais quelle connasse, parce qu'elle aurait quand même pu attendre la fin de ta mission et ouais, te le dire, tu clair, vois. Surtout que c'était un peu tendu, il y avait 2-3 attaques et tout, c'était un peu chaud, donc c'était pas le moment, quoi. Bah ouais, c'est ça, t'imagines, t'es là... Oh, tu ouvres là, attends une seconde, je suis en train de discuter avec ma meuf, là, elle me quitte. Ouais, mais bon, après, ça va, les collègues, ils étaient là pour me remonter le moral, et heureusement que j'avais les collègues, sinon j'aurais pu faire une connerie, quoi, en fait. Ouais, et c'est clair. Elle a pas eu conscience de ça, en fait, surtout, je pense. Mais c'est vrai. Deux, trois câlins sous les douches, ouais. Et puis ça passait mieux, quoi. Elle s'est barrée pourquoi? Ouais, parce qu'elle avait loupé son diplôme d'infirmière, et moi, au lieu de la soutenir, je l'ai un peu accablé, quoi. Et j'aurais dû la soutenir, et elle faisait la fête, et, au lieu de réviser, quoi. Bon, allez, c'est bon. Après, elle peut t'en vouloir, elle peut te dire qu'elle est déçue, mais de là à te virer. Voilà. Ben ouais, c'est sûr, au bout de 4 ans en plus, on allait aménager ensemble en rentrant à côté du régiment, donc... Ben à côté du régiment, bien, putain, elle a raté un truc, hein, tous les militaires qui passaient par là et tout, ça aurait été le top. Ben, au final, maintenant, elle aurait pu, mais bon. Et donc du coup, ouais. Depuis terminé, t'as plus de nouvelles, fini quoi. Ah non, ben elle est partie, elle a refait sa vie, moi j'ai refait ma vie, mais bon. D'accord. Sur le coup, ouais, le jour de Noël par texto, je pense que c'est la pire qu'on m'ait jamais faite celle-là. Ah ouais, ouais, franchement, ça se fait pas. C'est horrible, franchement. C'est moche, ouais, c'est moche. Un cadeau pourri quoi, très bien. Bah merci Jérémy en tout cas pour la petite histoire. Est-ce que passer une dédicace ? Allez vas-y, à une seule personne, voilà, tu connais les règles. Tous les routiers qui sont en train d'écouter Fun là et ma petite femme qui est en train de dormir parce qu'elle bosse demain matin quoi. Une nouvelle quoi. Ça roule. Une nouvelle femme. Ah oui, une nouvelle femme, bien sûr. Oui bien sûr, une toute nouvelle, toute neuve, elle est vachement mieux que l'autre. Il est allé sur le Femme Store, il en a fait une nouvelle. C'est ça, il l'a acheté, ouais. Bon ben salut Jérémy, bonne soirée, merci d'écouter Fun, à bientôt. Merci, bye. Salut, salut, ciao à toi. On va dans un instant prendre Anthony qui est toujours là, Anthony. Salut, salut. Salut, salut. Bon, bah, très bien. Bah, reste avec nous encore, Anthony. On va parler avec toi dans un instant encore des ruptures. Donc, juste le temps d'écouter Avicii avec Wake Me Up. Et puis, on aura aussi Loïc. Salut, Loïc. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Bon, bah, très bien. Ouais, ça va, tranquille, ouais. Puis, on aura aussi des infos. Bah, on va parler avec toi dans un instant. Donc, de rupture, pareil. Pareil. Eh bah, bouge pas de là, Loïc et Anthony. Là, vous connaissez Beyoncé, j'imagine? Oui, bien sûr. Bon, ben, on va parler d'elle dans quelques instants. Là, bougez pas de là. Ben, ce sera juste après le son d'Avicii qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Avicii avec Wake Me Up. Bonne nuit sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Et sans pub jusqu'à 2h sur Fun Radio. C'est Fun Radio là, bonne soirée tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur le Twitter, sur l'Instagram évidemment, hein, on est là jusqu'à 2h du mat. Vous tapez Mickaël officiel, si vous me faites un follow, et ben moi je vous followerai également, il n'y a pas de problème. Et puis venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission. Pareil, on a mis la photo de Kelly qui remplace Sandro ce soir là. Vous pouvez aller la voir, pareil aussi pour la vidéo, là, une bonne rupture d'un mec qui s'en est pris une belle dans la gueule. Vous pouvez aller voir ça, c'est la vidéo que je viens de mettre aussi sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. On était également sur le top Twittos ce soir, on va faire ça hein, avant 2h du mat. Tous les jours, on fera le top tweetos, donc pour savoir quels sont les auditeurs les plus influents, les plus fidèles, les plus à l'émission. Et leur top 5, alors je peux vous donner celui ou celle qui est actuellement le ou la top 5, dans le top 5. Ça veut dire qu'elle peut sortir encore. Hein. Elle peut sortir. Elle a déjà perdu 4 places aujourd'hui. Ouais, elle peut sortir, elle pourrait même remonter aussi. C'est le prince Nadia qui est 5e. Voilà, oui. Ce qui est pas mal, mais on peut faire mieux. Hein. Donc voilà, pour l'instant, il y a un numéro 1. Sera-t-il encore là tout à l'heure à 2h du mat? Sera-t-il ou elle encore là? Je pense qu'il sera encore là. Il ou elle sera là. Oui, il ou elle sera encore là. Voilà, donc on verra. Donc en attendant, je vous rappelle que le principe est simple. Il suffit simplement de discuter sur Twitter. Hein. Vous réagissez à l'émission, à autre chose, n'importe quoi. Et vous mettez dans tous vos posts le hashtag Mickaël. Voilà, même si vous parlez avec d'autres personnes, avec des amis, peu importe. Comme ça, ça les fera connaître l'émission. Et puis en même temps, vous serez peut-être classé numéro 1 ce soir dans le top Twittos. Puis il y a someone Tinkers aussi qui dit, je sais pas quoi faire, si je vous quitte, je suis un lâcheur, une lâcheuse à mon avis plutôt, mais allez, on s'en fout de la rentrée, de toute façon on fait rien. Bah voilà, t'as raison Samoine. Voilà Samoine Tinkers, ça c'est comme ça que je veux voir les choses moi. Et Maxime qui dit, s'il vous plaît la totale pour Dorian, lance-roquette, bateau, mitraillette, tout. Alors je peux te le faire effectivement, le lance-roquette j'ai toujours pas reçu en revanche, mais je peux te mettre effectivement le coup de pelle, le lance-flamme. Et le bazooka, et puis pour finir, voilà, un petit coup, ouais, hop là. Voilà pour Dorian, qu'on essaiera de récupérer, évidemment, dès demain, bien sûr. Dorian qui a fait tellement vrai une émission improbable, où il se prend pas pour de la merde, on a essayé de l'avoir au téléphone, et même sur son répondeur, il dit lui-même qu'il est Dieu, ce qui est quand même assez surréaliste, quand même. Salut l'équipe, c'est Rémi du 02, là, je vous écoute tous les soirs, lâchez rien, vous déchirez et tout. Demain, je vais rater mon bus exprès pour aller au lycée avec la mobilette de Toff. Ah bah, bonne chance, hein, parce que comment t'expliquer qu'au niveau démarrage, c'est pas non plus la mobilette la plus... Enfin, c'est pas celle qui déchire le plus, quoi. Ah, au niveau démarrage, on a eu du mal tout à l'heure à la démarrer, hein, la mobilette, là. Ouais. C'est parce qu'elle était froide. Elle attends, froide. Tu vas voir, on va recommencer maintenant. Elle est plus froide, elle est chaude là, mais on recommence là. Aïe. Oh putain, elle veut pas. Attention, on redémarre. Polo, tu mets un coup de kick? J'y vais, vas-y. Vas-y, attention. Vas-y. Oh putain, qu'est-ce qui lui arrive là? Elle s'emballe. Oh putain, voilà, elle s'emballe. Attends, on recommence. Oh putain, le moteur il est vraiment bois là. Oh putain. putain, je pense qu'il faudra lui mettre un petit coup de pipeau là pour essayer de la remettre dedans là. Je pense qu'il va falloir essayer, tiens. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, on a un nouveau Florida tout à l'heure là. Florida et Pitbull. On va le passer tout à l'heure, Polo, faudra que t'arrives à le faire en version pipeau. Hein. Écoute, je vais essayer, c'est pas gagné. Ouais, parce que. C'est très dur. Ouais, c'est un peu compliqué celui-là. Hein. Ah, la rythmique est très compliquée, ouais. C'est je vais essayer. Bon, il faut essayer. Bon, on verra en tout cas. On le fera avant 2h du mat, celui-là, il n'y a pas de problème. On écoutera donc Florida avant 2h. Genre aussi LOL DJs. Et puis vous l'avez demandé, vous savez que quand vous demandez, je peux pas refuser, hein, surtout un morceau que j'aime bien aussi, le son de choc. Qui arrivera tout à l'heure, vous l'aviez demandé en masse aussi encore une fois là, vous le kiffez, bah tant mieux. Showtech avec Bouya. Si vous avez envie d'entendre autre chose, hein, n'hésitez pas, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter tout simplement. Vous pouvez demander aussi sur le Facebook, il n'y a pas de problème. Hein. Et il y a Denis aussi qui a envoyé un message sur le Facebook qui dit demain ça je vais pas vous rater le mec qui se prend pour Dieu là. Bah ouais t'inquiète pas, en plus on lui a laissé un bon message tout à l'heure là en disant qu'on voulait faire une interview de lui parce que on est fan, c'est fan radio et tout, c'est génial, c'est la folie. Tu vois, demain il y a un mec qui va t'appeler, oui bonjour, je suis l'agent de Dieu. Ouais c'est ça, l'agent de. Ah bon, je savais pas que Dieu il y avait un agent là, c'est assez improbable quand même. Bon donc si vous voulez discuter avec nous, là prenez le contrôle 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tiens, et est-ce que vous saviez là, j'ai demandé, poser la question à Loïc et à Anthony qui sont tous les deux là, vous êtes là tous les deux? Ouais. Parfait. Donc est-ce que vous saviez que Beyoncé a des origines bretonnes? Non. Ah non, mais attends, mais c'est une... non, mais je me fous pas de votre gueule. Hein. C'est une... la grosse nouvelle, c'était dans le Parisien d'hier. Donc Beyoncé a des ancêtres français et ça remonte évidemment un peu loin hein, puisque c'était en 1774. Mais sa famille serait originaire de Belle-Île-en-Mer. C'est énorme quand même, Belle-Île-en-Mer, Beyoncé. Ouais. Ah oui, ouais. C'est rien de chez moi ça. En plus, t'as vu, ça se trouve t'es peut-être de la famille aussi. Source, là, ou... De quoi, Loïc? Ils sont sûrs de leur source. Bah écoute, apparemment, en tout cas on va se renseigner, on va essayer Attends c'est bon, moi j'appelle direct, je vais gratter des places pour le prochain concert. Bon écoute, on va essayer de trouver des gens. Si vous connaissez des gens encore debout vers Belle-Île-en-Mer là, n'hésitez pas à venir nous le dire. Enfin nous donner les numéros surtout les gens, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. J'aimerais bien voir Beyoncé. Where are you from? I'm from Belle-Île-en-Mer. Ouais, elle est française, elle est française. Belle-Île-en-Mer, I'm French. Elle va faire un concert gratuit du coup. Elle va quoi? Elle va faire un concert gratuit en Bretagne du coup, non? Bah, t'as qu'à demander ça, tiens, toi, essaie de voir s'il n'y a pas moyen de gratter des places pour un concert. Mais c'est ce que je vais faire, moi je les appelle. Très bien. Je veux des places pour le prochain concert. Bah, parfait. Si vous en avez des places, j'en veux aussi. Hein. Sans blague. Mais écoute, on va essayer d'en gratter à Belle-Île-en-Mer. Je vais négocier là, je vais y aller. Bah, on va négocier dans un instant, on va appeler, on attend vos numéros là, balancez vos numéros si vous connaissez des gens en Belle-Île-en-Mer là. On attend ça avec impatience et on appelle dans moins de 10 minutes. Bon, alors du coup, Loïc, toi c'est quoi ton histoire? T'appelles de Meurthe et Moselle de Nancy là, l'ancien Loïc, c'est quoi ton histoire de rupture? Donc en fait, moi j'étais avec mon ex l'année dernière. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis pris la tête avec mes parents. Donc du coup, mon ex m'a hébergé. D'accord. Et pendant que j'étais chez mon ex, en fait, j'ai vu sur le mur d'un de mes amis qu'il s'était mis avec elle. Ah. Oh putain, la merde. Et ce qu'il y a, c'est que le truc qui est encore pire, c'est que je dormais avec elle, en fait, alors qu'elle était avec mon pote et que c'est vrai qu'elle couchait avec mon pote, quoi. Ah putain, t'as pas essayé de la pécho pour dire « Ah, j'ai envie de toi », tu sais, pour voir ce qu'elle allait dire? Non, il n'y avait pas moyen. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais putain. C'est chaud. Le pire, c'est ouais, quand tu l'apprends comme ça, c'est sur Internet, c'est encore pire que le SMS. Parce que le SMS, ouais, bah, encore, elle fait l'effort, enfin, il ou elle, fait l'effort de t'envoyer un message. Alors que là, si tu l'apprends vraiment par hasard, c'est vraiment une enfume, elle a même pas eu les couilles de le faire, quoi. J'aimerais bien avoir l'avis des filles aussi, tiens. Est-ce que vous avez déjà fait des ruptures de merde? Ou est-ce que vous avez déjà vécu des sales ruptures? Genre, votre mec s'est foutu de votre gueule, il vous a dégagé. J'attends vos téléphones, j'attends vos appels, les filles, là. Je vais finir par croire qu'il y a que des mecs, là. 01 42 48 5000, mesdemoiselles. Il y en a beaucoup sur Twitter et sur Facebook, mais elles osent pas appeler. Eh, rassurez-vous, je tiens Tof en laisse, hein. Non mais, il n'y a pas de problème. Je sais me tenir. Ouais, tu parles. Et si jamais il est agressif, je lui mets un coup dans la gueule. Donc allez-y. Oui. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 les filles pour la Belgique, n'hésitez pas. Donc comment ça s'est passé vos ruptures, mesdemoiselle? Et depuis, Loïc, tu l'as réveillé direct et tu l'as viré ou t'as attendu le lendemain? Non mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je m'étais pris la tête avec mes parents. Ouais. Et donc du coup, je suis parti de chez moi et j'avais nulle part où aller, mais elle m'a hébergé. Ah. Du coup, un peu bloqué. Ah oui, donc tu pouvais pas la dégager puisque t'étais chez elle. Voilà, et le truc là, c'est bon, il y a un moment où c'était plus possible, donc je suis parti, forcément. Et elle a dit quoi là? Elle dit, mais pourquoi tu pars? Bah non, pas du tout, non. Non, parce que c'était plus vivable, hein, j'en pouvais plus, enfin c'était catastrophique. Et le truc là, c'est qu'elle est revenue au mois de janvier, en fait. Ouais. Et mais elle est revenue quoi? Pour pécho? Enfin pour pécho, ouais, voilà, pour sortir avec quoi? Avec moi, quoi. Bah, ouais. Donc elle est gonflée, elle. Et elle est revenue, sauf que moi, bah, j'étais un peu naïf et j'ai dit oui, quoi. Oh ah, putain, mais t'es con ou quoi, là, ouais, Loïc? Je sais. Espèce de faible, t'en la joue. Ouais, bah, j'attends. Voilà. Non, mais sans déconner. Ouais, je sais, mais elle m'a relâché il y a deux mois, en plus. Ah, en plus. C'est-à-dire que la meuf, elle te trompe, tu la reprends et elle te relâche comme une merde. Elle m'a relâché comme une merde. Putain, pour un autre mec encore ou pour un pote? Pour un plan cul, je pense. Oh là là. Bah, si elle est volage comme ça, toi fais t'intéresser. Ouais, moi si tu peux me prêter, enfin si tu me donnes le numéro. Ouais, non, mais après lui, c'est, si t'as le numéro de téléphone, après pas de problème. Ouais, hein, je te vengerai. Non, c'est bon. Voilà, oui, ça pourrait être une idée. Ouais. Bon, bah merci Loïc pour la petite histoire. Ouais, y a pas de problème. Dis-moi. Vas-y, fais comme chez toi, Loïc. Je fais juste une dédicace à Ludo qui m'écoute là. D'accord. Et je fais une dédicace à la DJ School de Metz, voilà, tout simplement. Très bien, DJ School de Metz, bah pas de problème, message est passé Loïc. Salut à toi, à bientôt. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et moi j'ai une belle histoire aussi, par rapport à, à une rupture. Je l'avais déjà raconté, mais bon. Rêver. Ben, enfin c'est pas rêver, c'est vraiment la rupture idéale pour le coup. Hein. Peut-être pas comme la tienne à mon avis, Anthony, mais bon, on va en parler après. Donc, bah, moi j'étais avec une meuf en fait tout simplement, et puis tu sais, mode pépère, hein. C'était ma première pour le coup, première meuf. Et puis bah on part en vacances, chacun de notre côté, moi je pars avec mes parents, elle avec les siens. Et puis on se retrouve, enfin on se retrouve même pas, on s'appelle. Moi j'étais parti au Portugal en vacances chez moi, et puis elle était partie je sais pas où. Et donc on revient, on s'appelle, alors ça a été les vacances, ouais cool et tout, et toi, ouais génial, machin. Et puis on se dit, bon ben nickel, écoute, bah, faut qu'on se voit, ouais d'office et tout, ça fait un bail. Ouais bah écoute, on s'appelle. Bah voilà. Ça s'est terminé comme ça. C'est bon ça comme rupture. Ah mais c'était cool, tu vois, parce que moi j'avais envie de la dégager aussi. Et je pense que visiblement elle aussi, donc en absolu, ça s'est plutôt bien passé quoi. Ouais, pas de prise de tête, pas d'embrouille, pas de. Bah voilà, j'aime bien. Nickel. Bon par contre j'ai pris cher pour la suivante parce que la suivante elle voulait se suicider. Ah bah bon, je comprends, tu vois, un mec comme moi, moi si je me largue, je pense que je peux effectivement me suicider quoi. Bah oui, c'est ça. Je comprends. Attends, je vais appeler mon meilleur pote Dorian là. Vas-y, c'est mieux. Ouais. Il va demander à Dieu ce qu'il en pense. Ouais, je vais demander à Dieu effectivement ce qu'il en pense. Effectivement, c'est peut-être une idée, tiens. Bon, Anthony, avant de te prendre justement, on a enfin. Ah non, merde. Attends, on a enfin Christelle. Voilà, on a enfin une fille là, qui est avec nous. Salut Christelle. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, sois la bienvenue. 25 ans, toi. Alors, comment tu t'es fait larguer, toi, par ton mec? Alors moi, je me suis fait têche par un mec. On venait de faire l'amour et puis il m'a têche comme ça. Quoi, je... voilà. Ah mais c'était en fait t'étais un plan cul quoi. Ah ben non, ça faisait déjà un an et demi qu'on était ensemble mais, quoi. Genre le mec il t'a baisé et genre il s'est retiré et t'a fait bon je te quitte. Voilà, tout à fait. Attends, juste faut que je la fasse. Attends, une autre question, et tout est moustillé lui. Hein. Une autre question, vous aviez déjà fait l'amour avant ou c'est la première fois? Ah non, on vivait ensemble. Alors c'est improbable. Oh c'est bon, oh, j'adore ton mec, on peut l'appeler. Mais je veux le féliciter. Mais c'est un trou du cul, t'es con quoi, pourquoi tu veux le féliciter? Mais parce que c'est énorme ce qu'il a fait. Arrête ton super, attends, tu sais. J'ai plus de nouvelles depuis, je te rassure. Voilà. Merde, pourquoi le parcours m'appelle là, voilà. Coup de pèse dans la gueule de Toff, là c'est tout ce qu'il a mérité. Attends, c'est juste énorme la façon dont il l'a largué. Mais c'est nul, il est avec elle. C'est nul, ouais. C'est nul, il y a que toi qui trouves ça drôle. Attends, Anthony, tu trouves ça drôle? Quoi? La meuf, ils sont en train de faire l'amour et puis le mec il est en train. Il termine son affaire et puis il dit bon, alors que ça faisait un an qu'ils étaient ensemble. Hein. Bon ben je te quitte, merci, je me casse. Ouais, c'est vraiment. Et Toff il est content, il est génial, c'est la meilleure histoire. C'est une réaction de minable, donc il aime. Tu préfères recevoir un SMS, je te quitte, j'ose pas te le dire. Bah ouais. Non, là il fait ça. Mais non, mais c'est il la baise une dernière. Je vais le calmer un coup. Ouais. Ah, beaucoup dans sa gueule, 2-3 coups de pelle, histoire de bien le tasser. Exactement. C'est le cerveau qui déconne. Voilà. Voilà, c'est pas une cloche, hein, c'est un coup de pelle que je lui mets dans la tronche et vous remarquerez que ça sonne creux quand je tape, hein. Ça sonne très creux. Quand même, ouais. Ah ben complètement même, ouais. Bon, et comment tu l'as vécu Christelle? Parce que sur le coup quand même t'as dû être comme une conne quoi. Voilà, exactement, comme une conne, et puis ben après je lui ai fait la misère quoi. C'est-à-dire que je l'ai fait chier, tout ce que dès qu'il pouvait trouver une nana, je lui racontais ce qui se passait. Ah putain, mais vous étiez chez toi, enfin chez vous? Ouais, on était chez nous, ouais. Et donc il couche avec toi et puis se barre. Voilà. Et c'est fini. Ouais, tout à fait. Mais il a expliqué pourquoi? Non, aucune explication, rien. Il a pris ses vêtements, il s'est rhabillé, il s'est barré. Non mais il a un problème le mec, il était pas fini le gars. J'ai l'impression aussi, ouais. Il était complètement barré, c'est un truc de dingue. Et toi Anthony, c'est quoi ton histoire? Mais moi en fait l'histoire c'est que j'avais une copine depuis 2 ans. Ouais. Et le truc c'est que j'ai un meilleur ami aussi qui est gay. D'accord. Et puis bah j'ai entre guillemets largué ma copine pour être mon meilleur ami. Non. Oh putain, c'est la même histoire qu'hier, mais dans la sens inverse, dis donc. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est dingue ça. Mais alors, du coup, t'es gay alors ou t'es bi? Bah justement, je sais pas trop ça. Je voulais appeler, j'arrive pas. Bah, c'est un contrôleur quoi. Ah oui, oui, non, c'est clair. Donc tu veux l'appeler, c'est ça? Non, mais non, Sarah, elle dort déjà, mais je voulais savoir comment ça se fait que d'un coup, comme ça, on peut changer de... De bord? Ouais, de bord. Bah, je pense que c'est pas d'un coup, hein. Je pense que mais t'as déjà regardé des mecs à un moment ou à un autre. Non, t'as peut-être... c'est pas ça. Bah, jamais t'as eu des... Jamais t'as trouvé un mec mignon, sans pour autant dire je coucherais bien avec lui ou quoi que ce soit, hein. Mais jamais t'as trouvé un mec un peu bien en disant putain, il est joli, quoi, il est beau. Non, franchement, pas forcément, mais après, comme meilleur ami, je le connais depuis 10 ans, on se connaissait super bien, quoi. Non mais d'accord, mais enfin, de là, je vais peut-être dire un truc cru, hein, mais bon, c'est bon, t'as un meilleur ami depuis 10 ans, tu le connais super bien, mais enfin, de là, avoir sa bite dans ta bouche, y a comme une marche, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non mais, c'est ce que j'ai dit que j'allais être cru, hein, mais... Ouais, moi j'ai aimé. Non mais ça m'étonne pas, mais je veux dire, il y a un moment, c'est ça qu'il faut se dire, quoi, tu vois, c'est de là que tu sais si t'es gay ou pas. Est-ce que t'as envie de coucher avec lui, ou juste t'aimes bien passer du temps avec lui parce que c'est ton pote? Bah justement, on l'a déjà fait une fois, là, depuis que j'étais avec ma copine, j'ai trompé avec ma copine avec lui, justement. Ah d'accord, ok, ah oui, bah oui, forcément, oui, je suis con, oui, bah oui. C'est... Ouais. C'est... Mais... Ah ben, c'est space, hein. Mais est-ce que t'as kiffé? C'est ça le qu'il faut savoir, est-ce que t'as vraiment kiffé faire l'amour avec elle? Franchement, j'ai kiffé. Ouais, bon bah voilà, bah, c'est que t'es gay alors, enfin, en tout cas t'es bi, hein. Est-ce que quand tu regardes une fille dans la rue, tu te retournes encore sur elle ou... Bah oui, c'est pour ça, donc moi à mon avis je pense que je suis plus bi, quoi. Oui, voilà. Bah oui, c'est ça, t'es recto verso. Y a pas de mal à se faire plaisir, hein. Voilà, même toi, enfin lui prend devant derrière, au-dessus, en dessous, s'en fout. Moi c'est plutôt qui veut bien de moi, hein. Ouais, c'est vrai aussi, effectivement, ouais, c'est vrai. Christelle, toi t'aurais préféré que ton mec te dégage parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'il était gay ou bi, ou ouais. Le coup genre bon on couche et puis bon, bah je me casse. Non non, qu'il soit gay ou bi, ouais y a pas de souci. D'accord, ça y a qu'il soit gay ou bi, y a pas de souci. J'aime bien la manière d'avoir dit ça, c'était pas mal. Bon bah très bien. Bon bah écoute Anthony, tiens-nous au courant parce que du coup t'as encore rien dit à ta copine là. Bah non, je sais pas trop, j'ai de la pluie en fait, pour moi on fait une pause, mais je n'ose pas lui dire, quoi. Je sais pas comment lui expliquer, vu qu'elle connaît bien mon meilleur ami, quoi. Bah écoute, je pense que bah tu viens d'avoir la vie de Christelle en plus, tu vois, elle, si son mec lui dit, voilà, écoute, je suis gay ou je suis bi, tu peux rien y faire. C'est comme si, ça, parce que non, parce qu'après les meufs elles peuvent se dire, ça marche aussi pour les mecs, hein, sauf que les mecs ça peut les exciter donc c'est différent, mais t'es la meuf elle va peut-être se dire putain c'est moi qui l'ai rendu gay, quoi, peut-être que je suis pas bonne au pieu, peut-être que j'ai pas satisfait ou quoi, bah, de te poser des questions comme ça. Ouais, mais à côté de ça c'est pas vrai, donc peut-être... Non, pas forcément, parce que ça y allait, hein, je peux te le dire. Ouais, voilà, faut peut-être lui expliquer les choses, hein. Ou alors tu lui dis, voilà, écoute, moi j'aime bien les mecs aussi, j'aime bien les deux, quoi, donc voilà, c'est comme ça, apprendre ou laisser, j'en sais rien. T'as encore envie de rester avec elle ou pas? Bah justement, je sais pas trop encore si j'ai envie de me poser avec mon meilleur ami ou... Je sais pas, en fait, je suis complètement perdu, quoi. Ouais, bah j'imagine, ouais, putain ça, comment vous réagiriez, vous, si votre copine vous dit, ouais, voilà, moi je suis gay, je suis Gwyn? Ah, moi je le réagis super bien, j'ai dit, écoute, quand est-ce qu'elle emménage, ta copine? Et Paulo, toi? Je sais pas, ça dépend, je sais pas, il faut être dans la situation. Ouais, mais t'es avec ta meuf, imaginons, pas marié, ouais, mais enfin, t'es avec ta meuf, une relation normale, et puis tout d'un coup, elle se dit, bon, écoute, on va se quitter, je bon, crois que je rigole. Je crois que je rigole. Bah, je suis Gwyn, en fait, je préfère drôle. Les meufs. C'est drôle, bah, je lui dis, bah, vas-y. Moi, je lui mets un coup de lance-flamme. Je lui dis, profite de la vie, elle est courte, vas-y, mon enfant, allez. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin, quand même, il y a Thalissa aussi sur C'est drôle! Oui, dans l'absolu, c'est ouais, mais enfin. C'est sympa et beaucoup plus drôle qu'elle te dit, ouais, je te quitte pour un mec. Non, ça, je suis. Non, ça, d'accord, ça, d'accord. Thalissa aussi sur le Facebook, il dit, c'est un lâche, le gars incapable de parler direct à son ex-copine, je suis assez d'accord. Et Rodolphe qui dit, salut les gars, moi, j'étais encore plus con, cocu au bout de 7 ans. Je la reprends 4 ans après, enceinte de 3 mois, j'assume tout jusqu'au 2 ans du petit, et du jour au lendemain, elle a vidé la maison car elle est tombée une deuxième fois enceinte d'un autre. C'est Rodolphe de Lyon. Putain, franchement, Rodolphe, c'est vraiment une grosse pute. Hein. Ouais, grave. Attends, non mais je suis désolé, mais là quand même, ça sort tout seul. C'est-à-dire qu'elle te rend cocu, au bout de 7 ans, tu la reprends, elle est en cloque d'un autre, tu élèves le gosse, tu le reconnais, je pense, et tout le bordel. Le petit, il a 2 ans, et elle se rebarre avec un autre parce qu'elle est de nouveau enceinte d'un autre. Ça, c'est bon, ça. Putain, la violence, quoi. J'espère que c'est fini, Rodolphe, là, maintenant, hein, que tu l'as... Non, il l'a repris avec les deux. Ouais, c'est ça, ouais, t'imagines. Ah bah, on n'est pas à l'abri, hein. Enfin, attention, Rodolphe, hein, te fais pas avoir deux fois, quand même, hein. Bon, et Laurine qui dit, ah, donc, Beyoncé du sang français qui coule dans ses veines. Bah, écoute, apparemment, Fanny aussi sur le Twitter qui dit, Beyoncé des origines bretonnes, je peux mourir de rire à tout moment. Surtout, Belle-Île en mer, quoi. Bah, ouais, écoute, on va appeler dans un instant, là. Bah, écoute, Anthony, tiens-nous au courant de l'histoire, hein. Dans la semaine, si j'ai du nouveau, je vous rappelle, quoi. Voilà, et puis, si tu veux qu'on l'appelle en direct, on va pas se foutre de sa gueule ni rien, hein, pas de problème. Ouais, si tu veux qu'on l'appelle en direct, pas de problème, hein. Ça marche, mais on fera ça, c'est bien. Bon, bah très bien, mais je te repasse Kelly au standard, d'accord? Ok, ça marche. Salut Anthony, et merci Christelle d'être passée, gros bisous à toi. Bye je t'en bye. Prie, à bientôt, salut à vous, ciao, bye bye. Bon, allez, dans un instant, on aura aussi un autre Anthony qui est avec nous, là, de Perpignan. Salut Anthony. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Mais il faut pas, Anthony. Mais on est en famille ici, qu'est-ce que tu crois? Mais oui, sois le bienvenu. Hein, t'es pas stressé? Ouais, t'es pas stressé quand tu discutes avec des potes? Ouais, bah, à ce moment-là, d'accord. Tout le temps. À ce moment-là, d'accord. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? T'appelles pourquoi, Anthony? Ben, en fait, j'aimerais bien avoir une copine, en fait, c'est pour ça. Ah! Ouais, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, en fait, je sors, je vais en boîte et tout. Et ça marche pas. Le problème, c'est que voilà, ça marche pas et tout. Ah, bah ouais. Donc, ouais. Mes amis, ils ont leur copine et ça me rend un peu jaloux, quoi. D'accord, mais pourquoi? C'est physique ton problème, Anthony? Ou t'es timide ou c'est quoi le problème? Ouais, c'est plus timide, c'est que je drague pas, en fait. D'accord. Ah, oui. Bah, c'est parfois mieux d'avoir un problème physique. Regarde Toff, il arrive à pécho. Bon, c'est pas toujours du haut de gamme. Mais c'est parce que je fais de la radio, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai. Je suis conscient que si je faisais pas la radio, je pêcherais personne. C'est vrai. Alors, attends, on va faire un petit speed dating en speed, là. Ça fait longtemps qu'on l'a plus fait. Tiens, Anthony, bah, si vous êtes intéressé par Anthony, alors présente-toi en deux mots, là. Quelle taille, à quoi tu ressembles, quoi? Ben, je fais 1m76, j'ai 20 ans, je fais un peu de guitare et tout. J'espère rentrer un jour dans un groupe de musique. Et c'est bon, ça, la guitare, et ça marche bien, ça, hein? Chez les filles, ouais, c'est vrai. Hein. Normalement, les filles, elles kiffent. Hein. Mais à la base, je préfère plus jouer de la musique que utiliser la musique pour pécho, quoi. C'est pas pour frimer et me dire de suite qu'avec quand je joue de la guitare, je vais mieux pécho, quoi. Parce que regarde-moi, là, il suffit que je fasse un seul truc et je peux me pécho toutes les meufs de la Terre. Ouais, tu fais rien et tu peux te pécho toutes les meufs de la Terre. Bon, c'est faux, arrête ton cinéma. Je me suis tapé des râteaux, je te le rappelle. Arrête, il y a Katy Perry, elle voulait de toi, tu l'as acheté. C'est vrai. Mais bon, enfin bon, c'est une histoire, je vous expliquerai un autre jour. Non, parce que je suis humble, tu vois, j'ai pas envie de me la ramener. Après, les gens ils vont se dire, ouais, ils se la ramènent et tout, alors c'est ma vie privée. Ouais, c'est vrai. Ce sont les choses qui arrivent. Non, mais regarde, parce que moi aussi je joue de l'instrument de musique, hein, écoute. Prends le pipo, tu prends ta guitare. Qui c'est qui a le plus de style? Celui qui fait du pipo, Polo, vas-y. Ou alors moi qui ai quand même beaucoup plus de classe. Alors attention, mesdames et messieurs, je me réinstalle là, je chauffe c'est les doigts. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais attention, alors attention. Alors? C'est pas mal. Alors Anthony là? Oui. La plus de classe, c'est quoi? C'est le pipo ou c'est la guitare? Ah, c'est la guitare, c'est mieux. Ah bah ouais, voilà. Dites-moi les filles hein, aussi. Hein, dites-nous si vous préférez le pipo de Polo ou la guitare ou ma guitare. Voilà, attention, j'en rends un petit coup là. Ah mais dans ce cas-là, un coup de pipo. Ah bah ouais. Non, moi je suis désolé, je préfère le pipo. Merci Top. Ouais bah à voir. Moi, bon bah dites-nous les filles là, il y a apparemment le top tweet aussi. Bah c'est cool ça, merci à vous. Hein. Hashtag et Mickaël, parce que nous au moins on demande rien, tu vois, ça se fait naturellement parce que vous êtes nombreux à réagir, donc ça fait plaisir. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis on va également se faire le petit tour du top tweetos aussi dans un instant là pour savoir quels sont les auditeurs les plus actifs sur le hashtag et Mickaël, tout simplement. Tout à l'heure il y avait le Prince Nadia, elle était cinquième, elle a dit qu'elle allait tout faire pour monter au moins dans les trois premiers. Oui mais non. Quoi, elle est sortie? Ah oui. Oh merde. Sixième Nadia là, qu'est-ce que tu fous là? Le principe est simple, il suffit simplement de mettre le hashtag et Mickaël et d'envoyer des messages sur Twitter, même si vous parlez avec d'autres potes qui sont pas forcément à l'écoute de Fun, c'est pas grave. Vous envoyez le hashtag et Mickaël un maximum de fois tout simplement. Et puis on élira tout à l'heure les 5 plus gros tweetos de l'émission. Le top tweetos, le top des tweeters quoi. Tu veux le cinquième? Allez vas-y, c'est qui le coup? C'est Baptiste MBAB. Voilà, bah, bravo Baptiste, hein, du coup t'es dans le top. Et puis le Prince Nadia, bah, toi t'es sixième du coup. Il va falloir revenir en masse là. Bon, on va se faire péter le son de Showtech, vous l'aviez demandé avec le hashtag et Mickaël tout à l'heure justement. Showtech c'est... Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Ouais, good vibes, ça me paraît pas mal effectivement ça. Hein. Allez, c'est Bouya maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Sans pub. Merci d'avoir choisi le son, il était cool celui-là, Bouillé avec Showtech sur Fun. Eh ben n'hésitez pas à venir délirer avec nous, on est là jusqu'à 2h du mat, prenez le contrôle de fin de radio, il reste 35 minutes là, donc allez-y. En plus, il n'y a pas de pub là pour nous interrompre, donc on est vraiment à la cool entre nous, n'hésitez pas. Vous mettez aussi le hashtag Mickaël pour venir réagir, et puis venez aussi, hein, nombreux et nombreuses, je vous rappelle sur le Twitter, hein, vous tapez Mickaël officiel, et puis si vous me faites un petit follow, eh ben je vous suivrai également à mon tour, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je salue également Alexandre là qui vient de débarquer, il y a également Flasht, il y a David également, il y a Luc avec un tiret, il y a Alpharatz également, et puis il y a Clément Code qui vient de débarquer aussi. Bah voilà, je vous follow également, comme ça c'est fait. Donc vous tapez simplement twitter.com, vous tapez Mickaël officiel, vous me faites un follow sur bah, le Twitter ou sur l'Instagram, et moi je fais de même derrière. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir nous rejoindre sur le Facebook également là, faites monter tout ça, venez nous rejoindre, hein. Vous tapez là aussi Mickaël officiel, et puis je vous ai mis la photo aussi de Kelly qui remplace Sandro Sandar ce soir là, allez voir ça, et puis de la vidéo également du mec qui se fait dégager comme une merde par sa copine. Ouais, franchement, c'est scandaleux. Ça dure 7 secondes. Ouais. Et en fait, je vous explique, le mec, il a mis la caméra parce qu'il voulait faire une connerie. Et en fait, c'était pas du tout. Enfin, en tout cas, lui ne savait pas qu'il allait se faire dégager. Donc, ça dure entre 7 secondes, le moment où le mec, il fait un peu le con, et le moment où il se fait dégager. Tout ça en 7 secondes. Donc, ça vaut quand même la peine. Allez voir ça maintenant. Facebook.com/Mickaël officiel. Je compte sur vous, évidemment. Et puis, on va continuer, bien entendu, maintenant avec cette affaire Beyoncé. En plus, c'est son anniversaire à Beyoncé aujourd'hui. Hein. Bah, du coup, on va se mettre un Beyoncé tout à l'heure. Là. Dites-nous si vous voulez en écouter un en particulier de Beyoncé. Alors, moi, j'avais prévu celui-là. Après, à vous de voir. Beyoncé avec Déjà Vu. Il était bien le morceau. Bon, désolé, j'ai pas le moment où elle est en plein milieu là. Mais... voilà, Déjà Vu. Sinon, j'ai Crazy in Love. Sinon, j'ai Single Ladies, Baby Boy, Beautiful Liar, Irreplaceable. Ouais, c'est peut-être pas mal celui-là, un petit Déjà Vu. Hein. Bon, si vous voulez en écouter un en particulier, ou ouais, avec Jay-Z celui-là, eh ben, vous dites, hein, comme c'est l'anniversaire de Beyoncé, là, ce soir, vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous mettez le titre de Beyoncé que vous voulez écouter. Et on se le mettra avec grand plaisir tout à l'heure sur Fun Radio. Bon, on va appeler justement Beyoncé, comme apparemment elle est bretonne, elle a du sang breton. Bah, je vais gratter des places. Bah ouais, c'est ça. Hein. Il y a un message qui est arrivé aussi qui dit la Bretagne en force. C'est Louis qui avait envoyé le message là sur le Twitter de l'émission là. Bon bah on va appeler maintenant. Alors on va appeler direction la Bretagne, donc du côté de Belle-Île, hein, puisque apparemment elle serait bretonne. En tout cas, elle aurait du sang breton. Et ça, c'est beau. Paraît-il, hein, c'est le Parisien qui l'a annoncé aujourd'hui. Donc bah on va essayer d'appeler, hein, direction la Bretagne. Vous les avez donné des numéros, merci à vous, hein. Donc on va pouvoir téléphoner maintenant, là c'est parti. T'es prêt, Toff? Moi je suis prêt. Donc toujours. On va voir s'il est là-bas, enfin pas là-bas, mais surtout si tu peux gratter des places pour un éventuel concert. Allez, c'est parti, on y va. Et on attend vos messages, hein, hashtag Mickaël. Mickaël, si vous voulez choisir un des titres de Beyoncé ce soir, comme c'est son anniversaire, hein, on en profite comme ça. Allez, que ça décroche. Allez, on nous avait dit qu'il était encore debout là, il ou elle, je sais pas chez qui on va, mais... Allô? Ah. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai appris que vous étiez parent avec Beyoncé. Ah non, vous trompez de numéro là. Mais pas du tout, je sais bien, vous voulez pas que ça se sache et tout, mais voilà, c'était dans le journal, et donc je me disais que peut-être vous auriez pu m'avoir deux places pour aller à son concert. Ah non, je crois qu'il y a une erreur quelque part. Ah non, c'était dans le journal d'hier et c'était bien écrit. Non, je suis désolé monsieur, il y a une grosse erreur. Moi je ne fais pas partie des Acadiens et je ne suis pas du tout de cette famille-là. Vous avez trompé de numéro. Non, c'est Beyoncé madame, c'est Beyoncé Knowles. Hein. Et donc elle vient de Belle-Île, alors bon comme... Oui, mais j'ai lu l'histoire, oui, mais non. Ah mais bah vous le savez alors, donc... Oui, c'est pas la peine que vous me racontez des trucs. Eh ben voilà, donc donc comme je vous ai trouvé, vous pourriez me donner deux petites places, quoi. Mais pourquoi? Mais je vous dis, je fais pas partie de cette famille-là, et vous appelez, vous voyez à quelle heure vous m'appelez? Bah, oui, mais bon, du coup... Et qui vous êtes déjà, venez que vous présenter? Bah moi je m'appelle Toff, et vous appelez comment? Moi je vais pas vous le dire. Voilà. Si vous avez pris mon numéro de téléphone, c'est que vous savez. Bah non, moi j'ai fait un peu les numéros au hasard à Belle-Île. Alors donc bonsoir. Mais maintenant que je vous ai trouvé. Oui, mais c'est n'importe quoi. Mais non, pas du tout, je sais que c'est vous. Mais de toute façon, je ne fais pas partie de cette famille-là et c'est tout. Mais si, je sais que c'est vous, arrêtez. C'est pas beau de mentir. Ah bah elle a raccroché, hein. Elle a raccroché, on va la rappeler directement. C'est parti là, on va rappeler directement chez cette gentille dame. Je sais pas chez quelle grand-mère on est, hein, chez d'un auditeur apparemment, mais on verra. Bon, on y va, on rappelle, et puis on fera le speed dating aussi avec Anthony dans un instant. Là, Anthony il a la poisse, hein, parce que mes meufs elles sont pas très très chaudes pour se faire speed dater par Anthony. Donc les filles, allez-y, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Là, on va faire le speed dating avec Anthony si on trouve des filles évidemment qui sont intéressées. Mais ça va pas, non? Mais si, arrêtez, je vous ai reconnu, faites pas semblant. Vous voulez que j'appelle la gendarmerie pour contrôler votre numéro? Alors ça suffit, hein? Mais non, mais allez, arrêtez, soyez cool. Non, donnez-moi deux places. Je n'ai rien, je ne connais pas cette personne et il n'y a pas de concert. Donc ça suffit, arrêtez de téléphoner. Ah, vous voyez, allez, s'il vous plaît. Arrêtez de téléphoner. J'appelle la gendarmerie dans la minute qui suit pour contrôler votre numéro. Mais c'est quoi deux places pour vous? Allez, vous pouvez bien faire ça. Oh mais c'est vrai, putain, elle est relou. Deux places, c'est rien pour elle. C'est rien. Bon, on la rappelle. Beyoncé, elle lui donne. Attends, on la rappelle. Allez. Peut lâcher des places quand même, putain. Oui, si vous pouvez pas m'avoir des places, au moins un autographe. Bon, bah, c'est mort, hein. Je suis déçu. Bah, tant pis, hein. On a raté. Bah, ouais. On rappelle encore ou pas? Bah, on peut rappeler ailleurs, quelqu'un. Bon, bah, on essaie de rappeler ailleurs, là. On essaie de rappeler ailleurs. C'est parti. Encore, je sais pas où on va, mais. Quand vous donnez les numéros de téléphone, mettez, genre, si on va chez votre grand-père, grand-mère, oncle, tante, j'en sais rien. Qu'on sache, quoi. Qu'on appelle pas dans le vent au total. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, voilà, je vous appelais parce que j'ai appris que vous étiez proche parent de Beyoncé. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous pouviez m'avoir des places pour le prochain concert. Oui, je sais, ça se fait pas trop d'appeler les gens pour demander comme ça, pour gratter, mais j'ai pas réussi à acheter de place, alors je voulais voir si vous pouviez. Oh, bah mince, ah, ça c'est bête. Bah oui, alors est-ce que vous auriez pu m'arranger un peu, hein, Écoutez, je suis désolée, je suis pas dans ces petits papiers. Ah bon? Ah non. À quoi, vous êtes brouillé? Ah bah oui. Ah, ça fait longtemps? Ben, un moment, ouais. Ah, merde. Ah, ben oui. Parce que moi, j'espère vraiment pouvoir avoir des places, là, comment je vais faire? Appeler notre Béillois? Ben oui, forcément. Bon, vous avez pas quelqu'un, vous connaissez pas quelqu'un qui s'entend mieux que vous? Non, je regrette. Vraiment pas. Bon, bah, je suis vraiment déçu, hein, parce que je me disais qu'on aurait pu s'arranger, et là... Mais oui, je comprends bien, c'était une bonne idée, mais là, je peux vraiment pas vous aider. Bon, bah, tant pis, j'espère que ça va s'arranger quand même entre vous. Oui, hein. Oh, bah, écoutez, on va essayer. Bon, bah, si jamais ça... Je peux vous rappeler pour voir si ça va mieux, peut-être, dans un petit temps. Dans combien d'années? Bah, je sais pas, vous pensez que vous êtes vraiment brouillé? Ah, bah, ouais, je pense que c'est foutu, en fait. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, je pense. Bon, bah, tant pis. La distance, vous savez, ça arrange pas les choses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je comprends. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci quand même, hein, ça aurait été vraiment super sympa de votre part. Hein. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Oh, bah, elle était gentille, là. Ah, bon, apparemment, elle est en embrouille avec Beyoncé, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ah, oui, c'est vraiment con, ouais. Bon, si elle avait pu m'avoir des places, ça aurait été cool. Ah, bah, ça aurait été. Attends, ça aurait été exceptionnel, ça, t'imagines? On arrive à choper des places Beyoncé, ce serait très bien. Très bien. Non, elle était cool. Eric, il dit mort de rire, vous abusez. Bah, non, on a essayé de gratter des places. Apparemment, Beyoncé serait bretonne, elle aurait du son breton. Elle aurait. Attends, c'est quoi? C'est un de ses ancêtres en 1774 qui serait originaire de Belle-Île-en-Mer. Donc. En arrière. Exactement. Arrière, bon, bah, peut-être même encore plus. On va savoir. Et donc il y a un message de Denis qui dit aussi: moi je veux Crazy in Love. Ah ouais, Crazy in Love, pourquoi pas ce soir, tiens. Et il y a BG aussi Baptiste sur le Twitter qui dit joyeux anniversaire Beyoncé. Lorraine qui dit Crazy in Love est juste la grosse méga bombe, j'adore la chanson. Eh ben écoute, pourquoi pas, en plus c'est le 4 septembre son anniversaire là, ça va être depuis 1h30 là. Ouais. Et encore on est les premiers à lui souhaiter parce que comme elle est aux États-Unis, chez elle c'est pas encore son anniversaire. Ouais. On est en avance sur son propre anniversaire et ça c'est beau ça quand même. Et ça c'est beau, Toujours en avance. Exactement. Bon, si vous voulez écouter un son de Beyoncé en particulier, là, vous mettez le hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Et alors par rapport au battle entre le pipeau et la guitare et la guitare électrique que joue, là, le pipeau de Polo et la guitare à moi. Patricia qui dit annonce, c'est le pipeau qui l'emporte. Marion qui dit c'est la guitare. Fanny qui dit pauvre Polo, moi je préfère le pipeau. Dégueulasse ça, Fanny. Et Maëva qui dit tu gères avec la guitare. Eh ouais, je gère avec la guitare. Et pas qu'avec la guitare. Car moi je ne fais pas que du pipeau, monsieur. Ah bon? Ah non! Et vous faites quoi, monsieur? Eh ben, je ne fais pas que du pipeau, figure-toi. Très bien. Alors, Polo, c'est Polo, c'est le pipeau, quoi. Bon, Kevin? Oui, allô? Bonsoir, Kevin, tu vas bien? Bien, ouais. Bon, t'as entendu le pipeau de Polo? Ouais, pas mal. T'aimes bien? Merci. Non, c'est pas trop mon style de musique. C'est pas ton style, mais ça se respecte. C'est un peu comme Showtech. Hein. Voilà, c'est différent, mais voilà. Sinon, je peux faire la guitare électrique, t'as entendu, hein? Alors, le battle entre les deux, tu préfères la gratte ou le pipeau? Ouais, la gratte quand même. La gratte. Ouais, attendez, parce que bon, je vais le voir. J'ai un autre deuxième instrument parce que moi, je préfère deux instruments, pas comme Polo qui n'en fait qu'un seul. Mais il faut que je m'éloigne un peu. Hein. Attendez, faut que je m'installe. Bon, vous êtes prêts? Ouais, ouais, ouais, vas-y. Ouais. Oh là. Qu'est-ce que t'es fort? Eh, hey, fort ou pas? Ah ouais, grave. Attendez, je vous le remets là. Bon, évidemment, le problème, c'est que je suis loin. Du coup, je suis obligé d'être loin par rapport au micro. Hein. Ouais, et puis bon, tu es obligé de d'être loin des meufs aussi, donc c'est pas terrible, terrible pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais à côté de ça, je peux faire les deux en même temps, hein, si vous voulez. Hein. Guitare et batterie. Vas-y. Ouais, je peux arriver à gérer les deux en même temps et ça, c'est fort. Hey, fort ou pas encore une fois là? C'est pas mal. Hey, c'est quand même... Attends, je reviens là tout près de... Je reviens. Bon, hey, quand même pas mal. Non, ouais, franchement, t'es trop fort. Non, mais je suis d'accord. Alors, comparé à Apollo, là, je pense que j'ai quand même une... J'ai un level au-dessus, quoi. Ouais, ouais, non, là, je peux... Bon, dites-moi... Pas d'accord. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous préférez la batterie, la guitare ou est-ce que vous préférez le pipeau? À vous de me dire, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. J'attends vos messages. Il y a Jordan qui dit, moi je préfère la guitare. C'est gentil Jordan, mais bon, t'es un mec. Manu qui dit le pipeau à fond. Putain! Allez, Mathias, un mec qui dit le pipeau l'emporte loin devant. Il y a quoi aussi? Denis qui dit je préfère le pipeau. Ah mais dis donc, vous êtes dévendus, c'est quand même surréaliste ça. C'est quoi cette vanne là? Je me fais chier à faire deux instruments et vous préférez une espèce de flûte rose là? C'est dur quand même. Bah écoute, je vais la remettre en vente, tiens, je verrai. Bon Kevin, t'appelles du Doubs, c'est ça? Oui. 19 ans, sois le bienvenu, t'appelles pourquoi Kevin? J'ai quitté mon ex il y a plus de 3 mois. Non, je croyais que t'appelais pour le speed dating avec Anthony, mais apparemment c'est pas ça. Non. On a toujours pas trouvé de fille hein, pour le speed dating avec Anthony, donc je pense qu'il va rester célibataire encore un petit bout de temps. Au cas où, mesdemoiselles, vous êtes les bienvenues, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, du coup, Kevin, excuse-moi d'avoir interrompu. J'ai quitté mon ex il y a 3 mois, comme je l'ai dit juste avant, et je regrette aujourd'hui. Oh. Bah oui. Mais pourquoi tu l'as quitté aussi? Je pensais que ça allait... De toute façon, pas durer, en fait, j'aimerais que si. Non, oh, ça y est, elle te manque. Tu te sens seule. Putain, on dirait une meuf. Excusez-moi, les filles, hein, je sais pas pour ça, mais je pensais que, alors du coup, je l'ai fait, mais finalement, j'ai changé d'avis. Alors que je suis sûr, il y a plein de meufs autour de toi qui demandent qu'une chose, c'est que tu rentres dedans. Ça c'est très, très classe, Tof, ça. Ça mérite un coup de lance-flamme dans la gueule. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Non mais sérieux, pourquoi tu dis je pensais que bah, il fallait essayer, et puis ça se casse la gueule, c'est pas grave. Ah donc j'ai essayé ailleurs, mais c'est pas... Non. Ouais, c'est pas essayé ailleurs, c'est pas aussi confort quoi. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux. Bon après le principe c'est que maintenant t'aimerais bien la récupérer, c'est ça le principal. Voilà. Bon, ok. Alors tu l'as quitté il y a combien de temps? Un peu plus de 3 mois. 3 mois, elle a un autre mec entre temps? Ouais, oui. Oh là là, elle est toujours avec? Ouais, elle est avec un autre mec là? Non, c'est compliqué. Comment ça c'est compliqué? Elle a mis sur Facebook, c'est compliqué? Non, elle est plus marquée en couple avec, mais continue de le voir de temps en temps. Mais tu sais qu'ils continuent à coucher ensemble quoi. Mais ils devraient mettre cette option là sur Facebook là, plan cul. Ouais. Tu vois, parce que là t'as en couple, c'est compliqué, marié, ouais, célibataire, mais t'as pas plan cul. Ouais, le problème de plan cul c'est qu'il faudrait plusieurs possibilités quoi, plusieurs mecs que tu peux mettre. Non, parce qu'après tu peux juste mettre que t'es ouverte au plan cul. Ah oui, oui. Ou ouvert au plan cul. Ouais. Attends, viserait chaud là. Oh là, grave. Oh bah là, il demande des amis que ça quoi. Attends, dans tous les amis, il y aurait que ça. Moi je mettrais plan cul, je mets tous les gens dans ma liste d'amis. Ouais, c'est ça. Ou sex friend, en fait, tout simplement, ils peuvent le faire aussi comme ça, pourquoi pas, ouais. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu veux qu'on essaie de l'appeler, Kevin? Oui. Bon, ben ça on peut faire, effectivement, et pourquoi pas. Bon, alors, Kevin, donc elle a quel âge elle? 19 ans aussi, pas longtemps. 19 ans depuis peu, bon, elle a priori, elle a un mec. Attends, avant de l'appeler, tu l'as quitté comment? En face à face. D'accord, donc, et tu l'as dit quoi comme excuse? Je savais pas trop quoi dire, c'était... T'as bégayé, t'étais une sous-merde, quoi. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Bon, ben c'est ça. Bon, ben très bien, ben écoute, on va essayer de l'appeler et on va faire ça. Et en dehors de quitter ta copine, t'as déjà fait quelque chose de complètement dingue? Genre parce que t'es fan de quelqu'un, d'une fille, d'un mec, une équipe de foot, n'importe quoi? Non. Non, jamais. Non, parce que hier soir sur M6, je sais pas si vous avez vu, on avait parlé en début de l'émission là, c'est un vrai fan de Saint-Étienne. Alors c'est quand même assez surréaliste. Alors, écoutez le mec super fan de Saint-Étienne. Hein. Louis est un vrai supporter de Saint-Étienne. Ouais. Le problème c'est qu'il habite à Denain dans le Nord et le Nord, c'est loin. Oui, c'est Denain, Reims, Reims 3, 3 Dijon, Dijon Lyon et Lyon Saint-Étienne. 800 km, un parcours du combattant. Mais écoutez comment. Véronique, son épouse, il ne possède qu'un scooter. Un 50 cm cube, ah ouais. Vitesse maximale 45 km/h. Mercredi dernier, Jean-Louis et Véronique ont quitté le Nord. Jeudi soir, Saint-Etienne jouait un match de Coupe d'Europe. Il pensait bien arriver à temps. Raté. Bah en fait, on s'est perdu dans Lyon. Et résultat, bah, on a loupé le match. Voilà, c'est ça. Non mais c'est dramatique, le mec putain, il se tape 1600 km aller-retour en scooter en 50 cm cubes et il rate le... Bon le match était pourri, en plus les Stéphanois ont perdu donc il a pas trop raté grand chose, mais quand même le principe quoi, t'imagines un peu la violence, le mec il fait ça par amour du foot et il rate son coup. Le et c'est raté. C'est que sa femme l'a suivi par amour. Eh bah ouais, mais tu m'étonnes. Mais t'imagines le nombre d'heures là sur un scooter à 45 km/h. Mais les deux, ils devaient avoir le dos défoncé. Eh, des gestes sur le scooter de Toff là, c'est dur. Ouais, mais il serait arrivé plus vite. T'imagines avec ce bruit là qui fait 1600 km aller-retour, la galère que c'est. Déjà pour le démarrer c'est compliqué, mais alors vous imaginez un peu le bordel. Bon, on a fait ça dans un instant, Kevin. On appelle ta copine juste après le son de Florida que j'avais promis tout à l'heure, d'accord? D'accord. Bon allez, bouge pas de là, et puis bah écoute, hey, Anthony. Ouais. Ça a l'air d'être mal barré, hein. Y a aucune meuf qui veut faire un speed dating avec toi là. Bon, on va essayer, grave, hein. On va encore chercher, il reste encore 20 minutes d'émission, on va encore chercher, donc reste là. Si vous voulez faire un speed dating avec Anthony là, 01 42 48 5000 les filles, et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Allez, toujours sans pub sur Fun Radio, on s'écoute, bah je vous l'ai promis, Florida Pitbull maintenant, c'est Can't Believe It sur Fun Radio, bonne nuit, on est là jusqu'à 2h. I can't believe it. Allez, bonne nuit avec Fun Radio, là il est presque 2h du mat, il reste encore un quart d'heure, donc profitez hein, si vous voulez venir prendre la parole, si vous voulez bah, tout simplement prendre le contrôle de la radio, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique, n'hésitez pas, plein de messages qui arrivent aussi avec Elder Le Cap, ce qui dit mort de rire le scooter, là pété de rire le supporter stéphanois, là, 45 km/h, ah bah oui c'est dur. Hein. D'ailleurs dites-nous ce que vous avez déjà fait là de plus dingue pour voir vos stars préférées. Voilà, pour voir un match de foot, pour voir un concert, pour rencontrer peut-être quelqu'un. Je pense aux les fans des One Direction, par exemple, qui, on avait vu un reportage, qui sont restés une nuit complète dans un centre commercial pour rentrer, même pas les voir, hein, juste pour rentrer dans la boutique One Direction et acheter un t-shirt. Donc c'est même pas qu'ils reçoivent. Acheter un t-shirt ou un crayon ou je sais pas quoi, des One Direction. Et donc du coup, bah voilà, qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus improbable pour votre idole? Voilà, tout simplement. Donc allez-y, balancez vos messages maintenant, je compte sur vous. Vous pouvez aussi nous écrire évidemment en mettant le hashtag Mickaël sur le Facebook, sur le Twitter, ou alors directement en venant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Théo qui est à nouveau là, qui vient de débarquer là, j'écoute depuis 2h là, je suis déjà fan. Oh bah merci Théo, ça fait plaisir. Et Marie qui dit trop un pet au casque les mecs, je kiffe, je vous ai trouvé hier soir pendant une insomnie et là ce soir que du kiff sur kiff, ça remonte le moral à fond. Bisous, changez rien. Ah bah merci Marie, sois la bienvenue à toi. Laurine aussi qui avait envoyé un message qui dit non moi je suis pour la guitare. Ah merci Laurine. Florent qui préfère le piano, oui c'est vrai que j'ai fait du piano aussi, mais bon je peux pas le déplacer, c'est difficile à déplacer quoi. Le pipeau c'est sec, c'est Manu qui avait envoyé les messages, la guitare c'est trop banal. Attends, c'est con, c'est pas banal la guitare, il faut arriver à en faire hein, quand même, cela dit hein. Et Max B qui dit aussi rien ne vaut le pipeau de Polo. Bon, une chose est sûre, on a passé le son de Florida avec Pitbull à l'instant là, celui-là. Et Polo s'était engagé à essayer de leur faire en pipeau. Oui, c'est vrai. Donc on y retourne. Hein. Je vais avoir du mal, je le sens, mais ouais, je vais ouais, le faire. Ouais. Bon alors on y va. Attention, y va. Version pipeau. Allez. Voilà, attention vers pipeau. 3, 4. Non, c'est vrai quand même qu'il faut dire des choses. C'est pas mal. Il y a quand même de la ressemblance. Non, merci. C'est pas mal. Non, c'est vrai. Il y a quand même de la ressemblance. J'avoue. Désolé. Bon, peut-être un j'ai petit peu ce que j'ai trop pu, vite. C'était pas très, ouais, très dur. Ben voilà, c'est ça. Bon, on va essayer de récupérer Kevin là, il a quitté sa meuf. Il se rend compte qu'il l'aime encore là. On l'a perdu. Ah merde, bon bah peut-être qu'il a plus de batterie. Bah écoute, Kevin, si tu nous entends, on essaye de te joindre. Sinon, t'inquiète pas, on appellera demain. Il y a pas de problème. Et en attendant, Anthony. Oui, je suis toujours bon, là. Bon, écoute, alors c'est pas qu'on a trouvé. Enfin, si, parce qu'il y a Amandine qui était là justement hier, là, qui était en chien. Là, Amandine, t'es là? Oui, je suis là. Bon, et Virginie, t'es là? Bien sûr. Bon, oh, bah, non mais c'est parfait, mais c'est pour être sûr. Hein. Comme ça fait 2h12 que vous êtes dans le standard. Simplement être sûr. Comment ? Plus c'est long, mieux c'est. Plus c'est long, mieux c'est. Oui, ouais. C'est vrai, Virginie. Plus c'est long, mieux c'est. C'est vrai, t'as raison. Déjà, c'est plus c'est long, plus c'est bon. Exactement, c'est paraît-il. Exactement. Bon, Amandine et Virginie. Oui. Je vous présente Anthony. Vous pouvez me faire quelque chose de, du petit, là ? Bah après, ça dépend. Ça dépend ce qu'il cherche. Bon, je vous laisse parler avec lui, là. Découvrez-le, là, pour voir un peu, là. Enfin, pas trop, quand même. Hein. Ouais. Anthony ? Oui, oui. Je te présente les filles, là. Amandine et Virginie, elles sont là toutes les deux, rien que pour toi. Si tu veux, je te fais un tour du propriétaire. Hein. On a déjà fait hier. Bah oui, mais c'est pour ça que je peux lui donner les mensurations. Ah, d'accord, d'hier. Attends, on va d'abord le laisser partir à l'aveugle. Voyons voir. Amandine, Virginie ? Il y en a une plus lourde que l'autre, hein, je te préviens. Je vous présente Anthony. Attention ! Physiquement et mentalement. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ah, très bien, ouais. Alors, tu cherches quoi ? Parlez-moi, il m'intéresse. Ben, je cherche une fille, c'est normal, non ? Ah bon ? Une fille ou une femme ? Plus une copine, je cherche surtout dans l'amitié, je cherche pas de suite de, le grand donc amour. Des plans, ouais, des plans cul, ça t'intéresserait ? Non plus. Oh putain. Pourquoi ? Déçu, tu vois la meuf. Ça m'intéresse pas de faire du sexe sans amour si t'aimes pas la... Eh, Anthony ! Oui, mais voilà, ouais. après, pour moi, au jour d'aujourd'hui, il y a que le sexe dans la vie. Mais ouais, parce Amandine, que voilà. Aujourd'hui, les couples, ils restent plus. Je suis restée 6 ans avec un mec, il s'est foutu de ma gueule, donc maintenant, moi, je vis que pour le sexe, en mais gros. Mais t'as raison, Amandine. Putain, t'as eu le même problème que Toff, lui aussi, il y a sa meuf qui s'était foutu de sa gueule il y a longtemps, et depuis, c'est devenu un gros connard. Eh ben moi maintenant j'ai dit je fais le même, je profite. Mais ouais. J'ai que 23 ans, j'ai encore de l'avenir. Mais ouais, viens Amandine, on va profiter à deux. Y'a pas de soucis. Vas-y, je te reprends au standard, on va profiter. Oh là là, bon laisse-le, attends. Eh hey, Anthony ? Oui ? C'est vrai le coup des planqués ou c'est juste pour essayer de la jouer un peu lover ? Non, moi ça m'intéresse pas. Bon, ok, d'accord, c'est ton choix donc Amandine. Bon bah y'a Virginie alors qui est sérieuse comme femme. Bon Virginie, je te présente Anthony. Bonsoir Anthony. Non, on va se marrer, je Bonsoir. Pense. Comment on va ? Très bien, oui. Excuse-moi, mais... Vous êtes France, moi, tu m'intéresses pas. Oh là là ! Bon, déjà, premièrement, grave, hein. J'ai 35 ans. Là, c'est pas méchant, faut pas te prendre méchamment. Déjà, non, j'ai moi j'ai 20 ans, donc... Moi, il n'y a pas de souci, alors. C'est 35 ans, ouais, 35 ans. Bon, bah... Largement, beaucoup trop jeune. Bon, c'est Anthony pas, voilà. Oui. Bon, bah, comment t'expliquer que... Comment t'expliquer, quoi ? Amandine, peut-être ? Bah non, Amandine, il vient de dire que ça n'intéressait pas. T'as... Bah, écoutez, Virginie ! Amandine, elle est du cul. Ah oui, on dirait, ouais. Elles sont dans la même pièce, hein, je rappelle. Oui, non, attends, non, ça, je me suis mis à l'écart. Oui, elles sont mises à l'écart, mais dans la pièce à côté, quoi. Bon, bah, très bien. Bon bah du coup parce que à la base vous nous avez appelé. Bah Anthony reste toujours là, on sait jamais hein, qu'il y ait des filles qui sont intéressées par toi. 01 42 48 5000, reste 10 minutes là. Ou 02 851 4x0. Là les filles, allez-y, appelez-nous, n'hésitez pas mademoiselle, pour rencontrer Anthony éventuellement. Ou en tout cas faire un speed dating, sait-on jamais. Ça se trouve c'est l'homme de votre vie, on peut pas savoir. Mais peut-être qu'Anthony voudra rencontrer un homme. Ou un mec peut-être. Ouh, Anthony, non ? C'est ça, ouais, bel foutage. Bon, on verra. On essaye de te rendre service, Anthony, c'est on ça. Fait ce qu'on peut. Et Amandine nous avait appelé en début, déjà hier soir d'abord, Amandine et Virginie, pour nous dire que Amandine et Virginie étaient chaudes sur le même mec qui s'appelle Ludo, et donc au final qu'elles voulaient essayer de faire un plan à trois. C'est bien ça, les filles ? C'est ça. Exact. Très bien. Et donc, du coup. C'était un trip. Ouais, c'était un trip. Du coup, on avait essayé d'appeler hier, on était tombé sur la mer. Et donc, on a essayé d'appeler tout à l'heure, personne n'a décroché. Donc, on va rappeler. Non, s'il vous plaît. Et si, on rappelle. Non, s'il vous plaît. Écoutez-moi. On rappelle. Mais nous, on préfère écouter Amandine. Merci, c'est super sympa. Bon, attends. On va vivre un truc intense, Amandine. Attends, on rappelle, comme Virginie a insisté, on va rappeler. Putain, merde alors. T'as insisté, Virginie ? Comme ça, merde alors. Oui, allô ? Allô, Ludo ? Non, c'est son frère. Ah, excuse-moi, est-ce que je peux parler à Ludo ? Il doit être en train de dormir, hein. Ah mince, parce que j'ai essayé d'appeler, je suis tombé sur votre maman hier. Et je lui avais dit qu'on appellerait vers 11h, mais personne décrochait tout à l'heure. Ah, d'accord. Et donc c'était pour savoir si je pouvais parler à Ludo. Bon là il dort. Si je le rappelle demain vers 11h, vous pensez qu'il sera là ? Ouais, franchement ça commence à être relou un peu là. Ah non, mais écoutez, j'ai essayé d'appeler à 11h. Ouais. Bah peut-être que sinon on peut lui parler maintenant. Bah non, non, non, c'est impossible. Non, c'est pas possible, il dort. Bah oui, je comprends. Bon, ouais. Écoutez, bah j'essaierai d'appeler demain alors. Ouais, bah. Bon, oh, bah merci beaucoup. C'est l'heure qu'il est quand même là. Bah justement, mais c'est pour ça que j'ai essayé d'appeler 11h hier. Tout à l'heure, pardon, et personne décrochait. Ok, ok, bah je dirai. Bon, bah c'est gentil, merci beaucoup, hein. Ouais, au revoir. Au revoir. Et surtout, vous lui dites que c'est de la part de Virginie, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as dit que elle est belle. C'est ma vie, attention, hein. Attention, hein. Ah non, là, je suis pas contente. Sur ma vie, yo, yo, yo. Ouais, donc vous dites que c'est de la part de Virginie et que, bon, on rappellera demain, non, quoi. C'est pas vrai. Voilà, c'est et vous lui dites simplement que c'est qu'apparemment c'est Amandine qui le kiffe et Virginie, elle a dit qu'elle l'aimait pas. Voilà, donc vous lui dites ça. Ok. Merci, hein. Voilà, c'est fini, hein. Bon, bah, très bien. Écoute, le message. T'as vu, j'ai rien dit, j'ai pas parlé de toi, Virginie, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, on y croit, ouais. Comment ça? Mais j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin. Ça alors, ouais, tu me crois pas? C'est que le début ou c'est la fin, je sais pas, mais vous m'avez mis les nerfs, mais quand je dis les nerfs, c'est les nerfs. Mais enfin, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a, Amandine, ta copine? Ben je sais pas, de mon temps. Elle est jalouse, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon bah écoute, on l'appellera demain, du coup, vers 11h. Ah ouais, alors... Oui, bon, y'a pas de souci, y'a pas de souci. Moi, je serai dispo. Non, au pire, on n'appelle pas Virginie, on a plus d'appeler que moi. Moi, Amandine, espèce de petite pétesse, bon. Virginie, je suis pas jalouse, hein, c'est qu'un mec, hein. Tu sais quoi, mais ouais, t'as raison, Amandine. Bon. Virginie. Virginie, demain. Virginie. Quoi? Bon, on vous appellera toutes les deux demain. Et on discute. D'accord, y'a pas de souci. On discute. Même pas en rêve. Mais on discute entre adultes. Ouais, bah y'a adultes, ouais. Non, mais à mon avis, elle devrait retourner à la maternelle. Oh, Amandine, arrête de la chauffer. Bon, d'accord, Virginie. Y'a des limites. Bon, à demain. Ouais, c'est ça, on y croit, ouais. Allez, salut, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux que je te joue un peu de guitare pour t'endormir? Non, pour façon, merci. Bah pourtant, je joue bien, t'as entendu ou pas, toi, tout à l'heure? Si, moi, j'ai entendu. Je m'en bats les bichetons, ouais. T'en bats quoi? Je m'en bats les bifetons, voilà. Les bifetons, d'accord, ok, très bien. Tu veux un lance-flamme? Non, parce que Ludovic, il va devoir sortir sa bite d'incendie pour m'éteindre. Alors oui, j'aurais bien voulu, ouais. Il va devoir sortir sa bite pour m'éteindre, la grande classe. Bon, tu veux un coup de pipeau, éventuellement, de polo? Bon, alors, loin de l'eau, hein. Loin de l'eau, hein. Bon, bah, loin de l'eau, là. Bien. Bon, bah, salut les filles. Salut. Et à vous. On peut avoir un cadeau? On appellera l'audio demain, ce sera ça le cadeau. Et franchement, ça nous fait plaisir. Oh non, c'est le mien, c'est la personne d'autre. D'accord, j'ai absolument rien compris ce qu'il m'a dit. Kevin, on t'a récupéré là, putain, on t'avait paumé là, t'étais où? Oui, bah, le problème de téléphone. Ah bah ouais. Bon, on va appeler ta copine maintenant du coup, hein. Kevin nous a appelé il y a 10 minutes là, il a quitté sa meuf, mais il se rend compte qu'il l'aime, hein. Ah là là là là là là, Kevin. Bon. Oui. On va y aller, on l'appelle, tu lui parles. Mais t'es sûr qu'elle est debout à cette heure-ci là? Ouais, je pense. J'ai l'habitude des fois, il y a longtemps que je la place là. Donc... Ok, bon, bah d'accord, très bien. Bon, allez, on y va, c'est parti, on y va, on l'appelle. Et puis on fera le top tweetos également, le top 5, là, pour voir un peu lesquels étaient les auditeurs ce soir les plus réactifs sur le Twitter de l'émission, là. Oui, allô? Allô, Bertie? Oui. Alors, comment ça va se passer? Non, ça va. Je vais te parler, je vais te demander... Je voulais qu'on se revoie un peu plus souvent, passer des moments ensemble, créer des liens, puis... Et te mettre une cartouche plus. Ouais, on va voir. Hein. Ouh, c'est pas gagné, ça. C'est-à-dire? Ça part mal. Je sais pas, pas trop message. Confiance en ce moment. Envers toi. Bah, vu comme t'es parti... Bah, il est parti, quoi. Là, il va avoir confiance en toi, quoi. Ouais, ça... Oui, c'est regagner ta confiance. Ouais. C'est quoi cette musique? Ah, je sais pas, c'est... C'est une musique de fond, comme ça, dans la voiture. Ouais. Oh, le ringard. Ouais, j'écoute un peu de musique un peu romantique, ou... Ouais. Donc là, il entend la musique, mais pas ah nous, oui. Hein. Carrément. Ouais. On pourrait peut-être sortir, je sais pas, un week-end, aller en boîte ou... Enfin, en boîte, c'est pas vraiment un endroit pour... Ou un ciné ou... Un resto, propose un resto. Ouais, on verra. C'est pas là. Ouais, que... Bien. C'est correct. Ouais, elle a des bugs, ta radio. Ouais, elle a un peu de soucis, oui. D'habitude, ouais, j'écoute plutôt des radios différentes. T'écoutes Nostalgie ou quoi? Non, non. Non, c'est... Ouais, c'est... J'arrive plus à changer de station. Only ouais. Fikiri fait au lit, hein. Je pense que j'arrive à moitié. Oui. Ouais, elle glousse. Ouais, en fait, je t'ai appelé par Fun Radio pour te surprendre. En fait. Ah oui, il passe des musiques comme ça sur Fun Radio. Ouais, il doit faire exprès pour m'embarrasser ou. Ouais. Oh, c'est tout ce que t'as à dire. Bah, c'est ouais. Je suis un peu stressé. Ce que j'ai fait, voilà, ce que je regrette. Ah, j'avais senti. Oui. Il y aurait beaucoup de trucs à dire pour s'excuser. Oui, c'est sûr. Après, j'ai envie de t'étonner et puis faire de même comme avant. Ouais, ben ça va être dur, pas du chemin à parcourir. Hein. Ah, je ferai le chemin. Ouais. Je suis pas sûr. Après, ouais. Après, j'aimerais bien que la radio arrête d'essayer de m'embarrasser quand même. Quand tes cheveux s'étalent, dans ma soleil. Et ouais. Par contre, il y a, j'ai appelé la radio exprès pour te dire que je t'aimais encore et que je voudrais qu'on se remette ensemble. D'accord. Bon, on verra avec le temps. Ah oh bah non, t'as dit d'accord. Alors... Ah non. Hein. Ah si, t'as dit d'accord. Ah si, ah on si. Est tous témoins. Ah, attends, t'es sérieuse. Ouais. On est tous témoins. T'as tous. Dit d'accord. T'es, on va se remettre ensemble. T'as dit d'accord. Non, j'ai dit, si. On verra avec si. Le temps. Ah non ah, mais si. On s'en branle du temps, c'est un connard. Eh oui. Bah oui, voilà. Ouais, ouais. Oui, bah vu comme il m'a quitté, il a le temps d'attendre un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, il nous a dit que ça a été un con, ça a été un trou du cul, c'est un mongol, etc., etc. Et donc voilà. Après, c'est qu'un mec, hein. Des mecs, c'est un peu con. Il a fait une connerie. Il a réfléchi après, comme d'habitude, hein. Mais oui. Bah oui. Bah il faut oui, quand voilà. Même les laisser poireauter, sinon c'est pas drôle. Oh. Bah t'as raison. Eh, tu sais quoi, à la limite, le laisse pas poireauter, voilà. Mais t'as qu'à te taper tof. C'est comme ça, il va la voir bien mauvaise. Mais non, je vais aller voir Anthony. Ouais. D'ailleurs, Bertie. Ah, attends, qui est Anthony? Là, ah ouais. le gars sur Fun Radio, j'écoutais un petit peu quand même au début. Ah oui, Anthony. Ah bah voilà, Anthony, je te présente, comment tu t'appelles, la copine de Kevin? Bertie. Anthony? Oui. Je te présente Bertie, bon, on va trouver une meuf, tiens, pour toi. Attends, bouge pas, je te fais le tour du propriétaire. Bertie, combien mesures-tu? Je sais pas trop, 1m68. Combien pèses-tu? Ça se dit pas trop, ça. Mais si, ça se dit entre nous, ça reste entre allez, nous, Bertie. 54. Quel est ton tour de poitrine? Ah, ça je le dis pas. Monsieur. Non. Bon, okay, Kevin, c'est combien? À peu près, hein. B, C. Ah, il se souvient même plus. Oh putain, tu vas encore prendre cher toi, bon, Kevin. Kevin, B ou C? B. B. D. Oh, quand même pas B. Ah, D comme Denise. Oh putain, c'est bon ça. Ah, c'est bon. Pas mal, c'est pas mal. Ah. Bah, tu vois, finalement, c'est pas mal. Hein. Non, elle est pas mal. Et ton dernier pantalon que t'as acheté, Bertie, quelle taille? 36, 38. Ah, ouais, ah oui, je comprends, Anthony, mais t'as été complètement con de la virer. Toi, t'es vraiment un idiot. Hein. Anthony, tu fais une bonne affaire, hein. Vas-y, fonce. Ah ouais, ouais. Bon, Anthony? Oui. Ça t'intéresse ou pas? Ben, si elle veut, oui. Bertie? Ouais. Ok, très bien, bah, c'est une affaire qui roule. Hein. Bon, Anthony, ce sera pas pour du long terme, hein, parce qu'a priori, à mon avis, je pense qu'elle va retourner avec Kevin à un moment ou à un autre. Mais bon, histoire de faire chier Kevin, hein, ça me paraît pas mal, quoi. Bah voilà, Kevin, hein, on a essayé de t'aider, là, je pars, t'es content ? Ouais, c'était pas trop le but de réussir à la caser avec Anthony. Écoute, nous, le défi, c'était d'arriver à trouver une meuf pour Anthony. Le défi, c'est qu'on arrive à joindre Bertie. Bertie, on l'a eu. Elle est pas contre le fait que tu retournes, enfin, que vous vous remettiez ensemble. Donc, au final, nous, on a tout gagné. C'est-à-dire que Kevin, il est content. Anthony, enfin, Kevin, il est à moitié content. Ouais. Anthony, il est très content. Bertie, bon, elle sait pas très bien, mais elle verra plus tard. Et puis voilà, finalement, c'est bien. Non, moi je dis on est pas mal là, on a bien travaillé ce soir. Faut voir le bon côté des choses, exactement. Bon, hein, Bertie, faut voir le verre à moitié rempli. Voilà, Bertie, tu vas quand même réfléchir ? Oui. Bon, oh, ça marche. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Bon. Allez, Kevin, tu lui mets des fleurs, un resto, et on a, je suis sûr que c'est ouais, bon. Ouais, voilà, c'est ça me paraît pas mal, ouais. Ouais, je vais. Et puis et un coup de pipeau de Polo là, il va venir, tu sais, quand il va venir, quand vous serez au resto là, c'est lui qui va venir à côté de vous, tu sais, avec le. Ah, du violon, c'est mieux. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de violon, hein. Désolé, il fait du pipeau, c'est déjà mieux. Tu hein, veux c'est, quoi aussi c'est déjà, tu veux pas qu'on vienne avec un orchestre. Bon, ben gros bisous tout le monde. Oui, gros bisous. Allez, vous revenez quand vous voulez. Hein. Bon, bon, bon, ciao Anthony, si on trouve quelqu'un, t'inquiète pas, on tient au courant. Bertie, je te fais des bisous. Et Kevin, la prochaine fois, tu réfléchiras, tu seras un peu moins con. Oui, oui. Hein, ce sera pas mal ça. Elle a l'air cool, donc évite de l'acheter. Ouais, ouais, pas deux fois, parce que je pense qu'une fois c'est passé, mais la seconde, je pense que tu vas prendre cher. Hein. Non, il y aura pas de deuxième fois. Ouais, bah ça c'est sûr, on n'est pas à l'abri qu'il n'y en ait pas. Ouais. Bon. Salut Kevin. Ouais, merci. Allez, à tous. Ciao ouais. À toi, ciao, ciao Bertie. Bon, et avant de se quitter maintenant, eh ben, il y a déjà le générique qu'on va mettre dans un instant, bien sûr, je vais pas oublier hein, le générique. Mais surtout, quel est le top 5, le c'est top tweetos, quels sont les 5 auditeurs qui étaient le plus présents ce soir ? Ça charge. Ah, ça charge, très bien. Tu veux que je mette le générique d'abord ? Non, c'est bon. D'accord, alors vas-y, on t'écoute. 87. 90, 95. Ah oui, voilà. Parce qu'on a une machine qui calcule tout ça. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est... On est équipé. Ça à la main, qu'est-ce que vous croyez ? Allez, on y va, c'est parti. Alors, cinquième. Cinquième, on y va. Ouh, c'est DJ Gobos. DJ Gobos, enfin, je sais pas. Ouais, d'accord, on a compris, DJ très bien. Ouais, ok, d'accord. Alors ensuite. Numéro 5, c'est numéro 4. Numéro 4, c'est Mathias R. Ouais. Alors ensuite, il y a Logic. 4, LOGC4. Ouais. Ensuite, Baptiste MBAB. D'accord. Et la star des stars, la championne des messieurs. Championnes. Alors attention. Il y a un jingle ou bah non, là pas non, là, non. Tu m'as pas prévenu. Bah, non, je pensais que t'allais mettre un roulement de tambour, un truc. Ah, tu veux le roulement de tambour ? Allez, quand même. Ah, ici, ça, je peux te le mettre, le roulement de tambour. Attends, il est là, il est là. Attention, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Alors. Nini Virginie. Ah oh, bah bravo. Voilà, let's be freaks. Contre toute attente, étonnant. Oh, je ne m'attendais pas à ça, effectivement. Bon bah bravo, let's be freaks. Alors hein, top tweetos de ce soir. Toutes mes félicitations. Ouais, voilà, c'est fait. Nadia qui était deuxième et septième ce soir. C'est... Oh, quelqu'un qui allait essayer de ressortir par rapport à tout ça là. C'est chaud c'est quand mauvais, même. Hein. Ouais ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon bah très bien. Bon, on va se faire le générique de fin avant de partir. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. Prouve tes bites. T'as fait sucer toi l'enculé. Et un enculé en tant que ton nom. Y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger. Car t'encules ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est normal. Quelle cochonnerie ! Que veux-tu ? Ils sont canadiens. Eh ben oui, ils sont canadiens. Allez, attention, tous en cœur. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Et toi, t'as un enculé. T'as un enculé. Oui, les deux, on est. Voilà, toute simplicité évidemment. Bon, bah, passez une bonne nuit évidemment. Tout le monde là, dans un instant, on se fait péter de la musique évidemment, non-stop jusqu'à 6h du mat. Le son d'Enflore en mode non-stop jusqu'à 6h du mat. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain à partir de... 23h, allez mec, ils savent plus l'heure. Ouais, en même temps, on commence une fois à 20h, etc., etc. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Bravo au top Twittos, là. Hein. Bravo à les Freaks encore une fois. Merci à Diaz qui était là, Héloïse aussi qui était là, Brandon, Deria également, Mister Steven, Poupoulinette. Il y avait le Prince Nadia également hein, qui a mal terminé 7ème dans le top Twittos. Kevin également, il y avait Greg aussi qui était là, Phénicia, Jason et Florian, etc., etc. Merci à vous toutes et à vous tous. Petit Panda qui est passé également aussi. Et puis nous, on se retrouve donc demain avec un autre top Twittos. Est-ce que Let's Be Freak sera toujours numéro 1? On verra. Réponse demain. Qui sera deuxième, troisième, quatrième, cinquième? On verra bien, ça se trouve. Bah, ce sera peut-être vous, tiens, justement. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous allez en cours demain, de faire la promo. Hein. Dites enfin qu'il se passe quelque chose le soir à partir de 23h sur la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe à partir de 23h jusqu'à 2h du mat et tous les dimanches entre 20h et minuit. Excellente nuit, tout le monde. Et à demain, 23h. Ciao. Mickaël, No Limit, Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio, Fun Radio. Juste un détail, j'ai oublié l'anniversaire de Beyoncé, là, et donc on avait prévu de passer Beyoncé et Crazy in Love. On va se quitter avec ça. Ça me paraît pas mal. Allez hop, c'est parti. En attendant l'arrivée aussi de Bruno tout à l'heure. Bruno dans la radio, ce sera à partir de 6h. Et n'oublie pas que c'est Stromae qui va débarquer sur Fun Radio. Attendez, je me suis gouré de version, là, j'ai mis la version live. Note, c'est pas mal la version live, hein. On se met la version live? Ouais, vas-y. Pour changer, bah ouais, tiens, version live. Allez hop, c'est parti, rien à foutre. Beyoncé Crazy in Love, version live. Après tout, c'est l'anniversaire, hein. Mais oui. Voilà. Allez, à demain, 23h tout le monde. Ciao. Yes.